il va complètement retourner Port Barcarès le 11 et 12 juillet prochain pour l'Electro Beach avec Fun Radio, avec évidemment les plus gros DJ. Il y aura également Fight Boy Slim pour cette grosse soirée, pour ce gros week-end Electro Beach, avec aussi Armin Van Buren. Enfin, ça va être juste énorme. Évidemment, toutes les infos sur funradio.fr. En tout cas, Calvin Harris place numéro 1 ce soir, plus 4 places. Nouveau numéro 1 des clubs avec Summer Avicii passe deuxième, moins une place pour les Addicted to You, moins une place aussi pour Shotak et David Guetta pour Bad, moins une place pour Chainsmokers. Tout le monde part voir le bas avec le selfie. Enfin, 5ème, plus 1, plus une position pour Clean Bandit. 5ème ce soir avec le son de Razor Beast sur Fun Radio. Eurodance 25 sur Fun Radio. Et on car évidemment dans une poignée de secondes sur le site de Fun, c'est funradio.fr en break Eurodance 25, histoire de récupérer toutes les infos sur le classement de ce soir. Et je peux vous dire qu'il y a eu pas mal de changements. Voilà, belle soirée tout le monde. La suite, c'est Party Fun tout à l'heure dès minuit avec un week-end spécial Swedish House Mafia qui va se terminer. Et ce soir, ça sera la diffusion exclusive en France du set live enregistré au Masquerade Hotel Los Angeles. Donc ça sera de pas louper tout à l'heure. Et dès minuit, Party Fun spécial Swedish House Mafia. Et juste avant, pour se mettre un petit peu dans le bain, Mickaël. Mais oui, en pleine forme. Mais écoute, complètement. Et toi, ça va? Bah ça va très bien. Une journée à Disney, donc là j'y retourne parce qu'il y a la parade tout à l'heure. Sympa. Et voilà, le temps d'aller faire les boutiques. Et bah écoute, très bien, bah tu ramènes un petit Mickey. Un petit Mickey si tu voilà. veux. Et bah écoute, pas de soucis, Stoff sera content, il dans son bureau. Je le garderai. Avec plaisir. Je vous le donnerai dimanche prochain. Et bah d'accord, écoute, en note, y a pas de problème. Bon bah bon retour là-bas alors, et puis bah comme tu disais, Party Fun tout à l'heure à minuit, Swedish House Mafia, donc sur Fun Radio à l'honneur. Exactement, et la fin d'un week-end de 4 jours qui s'achève. Et oui, on s'en est pas bien rendu compte nous, mais oui, je me mets à la place de tout le monde, y a pas de problème. Voilà. Bon bah salut à toi Miko, retour de l'Eurodance la semaine prochaine, 18-20h. Salut. Allez, on est parti jusqu'à minuit sur Fun Radio, bienvenue tout le monde. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Cette semaine, vous avez préféré dormir, regarder la télé, retirer votre cou. Vous avez raté ça. Toi, t'aimes bien la fessée. Oui, et je pense que c'est un véritable hommage qu'ils font au cul de la femme. Antoine, qu'est-ce que t'as comme conseil à filer à David? Ouais, bah alors, il faut, quand tu bandes, il faut taper son gland super fort sur la cuisse. Ah bah oui. Mais t'es un arvalou. Vraiment, vous foutez, mais ça désensibilise vachement le gland. Mickaël No Limit, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon et long week-end. Pour ceux qui ont pu profiter évidemment du vendredi pont, hein, qui a presque fait viaduc pour certains, mais bon bref, pont en règle générale. Et est-ce que vous sentez cette odeur de vacances là? Ah, enfin, non, cette odeur de nez bouché surtout aussi, mais enfin ça c'est un autre détail. Qui pue, ça. Ah non, moi je sens bien. Bah écoute, moi ça m'arrange parce qu'effectivement j'ai éternué tout le week-end à cause de je sais pas quoi. Mais du coup je ne sens plus l'odeur de Toff. Ah bah voilà, c'est très pratique. Comme quoi tu as gagné quelque chose. Bah, et comme quoi j'ai effectivement gagné quelque chose. Je suis pas à l'abri d'arrêter mes médocs pour l'allergie moi. Ah bah écoute. Bah comme ça au moins je reste dedans et tout, c'est pratique. Bref, non, la température qui monte. Alors a priori le week-end prochain on sera en vacances là, hein, 30 degrés le week-end prochain. On verra déjà si ça se maintient quand même, hein. Donc ça va être bien. Toff va arriver en short. Non. Polo en Bermuda. Ah non, sur fun. Hein. C'est ringard, c'est ça minable. Ça va être la folie totale. Bref, ça va aussi être la fin des révisions et puis la fin des examens bientôt, la Coupe du Monde en 13 jours. Oh là là, et puis nous aussi, on continuera à être plus chaud hein, chaque soir, bien entendu, pour que vous ayez toujours quelque chose de bien à écouter le soir de 20h à minuit le dimanche, évidemment, et de 23h à 2h du lundi au jeudi. Et il y a Cédric également qui est avec nous, le Stéphanois. Salut Cédric. Oui, salut toute l'équipe. Ouh là là, oh, c'est salut. Ça sent le doux, ça. Même si j'ai le nez bouché, je le sens quand même. Hein, ça sent le doux, là. Ouais. Ah ouais, ouais. Bon, t'as quel âge, le doux? 13. 13 ans. T'as passé un bon week-end? T'as fait un long week-end ou t'as fait un petit week-end? Un long. Un long, donc t'es en congé depuis mercredi soir, quoi. Mercredi après-midi, même. Ouais, j'ai travaillé le vendredi, mais bon. Non. Ah là là, mais malheureux. Pourquoi, pour l'école? T'as été à l'école ou t'as fait quoi? Ouais, collège. Oh non, ils abusent. Écoute, c'est congé jeudi, c'est congé le samedi et le dimanche, fais le pont. Bah oui. Bah oui, attends, bah c'est la moindre des choses. Oh, je vous jure, les profs aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Hein. Bah oui, avant, ils avaient toujours une bonne occasion de faire grève et là. Et là, il n'y a plus de grève, ils sont contents. Enfin, ils sont pas contents, mais enfin, ils font plus grève ni rien. Ah, je vous jure, c'est dingue. Bon, tu nous appelais pour faire quoi, toi, pour devenir doux officiel? Ouais. Bon, alors attends, je te passe Polo là pour devenir doux officiel là. Comment t'appelles-tu? Cédric, tu veux devenir doux, officiel et rentrer dans la grande armée des doux? Oui. Eh ben réponds, Isio, vite. Bon, oui. Est-ce que... Mets-toi à genoux, pardon, j'allais te frapper à la tête directement. Mets-toi à genoux, jeune doux. C'est fait. C'est vrai, insulte-toi. Je suis un con, un connard, un toff. Parfait. Très bonne insulte. Attention, la violence est un peu violente quand même pour le coup sur Toff là. Bon, enfin bon. Prends ton téléphone dans la main droite. Oui. C'est bon. Oui. Tape-le-toi contre la tête. Oh, plus fort là, c'est ridicule. Parfait, stop, ça suffit, ne t'ouvre pas le crâne. Oui. C'est quoi ton prénom en fait, j'ai oublié. C'est Cédric. Cédric, tu oui. es officiellement un doux, bravo. Ouais. Eh ben voilà. Ouais. Bon alors pour ceux qui se demandent ce que c'est que ce délire, pour ceux qui nous écoutent peut-être pour la première fois, car oui tous les soirs il y en a plein des nouveaux qui arrivent au fur et à mesure, et eh ben évidemment c'est tous les doux, tous les auditeurs de Fun qui ont moins de 15 ans ou qui n'ont pas encore mué, qui peuvent devenir doux officiels. Pour ça il faut évidemment se taper sur la tête. Il n'a pas eu son nom, quel est ton nom alors le doux qui travaille le vendredi. Le doux qui travaille le vendredi. Bah ouais, ça c'est un nom de merde. C'est enfin, pas mal. Bon, comme ça, c'est... Bah il faut parfois. C'est un doux. Parfois on n'a pas de bol, parfois c'est comme ça. Ça, y a pas le choix. T'as envie d'écouter un son particulier, celle ou pas ce soir? Non. Non, pas spécialement. Bah, il y a le Vichy qui va arriver là avec Lay Me Down. C'est un de mes sons préférés en plus, je le mettrai tout à l'heure. T'aimes bien ou pas? Ouais. Tu peux me dire non, hein, si tu veux, c'est pas un problème. Hein. Oui, oui, oui. Bon, alors ça va très bien. Il y aura aussi Pharrell Williams. Voilà, et si vous voulez écouter des sons en particulier, bah vous demandez, il n'y a pas de problème. Hashtag Mickaël sur le Twitter d'émission. T'as Twitter toi ou pas, Cédric d'ailleurs, toi? Ouais. Ah, très bien, t'as déjà fait un petit follow sur ma page, j'espère. Ouais. Ah très bien, parfait. Donc du coup je t'ai followé aussi comme tous les autres. Donc d'ailleurs si vous faites un petit follow sur le Twitter d'émission avec le @mikael_officiel, c'est le petit tir en bas le underscore. Et bah si vous me followez, et bien je vous ferai un petit follow également. Ryan qui dit les profs sont chiants. Bah c'est le principe en même temps du prof. Il y a Aria aussi qui dit coucou mon équipe préférée, une soirée qui s'annonce bien en perspective, je vous adore. Toff, t'as une tête de nymphomane. Ça ne m'étonne pas, tiens. Oui. C'est la meilleure définition. Ouais, Devers 45 qui dit salut à vous, les gangstas préférés, salut Devers 45 et Dilet qui dit j'ai pas eu de pont mort derrière, je ressens les vacances parce que je vais en mode touriste en cours. Et ben c'est bien Dilet, parfois c'est pas mal aussi. Moi j'y allais en règle générale avec un stylo en poche, une feuille de papier coupée, pliée en quatre. Mm-hmm. Et voilà. Histoire de dire quoi. Histoire de prendre une note ou deux quand même de préférence. Ah. Hein. Et Critic Man aussi sur le Twitter, c'est à nouveau je pense. Salut à toi Critic Man. Mes parents sont toujours pas rentrés, mais je ne me sens pas seul, il y a Mickaël. Eh ben écoute, tant mieux, hein, c'est vrai. Même sans les parents, on est là, vous inquiétez pas, on prend soin de vous, il n'y a pas de souci, on est là pour protéger tout le monde. Bon, Cédric, passe une bonne soirée à l'écoute de Fun. Cédric ? Il est mort. Ah, je dis passe une bonne soirée à l'écoute de Fun. Ouais, merci. Bon, salut à toi, Céd. On aura également, on va saluer Toff également, qui a passé une bonne journée. Ah, mais magnifique. Un bon week-end. Oh, magnifique. Ah. De trou du cul. Voilà, c'est ça, avec tous ses amis. T'as pas de couilles. Ouais, bah, certainement pas. Donc, nous aurons l'occasion de faire de nouveaux appels malveillants tout à l'heure. Ah, bah, évidemment, à caractère pornographique. Bien entendu, puisque je rappelle que Toff a une plainte de gens qu'on appelle. Oui. Et du coup, ce sont des appels malveillants à caractère pornographique. C'est comme ça que la police, évidemment, a nommé ces appels. Oui. Mais dorénavant, d'ailleurs, ce seront les appels malveillants. Voilà, ça me paraît pas mal comme nom. En fait, merci la police. Mais oui, c'est vrai, c'est grâce à un nom. Bah, franchement, c'est super sympa. Ouais. Sandro également, là, qui a fait du sport ce week-end avec son nouveau coach Gaëtan, là, qui est venu nous voir jeudi ou pas? Pas du tout. Ah, bah oui, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? J'ai fait la fête. J'ai bouffé, t'as picolé, j'ai t'as bu. Ouais. Ah bah, t'as picolé, t'as bouffé. Exactement. Ah bah, super, parfait. Voilà. Gros week-end. Ah, bah oui, bah gros, oui, gros. Week-end de grosse. Non, juste gros, voilà, c'est ça. Et Polo qui a entraîné les doux à la survie en milieu hostile. C'est ça, ouais. Bon, c'est parfait. C'est-à-dire en dehors de l'école. En dehors de l'école, évidemment, c'est tous les week-ends, quoi. Bon, et on accueille également Flo avec nous dans le Nord à Bézieux. Salut Flo. Salut Mickaël. Comment ça va? Ah, je m'attendais à voir une meuf. À Bézieux, ça mélange de baise et de yeux. Et de yeux, oui, c'est ça, effectivement. C'est bien. Bien, bien réfléchi. Ouais, c'est pas mal. On sent que le week-end fut reposant. Pour qui? Bah pour toi, t'as eu l'occasion de réfléchir à ça et tout. Ah, ça. Pas du non, tout, mais bien. Je viens de le découvrir comme tout le monde. Ah bon, je sais pas, oui. Je pensais que t'avais eu l'occasion de réfléchir et tout. Y'a bon, ça va bien Flo, t'as passé un bon week-end toi, long ou petit week-end? Un petit. Petit week-end, ah t'as travaillé vendredi toi? Ouais. Oh là là là là là, mais c'est quoi? Mais alors, personne faisait le pouls ou quoi? Comment ça se passe? C'est dingue. Moi je pensais que les élèves et tout là, c'était la fête à la saucisse. Bah ouais, moi je crois que tout le monde avait un putain de pont là. Bah ouais, grave, en fait pas du tout. Bon, bah écoute, sois le bienvenu Flo, tu vas jouer pour repartir avec un iPod Nano. C'est l'iPod avec un petit écran tactile où tu peux mettre ta chanson, vidéo, tout le bordel. Ça vaut quand même 180€ et on va te l'offrir si jamais bien sûr tu arrives à coller les auditeurs de Fun. Le principe est simple, tu vas balancer une colle là maintenant tout de suite. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et passe à l'antenne, il gagne, tu perds. Si personne ne trouve la bonne réponse ou que la personne qu'on appelle ne décroche pas ou donne la mauvaise réponse, c'est toi qui gagneras, d'accord Flo? Ok. Allez, vas-y, fais péter la colle, on t'écoute. Vous jetez l'extérieur et faites cuire l'intérieur. Alors que vous mangez l'extérieur et jetez l'intérieur, qu'avez-vous mangé? Alors attends, vous jetez l'extérieur et faites cuire l'intérieur alors que vous mangez l'extérieur et jetez l'intérieur. Qu'avez-vous mangé, c'est ça? De la merde. Alors de la là, merde. Non, non, bah non, parce que tu jettes l'extérieur et tu. Mais en même temps, tu cuis pas l'intérieur. Bah si, à l'intérieur ça cuit. Bah non, oui, non. Espèce de fermentation. Ouais, super. Non, bah c'est pas ça. Non, bah bon appétit si vous êtes à 20h en train de bouffer. Mais là, oui. On sait jamais. Une bonne grosse merde, ça fait toujours du bien. Vous jetez l'extérieur et faites cuire l'intérieur alors que vous mangez l'extérieur et jetez l'intérieur. Qu'avez-vous mangé? Bon, qu'il y a beaucoup d'intérieur et d'extérieur. Je vais vous mettre la colle sur le Facebook là dans quelques secondes. Vous allez pouvoir aller voir facebook.com/MIKL officiel. Et puis bah vous de jouer, hein. Vous envoyez MIKL suivi de votre réponse au 64900 par SMS. Au 63-22 depuis la Belgique, ça fonctionne dans les deux cas, il n'y a pas de problème. Et puis vous pourrez aussi dans quelques secondes, le temps de taper la colle, la voir et la consulter sur le Facebook de l'émission. Vous allez pouvoir également y répondre et même la lire. C'est quand même pratique. Facebook.com, vous venez nous rejoindre, on est nombreux, je ne sais pas combien, 349 000, je crois. 40 arrondissons. 340, un truc comme ça, ouais. Donc voilà, vous venez nous rejoindre, vous tapez MIKL officiel, demandez à vos potes de faire pareil. T'as déjà fait un like sur la page Facebook toi Flo? Ouais. Ah très bien. Sur Twitter aussi ou t'as pas Twitter? Twitter, je l'ai fait. Eh ben très bien, parfait. Il y a Instagram qui marche aussi, hein, si vous voulez nous rejoindre. Tapez aussi MIKL officiel et puis sur la chaîne YouTube. Eh ben abonnez-vous à ma chaîne et je m'abonnerai à la vôtre également. Voilà, vous tapez MIKL officiel sur YouTube et vous verrez toutes les vidéos. On mettra demain la vidéo. La vidéo elle est presque finie. C'est juste que je finisse de la vidéo détails. Du sport de jeudi. On vous la mettra en ligne demain. Vous allez pouvoir la voir. Il n'y a pas de souci. Tu veux écouter un son en particulier, Flo? Non. Non, d'accord, ok, parce que sinon il y a aussi Deoro qui passera tout à l'heure avec 5 Hours. Et je vous avais parlé aussi pour ceux qui viennent d'arriver de Pharrell Williams, qui va arriver dans quelques minutes, et de mon son préféré, Avicii, Lay Me Down. Tout ça au cœur d'une heure sans pub. Ça, c'est la bonne nouvelle également. Cherchez pas sur les autres radios, il n'y a que sur Fun Radio, vous pouvez profiter d'une heure sans pub qu'on fera péter toutes les heures ce soir jusqu'à la fin de l'émission. Oh, c'est bon. Et je rappelle également pour ceux qui nous écoutent pas la semaine que la semaine également, entre minuit et 2h, c'est la nuit sans pub. Voilà, donc on fait l'émission sans pub, on est tranquille, pépère à la cool. Et t'es au courant ce soir, Flo, quel foot ce soir, l'avant-dernier match de préparation de l'équipe de France, des Diables Rouges aussi pour la Belgique. Tu suis un peu le foot ou pas du tout? Moi non. Pas du tout, très bien. Bah si t'es dans. Je recommence. Si t'es derrière ta radio, finalement c'est mieux. Et si vous êtes derrière votre radio, c'est que grosso modo, globalement, vous préférez nous écouter plutôt que de regarder le foot. Et vous avez bien fait. Rassurez-vous pour les fans, je vous donnerai les scores si jamais il y a quelque chose qui bouge à certains moments de la soirée. Et puis je viens de voir aussi que les Anglais sont prêts à reporter, voire même annuler leur mariage pour un match. Bah oui, c'est normal. Non, mais, attends, il y a l'équipe, les Anglais qui jouent, ou même des équipes en première ligue, quoi, ouais, tu vois, Liverpool, Manchester, etc. Ouais, qui jouent, les mecs peuvent annuler le mariage, une soirée avec leur meuf, parce qu'il y a le match à la télé. Mais les mecs, ils ont un culte pour leur club de foot, d'accord, en quand même. C'est quand même. C'est ouf. Non, mais c'est ça, c'est dingue quand même. Donc, venez nous dire si jamais vous avez des amis tellement fans de foot qu'ils peuvent tout laisser tomber pour suivre un match. Comme Polo, lui, par exemple, dès qu'il y a un match de foot, on l'a plus. Hein, là, ce soir, 21h, 23h, il sera plus présent quasiment. Bah, sinon, avec Polo, nous, on connaissait par contre un fan du PSG qui est à l'autre bout du monde. Oui. Pouvait passer une demi-heure sur Internet pour chercher le bar. C'est vrai. Qui allait diffuser le match du PSG, quoi. À l'époque où le PSG ne jouait pas bien. Encore aujourd'hui, bon, tu te dis il va avoir du beau football, mais là avant. Bon voilà, donc dites-nous si vous avez des potes comme ça, ou les filles aussi d'ailleurs, hein, si votre mec arrête tout pour regarder un match de foot, et ben appelez-nous, pareil, si vous êtes une fille, vous pouvez aussi être dans le cas inverse, hein, si votre copine arrête tout pour regarder un match de foot. Parce qu'il y a de plus en plus de filles fans de foot, Sandro notamment en première ligne, hein, qui suit Clermont Foot tous les week-ends. Elle suit des soirées avec mon mec. Bah voilà, c'est ça. Elle met ses maillots, tout ça. Enfin, c'est la folie totale. Elle a son petit maillot du PSG. Mais oui, c'est la folie totale. Bon, bah appelez-nous 01 42 48 5000. On en parle dans quelques minutes. 02 851 4x0 depuis la Belgique. Flo, tu restes avec nous pour la colle. Et puis il y a SNCF Alex qui dit j'adore ton émission. Bah c'est gentil, Alex. Merci à toi. Fan de Fun qui dit moi j'ai eu un long week-end et on a réussi à supprimer les cours de mercredi. Donc mon week-end a commencé mercredi. Putain, sympa. Ah, ça, quand même. C'est bon. Ça. Oh là là. Et Laura qui dit les appels de Toff malvoyant après une petite pause. Non, c'est pas malvoyant, c'est malveillant. Voilà. Et Fabrice qui dit salut l'équipe, en train de vous écouter avec l'apéro et barbecue choups à tous. Ah bah super, bah écoute, santé à toi. Hein. Et merci également à Jérémy Diti, le pâtissier qui est passé nous voir jeudi. Mercredi. Mercredi. Et qui m'avait filé une petite bouteille de Morito que j'ai pu boire ce week-end en barbecue, pépère, tranquille à la cool. Ouais, sans voilà. Ouf. Mais ouais, bah fallait venir. Ah bah oui, mais toi t'étais avec tes doux, l'autre il se faisait insulter. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je peux pas être partout là, je ne peux pas être partout. Bon, il est 20h13 sur Fun Radio. iPod Nano a gagné, on aura les chéris, je peux te faire cocu. On aura, ça ce sera avant 21h, et puis les appels malveillants au moins dans moins d'un quart d'heure. Oh, ça va être du lourd ça. Ça va être très lourd. Il est 20h13, on est au cœur d'une heure sans pub. C'est Mickaël No Limit. Si vous écoutez pour la première fois, vous êtes les bienvenus. Si vous venez grâce à un ami, sachez que justement, s'il vous a fait finir sur Fun Radio le soir, c'est que c'est vraiment votre ami. On écoute le son d'Avicii maintenant, c'est Lay Me Down sur Fun Radio. On est au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio et le son d'Avicii, la tuerie du moment, c'est Lay Me Down. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors que Mickaël No Limit dure longtemps, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou de vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, No Limit, de 20h à minuit sur Fun Radio. Exactement, il y a les appels malveillants là qui vont arriver dans un quart d'heure, donc restez bien sur Fun Radio. Le chéri, je peux te faire cocu avant 21h. Et il y a Kevin également qui dit: on vous écoute en direct Québec. Il est environ 2h de l'après-midi sur le bord de la piscine. On adore votre émission, bonne soirée. Eh ben merci à toi Kevin. Et puis bon après-midi, vous en direct de la piscine, c'est bien. Et apparemment les températures ont remonté. Ce que je sais qu'il y a au Canada et tout, au Québec en particulier, il a fait il y a eu de la neige je crois jusqu'au mois de mai. Un truc comme chaud, ça, c'est-à-dire que je voyais des images passer sur Facebook en disant le printemps d'habitude avec plein de soleil, le printemps à Québec où il y avait encore 40 cm de neige. Ah, ça a dû être chaud là, enfin non, froid en l'occurrence pour le coup. Y a Aria qui dit si tu regardes le foot avec ton homme, tu es sûr d'avoir plus de câlins à caractère pornographique, bien sûr. J'ai regardé le foot samedi dernier au bar avec des amis, avec Barbuck, c'est sympa comme ça. Oui, parce que à la limite c'est comment dire, c'est différent parce que t'es dans un meilleur délire, tu vois, si t'as un écran géant là qui diffuse le match alors que t'es en mode barbuck, wow, ouais, tu vois, ça t'es en ambiance, tout, c'est rigolo. C'est Joévin aussi qui dit: trop énorme le nouveau morceau d'Avicii, un peu comme Fun Radio, tu déchires Mickaël, surtout t'arrêtes pas. Ben c'est gentil Joévin. Ben on va pas s'arrêter tout de suite a priori. Hein. Et Dragibus aussi sur le Twitter, qu'on salue, l'équipe top comme d'hab. Est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue s'il te plaît Mickaël? Bien sûr Dragibus, avec plaisir. Les messages de bienvenue, ce sont les messages que Toff se prend en pleine tronche à chaque fois qu'on fait les appels malveillants. Ferme-la, t'as même pas le droit de parler. Voilà, alors là il est pas très violent, mais quand ça vient d'un corps, ça a tout de suite envie de fermer ta gueule et s'en va, tu vois. C'est hop, terminé. Merci, au revoir, c'est bon, c'est gentil d'être passé. Il est 20h19 sur Fun Radio, toujours en direct évidemment sur Fun Radio jusqu'à minuit, avec la colle de Flo dans quelques minutes, et puis avec Mousse qui est avec nous, là, 30 ans dans le Nord. Salut Mousse. Ouais, salut Mickaël. Comment tu vas? Ça va, et vous? Bah ouais, tranquille, t'as passé un bon week-end Mousse? Ouais, ça va, il a été tranquille le week-end. T'as fait un long week-end ou t'as fait un court week-end? Non, un long week-end. Ah, bah quand même, tu fais quoi dans la vie? Dans la vie, je suis garagiste. Garagiste, d'accord, escroc donc. Ouais, moi, je me souviens toujours d'un mec, j'avais déposé ma caisse à l'époque. C'était, je sais plus si c'était comme voiture. Enfin bref, j'avais été à la déposer. Le mec, donc je lui ai dit c'était juste pour l'entretien, donc c'est changement d'huile. Enfin bref, un entretien quoi. Ouais, et le normal. Mec, bah oui, et le mec revient, mais sans me demander, tu vois. Encore, il m'aurait dit: bon, monsieur, bon, bah j'ai vu que les freins étaient loin, que si, que ça, etc. Non, non, il arrive et il me dit: bon, écoutez, monsieur, pour votre sécurité, j'ai remplacé les freins, les disques et la courroie. Ah ouais, mais ça avait combien du coup? Oh bah il a pour 1000€. Ouais, mais il avait pour 300 avant. Ouais ouais, mais c'est la sécurité hein. Ah ouais, je sécurité avant tout monsieur. Bah oui, je fais quoi maintenant? Je peux pas vous demander de remettre les anciens. Ah bah non, là c'est plus possible. C'est non, du voleurs. Coup dans le cul quoi. Ah ça m'énerve parce que à la limite tu passes un coup de fil. Et bon, je l'aurais fait, tu vois, parce que bon, il y a maman, c'est vrai, s'ils sont foutus, il faut les changer. Mais pas mettre devant le fait accompli, je déteste ça. Mais tu fais pas ça toi Mousse? Non, parce que normalement, vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de la loi, ils sont obligés de faire un ordre de réparation, c'est-à-dire prévenir le client et dire au client, voilà, vous avez plusieurs des plaquettes de frein, est-ce qu'on les change ou pas? Le client, à ce moment-là, décide, dit oui. Ah, s'il veut ou s'il veut pas, ouais. Voilà, donc s'il dit oui, donc on signe un ordre de réparation. Et après, donc là, ça veut dire qu'il est obligé, donc on est obligé de les changer. Ouais, par forcément. Contre, s'il dit non, on signe une décharge vis-à-vis du client. Ah ouais, s'il se casse la gueule voilà. Après, c'est pas ta faute, ouais. Voilà, d'accord, donc nous on a okay. Une preuve comme quoi on lui a proposé. Voilà. D'accord, oh, bah, très bien. Et tu travailles quoi, dans un petit garage indépendant ou une grande marque? Non, c'est un garage indépendant que j'ai ouvert il y a maintenant, bah, ça va faire un an le 29 août. Ah bah vas-y, bah, fais la pub, t'es là alors, en chez direct vous, alors, vas-y. Et c'est dans le Nord, c'est où là? Tu fais toutes les marques, c'est quoi le truc? Toutes les marques. Parce que Yatoff, il a eu une petite panne avec son Autolib là, il pourrait éventuellement passer jusque chez toi? Ouais, il peut passer, il n'y a pas de souci. En plus, c'est vrai, je me suis embrouillé avec eux. Ah bon? Ouais. C'est à Fény, À Chény, dans le 59-750. 59-750. Ouais, bon, c'est à côté de Maubeuge. Ok, et c'est quoi le nom du garage? Donc le nom du garage, c'est Flash Shack. Quoi? Flash Shack. Shack. S-A-A-C. Flash Fac. Voilà. D'accord, ok. Ah, Shack. Ouais. Flash Shack. D'accord, ok, très bien. Ce qui veut dire service, accessoire, accompagnement client. C'était pas évident comme ça. Oui, c'était pas clair à la première écoute, mais vu comme ça, en effet. Bon ben voilà, ben, vous allez pouvoir aller chez Mousse là, réparation toute marque. Donc si vous êtes avec votre Lamborghini, ben, vous pouvez aller hein, si jamais pour faire un petit entretien là. Hop, vite fait quoi, vite fait, ouais, bien vite fait. Bah ben, évidemment. Bon vite Mousse. Mais ben, oui, toi tu nous appelais par rapport au football. Ouais, voilà. Est-ce donc, que t'es du style toi à abandon? Donc le client arrive avec sa voiture, tu la mets sur le pont, réparation, l'huile qui coule, paf, le match commence et t'abandonnes tout. Ah bah ouais. Non. Du tout. Donc t'es pas un vrai fan toi? Non, du tout. Bon, t'es supporté tout. L'équipe Moi je préfère que le client parte avec son véhicule et après bah si je dois le revoir en rediffusion le match, bah je le reverrai en rediffusion. Ah mais y a rien de pire que regarder un match en rediff. Ouais, quand tu connais déjà le score. Non, bah non, parce qu'après tu peux ne pas connaître le score. Je connaissais un mec un jour, il était complètement con. C'est le mec ne regardait pas le match parce qu'il avait pas le temps, parce que je sais pas quoi, et il fallait pas lui dire le score. Ah, c'est clair, faut pas leur dire hein. Mais oui, mais tu sais que le truc il est plié, tu vois. Parce que quand t'es en direct, à la limite tu regardes le match, tu bah, je sais pas, c'est doit être psychologique, mais tu peux te dire que ça peut changer. Alors que tu sais que quand tu te regardes, bah, le match est fait, c'est plié, c'est terminé, le truc il est fait, les scores sont là, et t'as qu'à aller voir quoi. Je sais pas. Il y en a qui ont le temps de regarder les matchs de foot, comme il y en a qui n'ont pas le temps, comme moi j'ai pas trop le temps quoi. Même le week-end des fois je travaille le samedi dimanche quoi. Ah bah nous on sera là pour la Coupe du Monde, on sera jusqu'au 14 juillet, je peux te dire qu'on va les regarder hein. Ouais. On va essayer hein. Ah bah bien sûr. Bon, et donc du coup toi tu t'abandonnes pas tout toi, t'aimes bien le foot mais pas au point de tout abandonner. Ouais, voilà. Très bien. Mais je voudrais avoir des filles aussi qui aiment le foot là. Venez nous appeler. Enfin, appelez-nous plutôt si vous êtes une fille et que vous aimez le foot, ou alors si vous êtes une fille et que vous êtes avec un footeux et vous en avez plein le cul. Appelez-nous mesdemoiselles ou mesdames, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis vous pouvez aussi balancer tous vos messages en direct sur le Facebook et sur le Twitter de l'émission en tapant Mickaël officiel. Il y a Dilek qui dit: mon père, juste après s'être marié, a regardé un match de Fenerbahçe. Perso, c'est pas le foot, mais c'est moi qui est prêt à sacrifier des heures de révision pour vous écouter. Je ris beaucoup. Ouais, mais ça, on rigole, bien. Tu vois, il n'y a pas de stress. Parce que le match de foot, quand tu supportes une équipe et que t'es en stress parce que ça perd ou parce que, tu vois, alors qu'au final, toi, tu touches rien. Oui, c'est vrai. Du coup, et tu sais quoi, tu dis, Mousse? Je t'ai dit, parce que ta femme est en train de te casser les couilles. Ouais, après, si elle te casse les couilles, oui, peut-être aussi, c'est vrai. En même temps, quand t'arrêtes pas de gueuler, c'est normal. Il y a Théo qui dit: putain, demain j'ai cours, je vais pas pouvoir regarder l'équipe de France. J'ai les boules, je vous kiffe. Oh, Théo, t'inquiète, en même temps, c'est un match de préparation. Et Cassie qui dit: en week-end depuis mercredi, est trop vénère de reprendre demain. Oh, et ça va, Cassie? C'est bon, là, depuis mercredi, t'es en week-end? Ah oui, c'est plus un week-end hein, depuis mercredi, hein, c'est vacances. C'est ça. Et t'as quasiment une semaine, t'as quasiment eu une semaine là. Ouais, en plus dans 15 jours c'est fini. Mais grave. Ah non, c'est vous êtes mis bien, c'est pas mal. Bon bah merci en tout cas Mousse d'avoir appelé hein. De rien. Et puis bah tu reviens quand tu veux. Oui, pas de soucis. Salut à toi, remercie, Mousse. Je remercie toute l'équipe de fun. Eh ben merci beaucoup à toi aussi Mousse. Et passe une bonne soirée. À bientôt. Ciao à toi Mousse. Ouais. Bon, on va reprendre Flo là pour la colle. Flo, t'es là? Ouais. Très bien. Bon bah alors un peu, tu vas nous faire répéter la colle là pour les retardataires. Ceux qui viennent tout juste d'arriver là maintenant, par exemple, il y a un iPod Nano à gagner. Ça vaut 180€. Les iPod Nano qui ressemblent un petit peu aux iPhones mais avec un petit écran. Ouais, non, ils sont sympas, ils sont tout mignons. Et voilà, ils sont tout petits, il y a plein de couleurs et on vous l'offre. Il y a d'ailleurs la photo sur le Facebook si vous voulez la voir. Et vous pouvez d'ailleurs aussi sur le Facebook répondre à la colle. Bon alors vas-y Flo, fais péter la colle pour que les auditeurs puissent peut-être tenter leur chance. Vous jetez l'extérieur et faites cuire l'intérieur. Alors que vous mangez l'extérieur et jetez l'intérieur, qu'avez-vous mangé? Bon, alors si vous avez envie de jouer, vous pouvez évidemment en envoyant Mickaël suivi de votre réponse, vous envoyez ça au 64 900 par SMS ou au 63 22 depuis la Belgique. Il y a Alexandre, non c'est quoi? Il y a Alison qui proposait un œuf. Non. Non, il y a on propose un artichaut également sur SMS. Non. L'extérieur. L'extérieur de quoi? On ne sait pas. Non. Une pomme? Non. Non, c'est arrivé par SMS également. Bon, bah si vous avez envie de donner vos réponses, n'hésitez pas. Hein. Et vous pouvez aussi jouer sur le Facebook de l'émission. Vous tapez Mickaël officiel. Vous nous rejoignez. et vous gagnez. Peut-être, si vous avez la bonne réponse. Simple. Voilà. Et d'ailleurs, vérifiez bien vos messages autres. Parce qu'il y a la boîte à messages sur Facebook normale avec vos amis qui vous écrivent. Et puis, il y a autres quand c'est des mecs qui sont pas forcément amis. Donc, quand on vous écrit, si vous n'êtes pas forcément amis avec nous, bah, du coup, ça arrive dans autres. Donc, ce serait con de rater le message où on vous demande votre numéro de téléphone pour passer à l'antenne, évidemment. Donc, vérifiez bien ça. Facebook.com, tapez Mickaël Officiel et rejoignez-nous. Vous jetez l'extérieur et faites cuire l'intérieur alors que vous mangez l'extérieur et jetez l'intérieur. Qu'avez-vous mangé ? Flo, tu restes avec nous, on donne la réponse avant 22h30, ok ? Ok. Très bien, allez, reste avec nous Flo. Solène dans quelques minutes qui va nous parler football. T'es là Solène ? Oui, je suis là Mickaël. Bonsoir à tous. T'es en forme ? Ouais, bah je suis au boulot donc ça va, je suis en forme. Ah merde, tu fais quoi dans la vie ? Bah je suis toujours agent de sécurité. Hein. Ah oui, c'est toi qui étais agent de sécurité de petite taille. Enfin pas naine, oui. Hein, mais je veux dire, t'es pas très grande quoi. Oui, mais avec un gros chien. Voilà, oui, avec un très gros chien. Ah non, j'ai pas de chien, je suis toute seule. Ah bon, on a confondu. Bah reste avec nous Soleil, la bouge pas, on aura Émilie dans quelques minutes. Vous toutes et vous tous, on va évidemment suivre le match de ce soir avec l'équipe de France. Et puis Zlatan qui va également jouer ce soir là contre les Diables Rouges. On va suivre tout ça bien entendu. Julien qui dit j'aime pas le foot mais je regarde la finale de la coupe pour savoir. Ou de la Coupe d'Europe. Oui, minimum syndical. Alexandre qui dit mon daron a pété la table au coup de boule de Zidane. T'as si chaud. Et pourtant pas une goutte d'alcool. Bah il faut pas demander. Hein. Nina aussi, je suis une fille, j'adore le foot. Il y a Nico qui dit je suis pas fan de foot. Et même pour les matchs de la Coupe du Monde, je ne regarderai pas la France jouer. Et Andréva qui dit 20 minutes de retard, coup de pelle s'il vous plaît. Et Costi DB, t'as dit que tu le passerais. Ouais, mais en fait j'ai écouté et après réflexion. Attends, le coup de pelle je peux te le mettre, voilà. Et après réflexion, en fait non. Non. Voilà, en fait non, Andréva. On a écouté avec Toff, avec Polo, on s'est réunis au sommet. Ouais, ça a duré deux jours. Voilà, et en fait non. Et alors fan de fun qui dit non, moi je préfère mille fois Mickaël à la place du foot. Ah évidemment, mais l'un ne va pas forcément sans l'autre. Les appels malveillants de Toff arrivent. Et ouais, juste après le son de Pharrell Williams maintenant sur Fun Radio avec Marilyn Monroe. Et puis bah dites-nous hein, si vous êtes fan de foot, est-ce que vous êtes avec un mec qui regarde que ça et ça vous rend ouf? Ou au contraire, vous êtes une fille et vous adorez le foot, ou au contraire vous êtes avec un mec qui déteste ça. Enfin bref, appelez-nous, on en parle. 01 42 48 5000. Bonne soirée, c'est Fun Radio. This one goes out to all the lovers. C'est Fun Radio avec Pharrell Williams, à l'instant c'était Marilyn Monroe. 20h minuit. Mickaël. No limit. Sur Fun Radio. Exactement, on est en direct, il est 20h32, on est au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio. Et puis vous le savez, les appels malveillants ont leur place sur Fun Radio. Et puis on va parler de centimètres maintenant. Oui, bah oui. C'est parce que nous avons enfin la taille idéale pour idéale. Une bite. La taille parfaite pour la femme, c'est 7 cm. Voilà, en dessous c'est trop petit. Et au-dessus, c'est Ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, on avait appelé des gens, hein, évidemment, grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur Fun Radio, sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Alors, on va donc poser la question, c'est parti. Et on récupérera Maya, Solène, Émilie, Coralie, tout le monde sera là après. Allô ? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous trouvez que 7 cm c'est assez pour une bite. Ah oui, elle n'avait pas l'air plus ouverte que ça à la discussion. C'est dommage. C'est pas grave. On rappelle encore un petit coup, 20h33. Oui, allô. Oui, bonsoir monsieur, je m'excuse, j'étais en communication avec votre femme mais on a été coupé. Ouais. Oui, en fait je voulais savoir si elle trouvait que 7 cm c'était assez pour une bite. Qu'est-ce que t'en as? Bon, j'ai moi fait la foutre dans ton cul, moi ma bite, ton connard. Mais enfin pourquoi vous dites ça monsieur? Bah parce que toi t'es vraiment un roi des cons. Mais pas du tout monsieur, enfin moi je veux juste savoir si c'est vrai que 7 cm ça suffit. Bah écoute, moi je suis un peu tantôt sur les bords et je trouve que 7 cm c'est pas assez. Ah, oui mais votre femme elle en pense quoi? Non, il a raccroché, c'est pas grave, hein, on l'avait rappelé, hein, il est très charmant au demeurant. Hein. Oui. Allez hop, c'est parti, en retour. Monsieur. Ouais, alors. Oui, je m'excuse monsieur, mais en fait vous avez pas vraiment répondu à la question. Non, écoute, tu sais ce qui te va t'arriver là? Non. Bah, il va t'arriver que j'ai repéré ton numéro. Oui. Et je vais retrouver ta tronche de connard. Oui. Et tu vas voir si 8 cm dans le cul, ça fait du bien. D'accord? Ah, oui. Ah, donc vous, elle fait 8 cm alors, monsieur? Non, mais je connard. Ah bah, je sais pas, monsieur, c'est vous qui venez de me dire 8 cm. Ben non, mais tu seras largement défoncé, mon pote. Allez, salut. Ah, il va prendre contact avec la police, attention. Oui. Enfin, il va... réussir à détecter d'où vient ton numéro de téléphone. Attention, méfions-nous. Et c'est ça qui est fort. Et oui, méfions-nous, effectivement. Pour venir me défoncer. Tout à fait. Bon, il y a le chéri, je peux te faire cocu qui arrive dans un quart d'heure. Et puis on aura d'autres appels malveillants dans moins d'une heure. Et bien entendu, si vous connaissez des gens aussi sympathiques que ce garçon-là, qu'on vient d'appeler, si vous avez des ennemis, n'hésitez pas à donner les numéros de téléphone. On n'a pas besoin de nom, on donnera pas. On balancera pas, nous. Hein. Si vous envoyez un numéro, on dira pas. Ah bah oui, mais c'est machin qui nous a envoyé le numéro. Vous inquiétez pas. Vous envoyez les numéros de téléphone sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, et on se ferait un plaisir de les appeler. Il y a Damien qui dit: je t'ai ramené trois auditeurs, Mickaël. Je vous kiffe, continuez à nous faire kiffer. Oh, c'est cool ça. Merci, Damien. Voilà, je te mets un petit message de bienvenue pour la peine, ainsi qu'à tous les animateurs, à tous les auditeurs qui ont débarqué grâce à toi, Damien. Il y a Fabrice aussi qui dit: j'ai horreur du foot, c'est pire que le catch. Un petit message de bienvenue et vive Mickaël, choups. T'as pas de couilles. Bah voilà, Fabrice, mais merci à toi en tout cas pour le message. Il y a quoi aussi, Lola, qui dit: pour la devinette, je dirais l'avocat. Ah bah écoute, je ne sais pas, c'est l'avocat ou pas, Flo, la réponse à la devinette là? Non. Non, et bah voilà, comme ça au moins c'est fait. Flo, tu restes avec nous, on va prendre Maya de Tours. Salut Maya de Tours. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Bon, bah tant mieux, sois la bienvenue, Maya de Tours. Merci. Faire des vannes à base d'abeilles ou pas? À base, non, tu peux pas. Non, j'arrête pas d'en recevoir des blagues comme ça. C'est voilà, drôle, c'est ça, quoi. C'est pas drôle, effectivement, il y a un moment, faut s'arrêter. Quoi. C'est ça. Je te mets juste la petite musique pendant que tu parles, hein, tout va bien. Voilà. Allez Maya. Alors, oui. Alors, Maya, 26 ans de Tours, donc... Je peux voir si Maya fait monter mon dard ou pas? Non. Quel est ton avis sur le football, Maya? Bah en fait, moi, c'est un petit problème dans mon couple parce que mais moi, je suis... Mais ton mec, c'est un con. Mais non, il est adorable. Bah sauf qu'il aime le foot. Sauf que c'est non, un footeux. Non, c'est moi qui aime le foot. C'est ah pas merde. D'accord, ok. T'es pour quelle équipe? Moi, le Real de Madrid. Ah, c'est bien, Maya, c'est bien, c'est très bien. Bon, et donc après? Donc, c'est un petit problème parce qu'en fait, je regarde que le foot. Non, lui, il regarde pas du tout, il aime pas ça du tout. Ah ouais, d'accord. Et du coup, moi, je regarde que le foot, je joue que au foot sur PES ou sur FIFA. Ah ouais, toi, t'es une footeuse voilà, à quoi là? C'est ça. Ah ouais, d'accord, ok. Et du coup, bah là, avec la Coupe du Monde qui approche, ah bah tout, là, il y a un petit peu sur les dents. Il y a marqué not available sur ta ceinture. Pardon? Ouais. Sur ton pantalon, il est marqué not available. C'est ça. Pour un mois. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que, enfin voilà, on s'est déjà séparés à cause de ça. Ouais. Puisque quand je suis à fond dedans, en fait, je calcule rien d'autre. Ouais. Et du coup, voilà. Ah ouais, donc là, en fait, là, il a pas eu de chance. Parce qu'entre la Ligue des Champions avec le Real Madrid, plus c'est la Coupe ça. Du Monde qui arrive, là, bon, c'est bah. Ça. Et en fait, il y aura un mois de répit, plus ou moins, du 14 juillet au 14 août, quoi, à peu près. Bah, justement, pour le jour férié, c'est bien ça. Oui, bah voilà, oui, c'est ça. Ah bah, dis donc, il va être content, hein. Ah bah, c'est-à-dire que là, il va tout lui mettre, hein. Grave, putain. Eh, ça doit être chiant quand même. C'est dommage de pas avoir les mêmes passions. Tu vois, moi j'aime bien regarder dommage, un match. Mais... J'aime bien regarder un match de temps en temps quand c'est un gros match ou quand ça a l'air d'être un chouette match. Mais si je le rate, je le rate, tu vois, je m'en fous. Bah moi en soi, si je rate un match quand c'est gros match, bien entendu, je regarde pas les matchs de Ligue 2 ou Ligue 3. Oui, non, bah, bien mais, sûr. Mais si c'est un gros match et que je loupe, alors là je rentre dans une colère folle en fait. On a été en soirée, c'était quand? C'était pour le France-Norvège. Ouais, ah bah elle était avec son iPhone, hein, sur TF1, là, regardez le match. Non, Samsung Galaxy, pas ouais, iPhone. Enfin, c'est pareil, mais je veux dire, c'est le téléphone, quoi. Ouais, et du coup, bah non, j'ai pas pu parce qu'il m'avait. Il m'a pris mon téléphone. En fait, il a appelé Orange, coup, il a coupé la 4G. Non, non, pas du tout. Du coup, Internet, elle en a pas besoin. Mais c'est horrible. Ouais, bah écoute. Oui, alors que j'aimerais bien regarder un match avec lui, j'aime bien. Enfin, même jouer à la console avec lui sur les matchs et tout, j'aime bien. Et lui, il aimerait bien passer un peu de temps sans foot avec toi, tu vois, c'est l'un dans l'autre. Ouais, mais vous devriez essayer là. On passe du temps ensemble, hein. Oui, il va essayer la levrette sur la table basse. Oui, c'est une idée, ouais. Pendant le match. Ça l'arrive bien. C'est bien parce qu'au moins il a deux ballons, donc c'est bien. Ah, voilà, c'est ça. Comme ça, de temps en temps, il pourra te mettre un but. Exactement, pourquoi pas. Donc, il vise droit. Bah écoute, en même temps, Maya, là, la seule solution, c'est de trouver un compromis. Hein. Soit tu trouves un autre mec qui est fan de foot et de préférence du Real, soit il va falloir regarder un petit peu moins de matchs et que lui te laisse en regarder. Parce que tu regardes tout seul ou avec des copines ou avec des mecs? Ah non, je regarde tout seul ou alors avec mes copines, mais... Putain, la soirée copine entre foot, ça alors, c'est ouf. C'est ça. Eh, faut nous dire à nous, on passe voir à l'occasion. Et alors, c'est quoi, pizza, tout ça, là? Non, du tout. On regarde le foot et on commente. Ou alors, c'était venu d'un jeu, c'était juste pour regarder les joueurs, parce qu'on aimait beaucoup. Ouais. Elle se caressait devant la télé, c'est ça. C'est devenu une passion. D'accord, mais alors est-ce que vous êtes comme les mecs, bon, alors, t'es fan d'un joueur, il y en a un autre qui. Alors imagine, comme t'es fan du Real, là, t'as Cristiano Ronaldo qui arrive, il y a le joueur en face, tu lui fais un croche-pied, il tombe, est-ce que vous allez vous lever? Enculé, hein, putain d'arbitre, enculé, tu fais rien! Oh là là, ça va être drôle! Bah, elle a déjà cassé deux télés, hein, faut le savoir. Ah ouais, ouais. Est-ce que tu jettes parfois quelque chose sur la télécommande, sur la télé ou le téléphone, non? Non, du coup, du tout. En fait, quand ça m'énerve, je m'en vais et puis je dis putain, il fait chier celui-là. Ah, j'adore. Ah, c'est rigolo. Donc voilà. Ah, c'est bon ça. Attends, on va prendre l'avis de Solène également qui est avec nous là. Solène de Toul, en Meurthe-et-Moselle, ça va bien? Oui, ça va. Bon, t'es en forme? Bah ouais, ça va. Bon, alors toi, tu voulais parler du foot. Toi, t'es fan du foot ou t'es un mec qui est fan de foot? Bah c'est un peu les deux en fait. Ah bah ça va alors, vous, si vous aimez le foot tous les deux, c'est plutôt cool. Bah ouais, ça va, bah, des fois c'est saoulant hein, mais bon. Et donc Saint-Valentin c'est football quoi? Oh non quand même, non, dans les jours de Saint-Valentin on évite le foot. D'accord, vous vous offrez un maillot de foot respectivement, tranquille. Ouais voilà, des choses comme ça ouais. Ah quelle ouais horreur, putain, là, c'est sympa. Quelle horreur. Ah, écoute, c'est un cadeau quand même s'ils sont tous les deux fans. Au final, ça dérange pas? Ouais. Ah oui, s'il y en a un des deux, comme Sandro qui était sorti avec un mec, si elle, alors qu'elle s'en branle du foot et le mec lui offre un maillot, bon. Si tu veux, à un moment. Oh, ça lui fait un pyjama. Ouais, ça, ouais. Pff, et encore, hein, il faut le vouloir, le pyjama quand même. Hein. Et donc, du coup, toi, Solène, c'est toi qui as lancé le foot ou c'est lui? Bah non, c'est. Bah, en fait, mon cousin, avant, jouait au foot et j'allais chez lui parce que mon père travaillait. Et puis, bah, je suis tombée sur un copain qui aimait le foot. Donc, bah, voilà. Ça va l'un dans l'autre, du coup. Ah oui, ça va l'un dans l'autre, hein, Solène. T'as bien c'est comme ça qu'ils s'emboîtent. Ça va l'un dans l'autre. T'as bien compris le concept, effectivement, ouais. Bon, attends, il y a Pierre également qui est avec nous de Grenoble. On prend la vie masculin. Ça va, Pierre? Ça va, et toi, Michel? Eh ben, plutôt pas mal, Pierre. Bienvenue à toi. 24 ans, toi. Comment ça se passe au niveau du football? Eh ben, moi, c'est ma copine qui est fan de chez fan de football. Ah bah mon on a pauvre. Le même problème avec Maya. Elle s'appelle Maya ou pas Pierre? Ah non du tout. Ah merde, donc elle est une autre alors. Bon Pierre, et donc quand tu dis fan de chez fan, c'est-à-dire un petit exemple? Ah bah c'est... Elle vit le football, elle dort football et elle mange football. Mais alors est-ce qu'elle est fan? Elle est fan de quelle équipe? Elle mange des ballons. L'Olympique de Marseille. De l'Olympique de Marseille? Allez l'OM. Non, c'est emmerdant parce qu'à la limite quand t'es fan d'une équipe nationale, ça va parce qu'ils jouent pas tout le temps. Enfin, tu vois, ils jouent pas souvent non plus. Mais quand t'es fan d'une équipe. De merde, c'est vrai. Mais c'est non, mais quand t'es fan d'une équipe de Ligue 1, Ligue 2 ou de en Espagne ou n'importe quoi, bah forcément ils jouent toutes les semaines, donc quasiment toutes les semaines t'es niqué quoi. Et plus l'équipe est. C'est une grosse équipe, plus elle joue souvent. Et plus elle joue souvent, parce qu'après t'as les matchs internationaux, enfin, etc. etc. Les matchs européens, etc. etc. Ah bah oui. Et du coup, Pierre, qu'est-ce que tu... Je suis fan de rugby, comme moi je suis fan de rugby. Oh, elle est à fond sur le foot, bah. Et toi t'es oui sur le foot. Et toi t'es fan de quelle équipe en rugby, Pierre? Moi du FCG, moi. Ah d'accord, ok. Bon, et Pierre. Et donc du coup, quel est le compromis? Parce que ça pourrait aider Maya, tiens, dans un sens. Bah, le compromis, c'est que un week-end sur deux, moi je regarde le rugby, le week-end d'après elle regarde le foot. On fait ce compromis-là. Ah ouais. Et vous regardez ensemble. Et on essaie de regarder ensemble. Ah ouais. Bon, pourquoi pas après, hein, c'est un concept comme un autre, hein, c'est parfait, écoute, nickel. Bah merci Pierre d'avoir appelé. Hein. De là, et tellement que je l'aime, je l'ai offert son plus beau rêve. C'est quoi? C'est de faire une photo de elle et de faire Mandanda. Oh. Non, bah c'est bien, bah tant mieux si t'as réussi à lui réaliser son rêve. Bah, c'est bien. Bah oui, c'est mignon. Bon bah tant mieux. Bah très bien Pierre, bah merci à toi d'avoir appelé en tout cas. Salut Solène, gros bisous aussi. Hein. Gros bisous, salut. Salut à vous deux, à bientôt. Il y a Émilie qui est avec nous également de Saint-Lô dans la Manche. Salut Émilie. Salut Kael. Ça va? Oui, toi? Alors fan de foot ou pas toi? Ouais, trop. De quelle équipe? Marseille. Ah t'as vu, il y en a plein. Eh, n'empêche, il y a quand même plein de filles qui sont fans de foot maintenant, regarde. Mais et bon, surtout, surtout à Marseille. Et oui, surtout à Marseille, mais bon, là pas, Maya c'est pour le Real. Qu'est-ce qu'on a eu encore d'autre? C'était l'Olympique aussi, là pour la copine de Pierre. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Bon, Émilie, donc toi, tu c'est grâce au papa, grâce à ton père, ou comme ça, volontairement, tu t'es mis dans le foot? Volontairement. Ah ouais, d'accord, ok. Bah comme quoi, finalement. Tu peux faire une cure de désintoxication. Ouais, tu peux faire, ouais. Et t'aimes que le foot ou il y a autre chose aussi? Genre tennis, non, rugby? Ah, que le foot. Donc tu suis tous les matchs de Ligue 1, éventuellement Ligue des Champions, Europa League, tout ça quoi? Ouais. D'accord. Et l'équipe de France, tu suis ou pas? Ou une autre? Oui. D'accord. Et là, c'est-à-dire que là, il va falloir qu'elle coupe. Hein. Ah bah là, il va falloir couper là. Dans un quart d'heure, ça va démarrer. Mais on suit en même temps. Il y avait un auditeur qui disait ouais, genre un foot. Moi, je regarde les deux. Je regarde le match et en même temps, j'écoute Mickaël No Limit. Eh ben, t'as bien raison. C'est la solution à adopter d'ailleurs. Et bonne nouvelle aussi d'ailleurs, on aura des maillots de foot à vous offrir bientôt. Hein. Oh, des matchs bon. Des équipes nationales, donc France, Belgique, Portugal, Espagne, Italie. Enfin bref, les équipes nationales. On en aura plein à vous en offrir. Ça va tomber dans pas très très longtemps. Faudra bien rester à l'écoute de Fun. Émilie, toi, tu prendrais quelle équipe? L'équipe de France ou... L'équipe de France. Ah, l'équipe de France, d'accord. Quel nom? Floquet, quel nom? Karim Benzema. Qui ça? Benzema? Ouais. D'accord, ok, très bien. Bon, eh ben écoute, Maya? Oui. Tu peux couper ton clignotant, s'il te plaît? C'est les warnings. Oui, bah le warning, oui, c'est ça. Ouais, le warning, mais c'est pas grave, c'est... ça sert à rien. Au pire, il y a des voitures qui rentrent dedans. Clic, clac, clic, clac, clic, clac. C'est assez désagréable. Je te fais des bisous, Émilie. Ouais, et je pourrais avoir un pote, un pack Lovin Fun? Non, vous avez demandé dans Lovin Fun. Oui, de la Fun, ça je peux. Oui, ça, je fais te repasser 100 euros maintenant au standard, il n'y a pas de problème. Salut, Émilie. Ciao à toi, gros bisous. Ciao. Ouais. Il y a Jade avec nous également de Paris. Salut, Jade. Bonjour, Mika. Comment ça va? Bien, et toi? Bah, très bien. Alors, fan de football? Non, je déteste ça. Ah, oh. Bah quand même, on en a une qui déteste. Il y a enfin une fille alors, qui déteste ça. Jade, Maya, Maya, Jade, je vous présente. Enchantée. Voilà. Attendez, on va chercher la boue, vous allez faire un combat dedans. Ouais. Non. Mettez-vous nus, les filles. Est-ce que vous pouvez vous mettre en string? Non, mais non, quand même pas. Ça peut être pas mal. Je suis pas à ce point-là. Pourquoi t'aimes pas le foot, Jade? J'ai un copain qui est trop à fond dedans. D'accord, ok. Et donc, du coup, il t'a dégoûté? Oui. Ah, mais donc, avant, t'aimais bien, t'aimais un petit peu quand même. Non, je regardais quand elle regardait la télévision. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Et donc du coup, maintenant, même ça, tu peux plus faire? Non. C'est marrant, ça. D'aimer un petit peu avant, et puis au final, bof. Ah non, mais il mange foot, il parle foot, il regarde le foot, c'est tout. Mais comment foot. Il fait pour manger foot? Il faut qu'on m'explique, c'est-à-dire, j'explique, il mange les ballons, les chaussures ou les t-shirts? Comment il fait? Non, mais ce que je veux dire, c'est quand même les conversations, c'est foot, quoi. Ah d'accord, ah, ouais. Ok. D'accord, quand ok. Quand on mange, il regarde le foot. Oh, mais quelle horreur. Alors que moi et Toff, nous sommes des hommes, nous n'aimons pas le foot. Toff et moi, on dit. Ouais, mais comme je suis plus beau et plus important, ah, oui, je me mets toujours dessus. D'accord, au-dessus bien. De cette merde. Bon, vu comme ça, effectivement. Je préfère quand il est au-dessus. Ouais, c'est ouais. Ça. Tu vois, en dessous, je le sens pas bien. On n'a pas tout ça avec Toff. Non, c'est vrai. Tu vois, on a pas de ça. Ouais, peut-être. Bon, et ben très bien. Et sinon, il t'a déjà fait des coups, mais quand tu dis ton mec, c'était un. Enfin, quand tu dis ton copain, c'est ton copain ou un copain? Mon copain. Genre Saint-Valentin, tout le bordel, c'était aussi soirée foot? Oui. Oh là là. Il y a 2 ans, pour la Saint-Valentin, j'avais fait un bon repas, tout était bien. Ouais. Et il a mis le foot à la télévision. Oh, c'est bon. Chérie, merci pour le repas, mais tu m'en veux pas, je mangeais devant la télé. Attends, c'était quel match? J'en sais rien, je suis partie me coucher. Ah bah attends, on va demander à Maya, le 14 février, il y a 2 ans, c'était quel match, Maya? Oh là là. Oh bah non, merde, Maya, tu devrais savoir. Oh, tu m'as déçu, Maya, là. Je croyais en toi et en fait, non. Je suis désolée, mais je pense que c'était un match de l'équipe de France. Ah, mais... ah, peut-être, oui, c'est possible. Non, mais même, j'imagine la meuf qui a fait les bons petits plats, qui s'est sapée, qui a sorti sa lingerie, et puis non, je vais regarder le foot. Bah oui, lui, il a sorti son maillot. Bon, bah voilà quoi. Bon, bah, Jade et Maya, je vous fais des gros bisous, en tout cas, les filles, oui. Vous revenez quand vous voulez. Hein. Salut à vous. Moi, j'ai juste un problème en fait. C'est quoi? J'ai offert un voyage à mon chéri avec moi à Rio pour aller voir un match et je sais pas comment il va le prendre. Ah oui, alors attends, on va en parler, Maya, parce que sinon je peux prendre sa place à tout moment. Vous bougez pas, il y a Déoro qui va arriver, puis il y aura aussi le chéri, je peux te faire cocu sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te barres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et il y aura dans quelques minutes avec Christelle, le chéri, je peux te faire cocu. Il y a Hugo Rio qui dit comment ça fait plaisir de vous entendre, Mickaël No Limit. C'est bon ça? Bah c'est bien d'être de retour, Hugo Rio. La Chloé qui dit le foot, c'est humiliant. On dirait des chiens qui courent après une babale. Ouais, sauf que les chiens sont pas payés pareil. Si tu veux, Chloé. Non, mais il faut pas juger comme ça. Après, t'aimes pas, c'est une chose, c'est clair. Amel qui dit je vous écoute tous les soirs, c'est trop cool, arrêtez pas. The best fan of Mickaël qui dit ah ouais, j'adore ces soirées filles, elles peuvent m'inviter. Et alors Léo aussi qui dit coup de pelle de retard, plus de 15 minutes et message de bienvenue, please, please, please. Oui, bah c'est pas plus de 15 minutes là, c'est au-delà des 15 minutes, on est quasiment à une heure d'émission là, Léo, là, qu'est-ce que t'as foutu, ma gueule là. Bon, allez hop, mets ça un petit coup de pelle. Voilà. De trou du cul. Hein. Voilà pour le message de bienvenue. Et puis un message qui je vous ai ramené, une nouvelle auditrice ce week-end, Mickaël. Ça c'est cool. Malheureusement j'ai effacé ton nom quand même, mongol. Et Vic qui dit Mickaël, je t'adore, un petit message de bienvenue aussi. T'as pas de couilles. Bah voilà Vic. Et puis Ryan qui dit privé de télé, pas de coupe du monde pour moi. Oh. Bah t'écoutes l'émission, écoute l'émission et puis on va pas commenter, mais en tout cas on donnera les résultats au fur et à mesure. Il y a pas de souci pour l'instant. Bon allez, 01 42 48 5000, vous nous appelez évidemment d'où que vous voulez, d'où que vous soyez en France, vous nous appelez quand vous voulez, on est là jusqu'à minuit. Depuis la Belgique, c'est le 02 851 4x0 qu'il faut composer. Et puis on va se faire le chéri, je peux te faire cocu, mais avant ça, il y a d'abord Maya qui a quand même lancé un gros dossier. Maya, t'es là? Oui. Bon, alors Maya, tu nous as dit juste avant la pub que t'as donc toi t'as dans le foot, ton mec n'aime pas du tout le foot. Non. Et tu l'as invité, enfin tu lui as acheté des billets pour aller au Brésil et tu sais pas comment il va réagir. Voilà, c'est ça. Écoute, je suis totalement disponible personnellement pour aller au Brésil. Non mais des fois qu'il veuille pas, moi je vais là-bas, je fais l'émission de là-bas. Oui, au cas où. Je l'ai déjà fait de New York, je peux le faire du Brésil. Mais moi je propose. Ah, ce serait pas mal. Ah, oui. Moi je propose qu'on l'appelle et tu lui annonces en direct comme s'il avait gagné à la radio, tu vois. Ah oui, ça peut être bien ça. Non, alors j'ai mieux. Mmh. Si tu veux, on fait le chéri, je peux te faire cocu. À la fin, je te dis, allez, moi je passe pour le grand prince. Je dis, allez hop, je vous offre le billet d'avion pour aller au Brésil voir un match de foot. Hop, moi je passe pour le grand prince. Lui, bah il se dit, bon, on a gagné un cadeau à la radio, bon, on va y aller, tu vois, c'est un cadeau. Je pense en fait que je vais l'appeler moi pour lui dire si c'est possible. Ah bah comme tu veux, nous on essaie pour trouver une solution. Hein. Bah en fait c'est parce que du coup c'est un peu tendu en ce moment justement à cause de... Ah oui, ça chez lui ça va être très tendu là, avec tous les matchs de foot qu'il y a pour l'instant, je peux confirmer que... Voilà, c'est ça. La tension doit... Non mais attends, sincèrement, qu'il aime ou qu'il n'aime pas le foot, le mec qui refuse que sa meuf l'invite à Rio, tout frais payé, genre le mec il a quand même un problème à ce moment-là. Hein. C'est ça, je pense aussi. Attends, moi j'aime pas, il y a des sports que j'aime pas, enfin que j'aime pas. Le curling, je m'en fous, le golf par exemple. Ouais. Mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que lui, il est plus en fait son sport de prédilection, on va dire, c'est le tennis de table. Oui, bah peu importe. Ouais. Non, mais peu importe. Donc, du coup, on s'engueule beaucoup, je dis que c'est un sport pour les PD en fait. Et c'est tout, voilà. Polo dit pareil du foot, tu vois. Mais voilà. Non, mais écoute, après, il faut respecter, tu vois. À la limite, tu dois faire un compromis. Toi, tu vas voir de temps en temps des matchs. De tennis de table avec lui, aussi chiant soit-il. C'est ce que je fais. C'est ah que bon, je bah fais. Alors quel est son problème? C'est bah ce que je fais, mais lui, c'est pas de concession pour moi en fait. Ah bah non, mais ça va pas, ça va dans les deux sens. Quitte-le. Non, peut-être pas le quitter, mais. Ta photo à Polo, tu vois. Non, mais voilà, écoute. Mais tu veux pas qu'on l'appelle en direct? Tu lui dis toi. Oui, je veux bien, oui. Ah bah t'as donné le numéro à Sandro? Non. Ah bah alors attends, je vais te repasser Sandro, on va prendre son numéro. Comment il s'appelle? Très bien, bon, on saura pas puisque Sandro l'a déjà repris. Donc c'est pas grave, en attendant on a. Ah bon, on a Anthony qui est avec nous là. T'es là Anthony? Oui, Mickaël. La star. Bah oui, la star qu'on a eu la semaine dernière, Anthony là, qui a quitté sa femme, sa meuf en direct, enfin son ex-meuf. Oui. Voilà, t'as eu des nouvelles depuis ou pas? Ben elle m'a dit tu veux plus de moi, ok, salut. Ah bah voilà, comme ça au moins c'est plié. Comme quoi c'était rapide, efficace. Ouais, voilà, tu vois, finalement on a perdu 10 minutes à rappeler 100 fois le même numéro pour que tu sois meilleur. On a fait ça la semaine dernière. Tout ça pour un truc rapide au final. Eh, dis-moi jeune croque-mort, cette fille, en fait tu l'aimais pas toi en fait? Ou il est non, pas croque-mort, il est nettoyeur de tombe, c'est pas pareil. T'as dit quoi le nettoyeur? Moi j'aimais pas, mais elle oui. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Bon, mais comme tu dis que tu en voulais plus, bon bah du coup au moins l'affaire est pliée. Et tu nous appelais pour le foot toi Anthony, t'es supporter? À fond. De quelle équipe? Ouh, j'en ai 4. Ah, t'en as 4, mais c'est normal parce qu'on est toujours. On est tous supporters de 4 équipes, bah, tu évidemment. Vois, c'est normal. En fait, les 4 premiers du classement, tu vois, voir tu t'arranges, tu sais, bah, le premier passe, tu dis ah bah moi je prends le premier. Donc c'est quelle équipe? Quelles équipes? C'est Milan, AC Milan, ouais. Torino, Levante et Bursaspor. Ah ouais, que les gros. Enfin à part Milan, le reste bon c'est. Le Burkina Faso-Sport. C'est quoi? C'est non, une équipe du Burkina Faso? Bursaspor. Non, Bursaspor, c'est une équipe turque. C'est une équipe, ouais. Ah bah oui, bah ouais. Oui, c'est le football turc est très reconnu pour ça. Non, bah il y en a. Sa qualité. Mais... Non, mais il y en a, il y en a. C'est grand joueur. C'est juste que c'est bizarre, deux équipes italiennes. Et puis, bon, bah ok, d'accord, bah pourquoi pas, hein, Anthony. Hein. Le Bursaspor. Anthony, est-ce qu'il y a des concours de nettoyage de tombes ou pas? Parce qu'il il étudie pour nettoyer les tombes. Ouais, c'est ça. Bah je sais pas parce que j'ai du travail, donc je ne sais pas. Ah d'accord, ok, très bien. Bon, écoute, et est-ce que t'as un conseil éventuellement à donner à Maya qui est là, qui est demandeuse de conseils, puisqu'elle va inviter son mec à Rio alors qu'il déteste le foot pour aller voir les matchs de la Coupe du Monde? En plus, toi tu connais bien les hommes, hein, Anthony. Bah oui, bah voilà, en plus toi t'es gay, donc... Enfin, à moins que ça ait changé ce week-end. Non, on a qu'à lui dire qu'elle invite à Rio et qu'il peut y avoir d'autres matchs, c'est en plus quoi. Ah ouais, bah ouais, ça me paraît pas mal effectivement, hein, comme bon bah, heureusement que tu nous as dit Anthony là, comme ça au moins on va pouvoir appeler Maya va pouvoir appeler son mec en toute sérénité. Bah, je pense que Maya elle se sent tout de suite beaucoup mieux. Bah, que évidemment. Dit ça. Mais Maya, t'as pris quoi comme match de foot là? T'as pris des matchs bien précis ou pas forcément? Non, pas forcément. Non, j'en ai pas pris des bien précis. En fait, je voulais vraiment les plus gros, en fait, tout ce qui est l'Espagne, la France. Ouais. Et le Brésil, bien entendu. Évidemment, d'accord, ok. Ah ouais, putain, ça a dû te coûter, mais 2 couilles, 3 couilles, 10 couilles même. En fait, j'ai travaillé très dur pour ça. Ah ouais, bah ouais. Ah bah, j'ai bien croire que c'était très dur. Ah bah ouais. Attends, mais donc, tu payes le billet d'avion et tout? Oui. L'hôtel? Oui. Oh. Mais écoute, en fait, écoute... En fait, j'ai trouvé un truc qui fait l'avion, l'hôtel en même temps, en fait. D'accord. Ah, bah, écoute, dans l'avion à l'aéroport. Bah écoute, encore une fois, Maya, pas de problème, je suis disponible, je serai donc numéro 2, hein, je serai remplaçant. Bah, c'est avec plaisir. Voilà, donc je me mets comme remplaçant sur la feuille de match. Bravo. Eh, non, mais à ta place, je prendrais Mickaël plutôt que le pongiste, parce que c'est un pongiste. Tu veux pas qu'Anthony appelle ton mec pour lui dire ça avec... Ah, il est très talentueux, hein. Ah oui, et c'est un grand spécialiste. Hein, ah, bien sûr. T'as écouté ou pas la semaine dernière, là, quand on l'a eu au téléphone pour quitter sa meuf? Oui, j'avais entendu, oui. Tu vois, donc il arrive à faire, quoi, il gère. Oui, ouais. Il gère. Bon, t'es sûr que tu veux pas, Maya, hein? Non. Bon, non, bah non. Tant pis. Écoute. Bon, attends, Anthony, reste avec nous. On va l'appeler, il s'appelle comment ton mec, Maya? Jesse. Bon, bah écoute, tu l'appelles, là, maintenant, c'est parti? Ok. Bon, et on aura le chéri, je peux te faire cocu juste après, là, avec Christelle. Tu veux lui dire quoi, Maya, grosso modo, là? Bah, en fait, déjà, hier soir, je lui ai parlé du fait que j'avais gardé un petit peu j'avais économisé de l'argent pour partir en vacances, et puis, bah, du coup, je vais renchérir là-dessus. Ah, bah, très bien. Bon, écoute, et nous, ouais. On est derrière, si tu veux. Si tu veux, moi, je suis le tour opérateur. Voilà, c'est moi qui étais Vandoul. Moi, s'il vient pas, c'est avec plaisir que je t'emmènerai avec moi. Ah, bah, très bien. Et puis, Roberto, lui, il fera le travelo. Voilà. Le bagagiste? Non, bah, non, Roberto, c'est Roberto, notre célèbre tourneur. Bah, il va certainement faire des films pour la Coupe du Monde, non? Ah, bah, oui, avec autant de balles, qu'est-ce que tu veux? Comment je peux pas faire les films? Que ça va être magnifique, que ça va être des lattes, que ça va être beau. Ah, mais oui, ça va être plein de poutres qui vont prendre. Non, de buts. Bah, non, mais ça, on s'en fout. Qui vont prendre dans le. Ouais, enfin, ça ira. Bon, allez, on y va. Maya, c'est parti, on appelle Jessie maintenant là. Bonne chance, nous on est derrière. Merci. Et je te mets une petite musique d'ambiance. Non. Ou pas. C'est possible. Viva Brasil. Du Brasil. Allez. Il y a Sofiane qui dit je peux avoir un message de bienvenue s'il te plaît, je déteste le foot, bien sûr. Voilà. Là le mec il décroche. Ouais. Et alors Rock'n'Wolf qui dit Mickaël, tu peux nous repasser le canular avec la pomme s'il te plaît. Oui, on va essayer tout à l'heure. Il va pas répondre. Oui, ça a l'air. Ah, parce qu'en plus d'Emel Ping-Pong, il décroche pas au numéro privé. Privé, il répondra pas. Quel casse-couille. Envoie-lui un SMS, dis-lui je t'appelle en privé. Alors. Oh, le relou. Oui. Oh, le mec, il est pas relou, il est sur-relou. En plus, il n'y a pas de répondeur, quoi. C'est-à-dire que ça doit sonner, là. Non, il n'y a pas de répondeur. Ah oui, Maya, tu peux pas lui envoyer un SMS, tu lui dis écoute, je dois te parler, là, décroche. Bon, en attendant, bah alors fais-le. En attendant, on prend Coralie qui est avec nous à Pau, là. Salut Coralie. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment ça va? Ça va et toi? Bon, ça va. Et le match a démarré hein, depuis 15 secondes, là. Toujours 0-0, hein, un drame. Bah oui, 15 secondes, je m'attendais à ce que, tu vois, hop, ah ouais. Ça y est, but. Mais en fait, non. Bon, Coralie, sois la bienvenue. Toi, tu voulais réagir au foot, t'aimes bien, t'aimes pas, t'en es où, toi? Je déteste ça. Ah, tu détestes. Pourquoi tu détestes? Y a une raison particulière ou pas? Ben, je trouve que c'est pas un sport de filles, donc du coup ça m'intéresse pas spécialement. Ah si, c'est un sport de filles, hein. Ils s'épilent les jambes, ils ont des shorts. Mais ouais, c'est... bon. Et puis ils ont des petits ballons et des petits t-shirts. Donc non, ils s'épilent pas tous après, hein. C'est parce que Polo n'aime pas le foot, alors c'est pour ça, du coup il a une image négative. Lui il préfère. Féminine. Voilà, c'est ça, lui préfère le. Les free fight quoi. Ouais, voilà, c'est ouais, ça. C'est vrai. Les trucs à la con où ils s'entretuent l'un l'autre. Non, c'est dans une cage et les. Voilà, truc normal, tu vois, les mecs se mettent dans des cages, ils se tabassent jusqu'à ce qu'ils crèvent et puis voilà. Oh, mais il y a un côté poétique à ces giclées de sang qui y partent. Ouais, ouais, bah ouais, c'est très, très poétique, ouais. Et toi, t'es un mec qui aime bien le foot ou pas, Coralie? Oui, justement, il a fond dedans et c'est vraiment chiant, voilà. Bah ça, oui, j'imagine. C'est... Bon, bah très bien. Bah écoute, j'imagine même pas pour le Brésil. Ça va être. Tu vas souffrir. Hein. Bon, heureusement, c'est une fois tous les 4 ans. Bon, le problème, c'est qu'après, il y a la Coupe d'Europe tous les 2 ans. Donc, grosso modo, une année sur deux, t'es tranquille. Voilà. Pendant les grandes vacances, c'est vrai. Oui. Bon, donc, il faut voir le côté positif, tu vois. Il y a Damien qui dit heureusement qu'on préfère vous écouter plutôt que de regarder un match, surtout un de l'équipe de France. Ah, mais Damien, et attention, parce que t'es le genre. Alors, je te connais pas, mais ce genre de message, ça va être maintenant, parce que voilà, on s'en fout. Si jamais ils vont en 8e, quart, demi, voire en finale, alors, tout le monde va sortir le drapeau, vive la France, avec les supporters. Et j'y croyais. On y a tous cru. On savait que Deschamps c'était le bon. Voilà, etc. La tête peinte en bleu, blanc, rouge, ah, bah, on vous bien connaît. Sûr. Hein, évidemment, bande évidemment. De cons, ouais. Bah, évidemment. Il y a Maëva qui dit ce qu'il déteste le foot, c'est vraiment des connards, j'imagine, il a mis des étoiles. Moi je dis allez l'OM et nique le PSG, fan de fun qui dit mort de rire, moi en cours, je prends une trousse vide pour se l'envoyer à travers la classe. C'est bien fan de fun. Est-ce que t'as pas autre chose à faire? Au revoir. Accessoirement ce serait pas mal. Bon bah Coralie, bah, merci en tout cas d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux, hein. Je te fais des bisous. Problème. Salut d'accord, à toi Coralie, je t'embrasse, salut. À bientôt. Ciao, ciao Coralie. Anthony. Oui. Encore un truc à ajouter? Oui, un petit truc. Ah, merde, ouais, vas-y. J'ai peur. J'aurai la Coupe du Monde, Mickaël. De quoi? Bah oui, puisqu'on sera en direct à la radio là pendant toute la Coupe du Monde et on suivra les matchs. Bon, on va pas les commenter, hein, pas abuser, mais on sera là pendant les matchs, ouais. Tu vas supporter qui? Oh bah le Portugal, évidemment. Portugal et Belgique, puisque bah forcément je suis les deux, donc voilà. D'accord. Et oui, et toi? Moi je suis supporté d'Italie, l'Algérie et la Belgique. Enfin tout le monde quoi. Ah oui, toi tu vas loin, les Turcs. Ouais ouais, c'est ça. Moi je m'en fous que le meilleur gagne, je supporterai celui-là. Eh, tu veux pas qu'on rappelle ta meuf pour que tu la quittes une dernière fois là? En bonne et due forme. J'ai plus son numéro. Il a déjà effacé. Oh là là. Bon, pour ceux qui n'avaient pas entendu ça la semaine dernière, bah restez là, on remettra peut-être l'extrait tout à l'heure si on a 5 minutes. On vous le remettra tout à l'heure. C'était un grand moment, hein. Ah oui. Ah ouais, si vous savez pas comment casser avec votre copine, eh ben la solution n'est peut-être pas si loin. Nous on a la technique. Hein. Eh oui. Bon, salut à toi Anthony, à bientôt. Nickel. Allez, ciao. Et avant de récupérer notre amie Maya, on a Flo maintenant de nouveau là pour la colle. Flo, t'es là? Ouais. Très bien. Allez, fais péter la colle. Je rappelle qu'il y a toujours un iPod Nano à gagner. On t'écoute. Vous jetez l'extérieur et faites cuire l'intérieur. Alors que vous mangez l'extérieur et jetez l'intérieur, qu'avez-vous mangé? Alors, il y a Romuald qui propose un filet de poisson. Ah non, un filet de poison, pardon, sur le Facebook. Non, il y a Micha qui proposait rien. Bah non. Théo qui proposait un lièvre ou une poule. Non. Laurent qui proposait du céleri. Non. Non, d'accord, ok. Kevin qui proposait une omelette. Non plus. La Clems aussi sur le Facebook, une pomme de terre. Non. Le blé d'Inde pour Jimmy. Non. Une banane pour Vanessa. Non. Non, pour la colle j'irai du poulet, je reste en ligne, c'est Joévin. Non. Un crabe. Non. Une patate douce. Oh là, on va y arriver, hein. Non. Non plus. Bon bah si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900. Vous pouvez bien sûr aussi jouer sur le Facebook. Vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Et puis bah du coup bah peut-être que vous serez le regagnant dans quelques minutes de cet iPod Nano. On donne la réponse avant 10h30. Restez bien à l'écoute de Fun. Bon, tu restes avec nous aussi Flo, d'accord? Ok. Parfait, on va essayer de récupérer Maya pardon. Et puis on va surtout essayer d'appeler son mec en direct. On va se faire le son de Deoro maintenant sur Fun Radio. Deoro avec 5 Hours. Et juste après, on aura le chéri, je peux te faire cocu. Ce sera avec Christelle sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limit. On est en direct dans toute la France, dans toute la Belgique. En direct jusqu'à minuit. Passez le message autour de vous. Il se passe enfin un truc de bien le soir à la radio. Et le son de Deoro à l'instant sur Fun Radio, c'était 5 Hours. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Mickaël, de 20h à minuit sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio avec un message de Dilek qui dit: si un jour j'arrive à vous voir, si vous venez en Alsace, je vous ferai les ongles, juste des soins et à toffe du vernis. Ah bah Dilek, c'est vendeur ça, t'as envie de... Ah bah on a envie de venir là. J'ai envie de dire pourquoi. Ah bah tout de suite l'Alsace on arrive mec. Justine aussi qui dit: moi c'est pareil, le téléphone est en mode silencieux, je parle à personne, je suis à fond pour le foot. Et Tania qui dit: oui j'aime le foot, ça occupe les mecs et comme ça on est tranquille entre copines. Et Sabrina qui dit non, à la limite quand c'est un grand match là, ok, de toute façon avec un conjoint complètement fan du ballon rond, pas le choix, la femme fait des efforts. Et Anne-Sophie aussi: ah oui, moi j'annule tout pour un match, et là pendant la Coupe du Monde ça va être tendu avec tous les matchs qu'il y a, surtout si on va en finale comme France-Brésil, petit souvenir évidemment. Et alors Hugo Réau qui dit: Polo, je suis totalement avec toi, je déteste le foot, vas-y général Polo. Bon, très bien, allez, on va encore en parler après. On va essayer de récupérer Maya là. À mon avis, je pense que son mec lui a pris la tête, parce que donc Maya voulait appeler son mec qui n'aime pas le foot alors qu'elle est fan pour aller au Brésil avec lui. Elle paye tout, sauf qu'elle savait pas comment est-ce que lui allait le prendre. Donc on a essayé de l'appeler en direct, ça décrochait pas. Et puis je lui avais dit: bah envoie un SMS pour dire que tu dois l'appeler, pour qu'il décroche quoi, parce que tu veux l'appeler, tu veux lui parler. Et depuis on n'arrive plus à la joindre. Donc je pense que son mec a dû téléphoner lui-même. Et du coup, voilà, on essaie de joindre Maya là maintenant, mais ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Donc restez à l'écoute de Fun. En attendant sur Fun Radio, il est 21h10, toujours au cœur d'une heure sans pub, bien entendu, avec dans quelques minutes le son de Katy Perry. Ce sera Birthday, il y aura aussi Calvin Harris Summer. Et il y aura également, et il y a maintenant carrément, le chéri, je peux te faire cocu. C'est avec Christelle qui est avec nous. Salut Christelle. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Bah ça écoute, va. Ça va bien, tout le monde va bien, on est tranquille, tout va bien. Surtout qu'on adore le chéri, je peux te faire cocu, donc ouais. on est toujours un peu motivé. Je me demande toujours quelle est l'insulte la plus violente que je vais me prendre en pleine gueule.

offrir, eh ben vous nous appelez 01 42 48 5000. On aura enfin le retour de Maya dans quelques minutes. Maya! Oui. Il y a du neuf ou pas? Rentre pas dans le détail. Oui. Hein. Ah, non, il y a non, du neuf. Bon. Oui. Il y a du neuf. Très bien. Bon, écoute, on en parle après Katy Perry. Alors, tu restes là? Oui, ça marche. Ne bouge pas, Maya. Ah oui, c'est après Katy Perry et Bird Egg. C'est cool, je pars au Brésil, moi. Putain, c'est bon idée. Ça. Happy birthday. 20h minuit. Mickaël. Mickaël, No Limit sur Fun Radio. Et en direct évidemment sur Fun Radio, toujours au cœur d'une heure sans pub, toujours 0-0 hein, pour France-Paraguay et 1-0 également pour la Belgique face à la Suède. Il y a Lucas qui salue l'équipe, une heure de retard pour moi et pelle pour Toff, coup de pelle pour Toff. Bah pourquoi? Bah parce que c'est comme ça. Hugo aussi, je peux avoir un message de bienvenue, j'ai ramené 10 potes qui écoutent ça, c'est du lourd. Bon, on va t'en mettre un petit, tiens. Ferme ta gueule, gros bâtard. Ah bah voilà, ça faisait longtemps, tiens. Merci à toi en tout cas, Hugo. Et puis bienvenue aux 10 nouveaux potes là qui viennent de débarquer sur Fun, là, peut-être pour la première fois. Vous êtes les bienvenus et vous allez voir, on s'occupe de vous ici. Ouais. On n'est pas des enculés. Il y a Julien qui dit oh yeah, DJ Mimi, trop top le nom, ça claque où tu parles. Jojo qui dit après 2 semaines sans écouter, je suis de retour, mais je mérite un coup de pelle. Oui, ah bah 2 semaines c'est long là. Hein. Effectivement, eh bah, bienvenue à toi. Et 21h30, je rappelle également que tout à l'heure, nous aurons le top tweetos. Tout à l'heure, vers minuit, on donnera évidemment un cadeau offert par passagedudésir.fr. Et oui, à celui qui aura été le plus influent, celui qui aura été le plus actif. Avec le hashtag Mickaël sur le Twitter, hein, tout ça pour ça. Pour ça, donc, il faut simplement envoyer un maximum de messages en mettant le hashtag Mickaël dans vos messages, tout simplement. Voilà. Hop, qui serait numéro 5 si on arrête tout maintenant Cédric. Là. Numéro 4. Julien. Numéro 3. Hugo Réo. Numéro 2. Fan de Fun. Et numéro 1. Virginie 66. Voilà. Donc, à vous de jouer. Il suffit de balancer vos messages avec le hashtag Mickaël tout simplement dedans. Et vers minuit, on verra dans les statistiques quel est celui ou celle qui a été le ou la plus influente sur le Twitter de l'émission avec ce fameux hashtag Mickaël. Bonne chance tout le monde, il y a Thomas qui dit salut l'équipe, je pourrais avoir un message de bienvenue s'il vous plaît, vous pouvez passer le son de attends c'est quoi, vous pouvez passer Jessica de Black, je vais voir si j'ai Thomas, je te garantis rien mais je vais regarder ça. En revanche pour le message de bienvenue sans aucun problème, et en plus un petit nouveau qu'on a eu cette semaine là. Va te faire enculer, va enculer ta mère je la baise par tous les trous, hein, elle aime la bite. Voilà, donc très sympathique comme vous avez pu le remarquer. Bon, on fait pas les choses à moitié ici, qu'est-ce que tu crois? Bon, et on va récupérer, avant de récupérer Maeva, ben, comme on est dans les appels malveillants justement, hein, j'avais dit que ça reviendrait dans un quart d'heure, c'est chose faite. Nous allons parler de zone érogène. Oui, parce que donc selon une étude, la zone érogène principale chez les femmes, ce serait les seins, hein, d'accord. Autour du téton. Et toi Maya, c'est quoi ta zone érogène? C'est les seins aussi ou pas? Non, c'est le cou. Ah, c'est oui. Le cou, toi. D'accord, ok. Et donc, du coup, ben, on est à l'écoute. Non, attends, tu veux dire le cul, mais t'as un accent portugais, oui, c'est ça le cou. Non, c'est le cou. Non, attends, on n'a pas d'accent, c'est le cou. Bon. On a compris. Le cul, donc. Alors, donc le cou, ouais. Et du coup, Toff? Eh ben, du coup, j'étais allé poser la question aux gens pour voir quelle était leur zone érogène préférée. D'accord, eh ben, c'est parti, on y va. Bouge pas, Maya, on te reprend juste après. On appelle maintenant grâce au numéro que vous envoyez, comme d'hab, sur TOPH. Allô? Oui, bonsoir, madame. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir quelle était la zone érogène que vous préférez, madame. La quoi? La zone érogène que vous préférez, madame. Ah, elle a raccroché, très bien, parfait. Bon, rapide. Ça c'était bien. Hein. Donc je le disais sur toph@funradio.fr. Voilà pour m'envoyer tous les numéros de téléphone pour que Toff puisse appeler vos ennemis, vos amis, etc. Bref, tant qu'il s'énerve un peu, nous on aime bien. Allez, c'est parti, on rappelle la dame là. Allô? Oui, je m'excuse madame, mais vous avez pas répondu à la question. Mais tu es qui là? Tu es qui? Moi je m'appelle Toff madame. Eh ben je m'en fous que je t'appelle Toff, pourquoi je m'appelle maintenant? Ben parce que je voudrais connaître votre zone érogène préférée madame. Elle est dans ton cul, c'est bon? Ben non, parce qu'en fait c'est la vôtre que je voudrais connaître. Allô? Non, bah elle est partie nous. Mais regarde un peu derrière toi là. Attends. Oh, ton gros cul là, toi. Ah bah non. Moi elle est pas là. Bon, on va le rappeler hein, parce que du coup on sait pas où elle est. Hein. Allô. Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme mais on a été coupé, je sais pas ce qui s'est passé. Moi tiens une petite cagette, on fatigué, on légume. Je n'ai pas compris monsieur. Moi tu n'as pas de vie, on va te faire enculer. Hein. Mais pourquoi vous me dites ça monsieur? Eh ta gueule, on ne dit pas. Mais enfin monsieur, moi je vous appelle gentiment pour vous poser une question, c'est pas très gentil de me parler comme ça. Ouais je te la fous au cul la question, bon vas-y ciao, je sais pas que ça va faire. Ah bah non monsieur, enfin ça se fait pas, allô. Ouais ciao. Mais non, pas ciao, monsieur, vous avez pas répondu à la question. Ouais, c'est bon, un pas fou. Mais je veux pas vous rendre fou, monsieur, mais si vous répondiez à la question, ce serait quand même plus gentil. Allez, c'est quoi ta question? Bah, je voulais savoir quelle était la zone érogène que vous préférez, monsieur. Celle de ton cul. Non, votre femme a déjà dit, mais c'est sur votre corps. Ouais, mais c'est bon, vas-y. C'est la vôtre que je voudrais connaître, monsieur. Ouais, ouais, moi aussi. Moi aussi, sur la tienne, c'est laquelle? Bah écoutez, moi personnellement, je préfère le derrière l'oreille, vous savez, le derrière le lobe de l'oreille. Ouais, ouais, d'accord. Voilà. Okay. Et vous alors? Pareil, pareil. Ah, pareil, vous aussi alors? Ah ouais. Bon, bah parfait, bah je vous remercie monsieur. Ah bah ça va, bah ciao. Allez, une bonne soirée, au revoir. Moralité. Ah ouais, salut. Moralité, quand on répond, ça va plus vite. Bah oui, j'arrête pas de raccrocher, d'appeler, j'appelle la police, vous êtes sur écoute, je vais venir te casser la gueule, enculé, enfin bref, et tous les trucs sur Maryse, enfin maman, ouais, la pauvre. C'est scandaleux quand même. C'est scandaleux, donc, oui. Donc on l'embrasse, bien entendu, au passage. Ouais, bien sûr. Voilà, qui nous avait proposé, enfin, on s'est un peu invité à faire l'émission en direct de chez la mère de Toff un de ces dimanches soirs. Bah elle a dit oui, hein. Ah bah oui, mais on va venir. Ah bah on va venir. Maintenant t'as plus le choix. Ah bah on va venir. On demandera même au sous-chef de venir aussi pour qu'il se mêle bien, le sous-chef. Avec la mère de Toff, là, voilà. Tu pourras dire à ta mère qu'il nous maltraite, comme ça lui mettra bien sûr à coup de rouleau à pâtisserie dans la tronche. Ma mère a des très grandes poils, ça ira mieux. Ça va être bien, non mais j'ai eu cool. peur. Ça va être cool. Bon, on fera d'autres appels malveillants tout à l'heure, donc restez sur Fun. Et puis Maya. Bon, alors Maya qui nous avait appelé, à la base c'était pour parler football. En tout début d'émission, je vous avais demandé si vous étiez fan de foot, les filles, les garçons, si vous étiez avec quelqu'un qui supportait ou qui ne supportait pas ça, etc. Tu nous avais appelé pour nous dire que toi t'étais archi fan de foot, oui. Que ton mec pas du tout, et non. En discutant tu nous as dit ouais mais en fait bon bah moi j'ai acheté des billets d'avion, hôtel et matchs et tickets pour les matchs de foot, la coupe du monde, et c'est bah ça. En fait je veux l'annoncer à mon mec mais je sais pas comment il va réagir. C'est ça. Donc on avait essayé de l'appeler, il avait pas décroché. Je t'avais dit envoie lui un SMS pour que, en lui disant que tu dois l'appeler pour qu'il décroche, puisqu'il a visiblement envoyé, il décroche pas il au numéro dit, masqué. Bah là il arrête pas de m'envoyer des points d'interrogation, pour il attend mon appel. Ah d'accord, mais moi je pensais que tu l'avais eu au téléphone puisque non, on n'arrivait plus à le joindre. Du coup il me dit je comprends pas en fait, qu'est-ce qui se passe et tout. Je fais bah écoute j'ai quelque chose à te dire mais pour l'instant je suis au travail, je peux pas te le dire là. Merde. Ah moi donc, je pensais voilà. qu'il t'avait eu. Moi je pensais comme on n'arrivait plus à te joindre, c'était le répondeur, je pensais qu'il t'avait appelé, qu'il t'avait envoyé la merde. Moi putain j'étais déjà parti pour le Brésil moi. Attends, moi j'étais déjà au top. Il avait déjà fait sa valise. Il reste encore une chance. Oh merde, hein, attends, ma valise était faite, tout était là. Ah oui, tout était là, merde. Oh bon bah tant pis. Ah bah on va l'appeler, hein, on va l'appeler. Bon allez, c'est parti. Je croise les doigts pour qu'il t'envoie la merde. Hein. Allez, c'est parti. Ok. Attends, et tout frais payé. Ah oui. Crache pas dessus, hein. Ah, ça y est. Allô. Oui, mon père, ça va? Ouais, toi. Ça va, je suis un peu fatiguée. J'ai quelque chose à te dire mon bébé. Oh c'est mignon, c'est pas cette calme. En fait si tu veux, tu sais hier on m'a parlé des vacances mon petit. Et en fait il y a quelque chose que je t'ai pas dit. Si le mec dit non. C'est que j'ai économisé pour les vacances et tout. Mais en fait j'ai déjà dépensé l'argent. Et du coup j'ai acheté des billets d'avion pour le Brésil. Ouais. Oui, pour qu'on aille voir des matchs de foot. Oh le pauvre. Hein? Oui. Ah, il a l'air t'es content. Fâché? Et nous on fait un match de ping-pong. Non? Non. Un peu quand même. Donc voilà en fait. Oh, puis il a l'air content. Hein. Et tu viendrais avec moi voir le foot? Non, moi je viens de taper des putes au Brésil. Non, il faut qu'il aille au centre russe. Là, je sais que ça va pas, là. T'es pas bien, là. Je te connais, t'es pas bien, là. Oui. Oui. Bah, tu viendras avec moi ou pas? Oui. Hein? Oui. Oh, putain! Okay, oh, parce qu'en fait, si tu veux, je t'explique. C'est qu'en fait, je suis en direct à la radio. Et c'est bien le seul sûr, moyen je vais que... un peu en galère, hein, comme d'habitude. C'est le seul moyen donc là, ils nous entendent en fait, pas. Pour te le dire. Il a l'air un peu de tension, mec, quand même. Comment dire? Bah, je sais pas, dis-moi ce que tu veux, mais dis-moi que tu viens avec moi et que t'es pas fâché parce qu'on va aller voir des matchs de foot. Bah non, trop pas. C'est vrai? Oh, trop pas, t'es prêt à faire des concessions pour que maintenant on regarde un peu plus le foot ensemble? Oui. Meuf, elle passe tout, elle se dit c'est aujourd'hui, ouais. C'est aujourd'hui, ouais. Ouais. Je lui mets tout là. D'accord. Oh la mollesse. Bah, je suis contente alors. Bah, c'est cool. Mou, tu es. Putain, je suis vénère. Mais t'as même pas envie d'y aller, Jessie là. Mais oui, dis pas oui. T'as pas l'air d'avoir envie d'aller là au Brésil. Moi je viens là, putain Maya. Et nous on va aller voir les matchs et tout, t'inquiète pas là. Regarde, moi j'ai déjà la musique et tout, on est au top. Oh là là. Donc tu viens avec moi? Bah oui, trop, chérie. Hein? Mais bah non, oui. Tu vas te faire chier, il va y avoir du foot, ça va être insupportable. Il y a trop de putes là-bas en plus, mais tenté et en tout. En fait, c'est sûr qu'il y a l'animateur qui va absolument y aller avec moi à ta place. Bah oui, mais en plus t'aimes pas le foot, c'est dommage. C'est qui là? C'est Mickaël, t'es sur Fan Radio, Jesse, j'allais dire Jimmy. Et bon, là, elle nous a expliqué que t'étais pas fan de foot, qu'elle savait pas comment te dire qu'elle t'avait acheté un billet pour aller au Brésil. Je lui ai dit, bah écoute, je pense que tu peux simplement lui dire, en fait, hein, bêtement. Et je suis vraiment trop content là. Bah écoute, à première écoute, ça s'entendait pas des masses. Maintenant, ça va mieux, ouais. Maintenant, ça va un peu mieux. Il va travailler tout à l'heure, donc voilà, il est un peu fatigué. Ah. Mais t'es conscient qu'il va falloir aller regarder des matchs de foot et tout, que ça va être chiant, hein. Non. Bah si, ça va être emmerdant. Elle va être, être en mode supporter, toi t'aimes pas le foot. Non, parce que sinon vraiment j'échange avec toi, il y a aucun souci. Hein. Je fais l'émission en direct de là-bas, et on t'offre un carnet de tickets pour prendre le métro. Ouais, exactement. Je t'offre des places pour aller en échange, je t'offre des places pour aller faire un match de ping-pong. Hop là. Non, c'est pas du ping-pong, c'est du tennis de table. C'est pareil, c'est des petites, raquettes, des petites baballes, et puis voilà, on va pas chier. On va pas regarder dans le détail, Donc vous allez au Brésil alors? Oui. Putain, fais chier quand même. T'es content mon chéri? Bah moi je tire la gueule hein, pour le coup là. Mes valises étaient faites, le sac à dos était préparé, tout était là. Et Il y a les caméras, on fera une petite dédicace à Fun Radio. Ah bah génial, ça nous ouvre une belle jambe, tiens. Bon, et amusez-vous bien, surtout toi Maya, et puis bon courage à toi Jessie. Hein. Merci. Salut à vous. Hein. Au revoir. Allez, ciao. Salut. Putain, je suis vénère. Ouais, oh là là là, mais moi j'étais déjà chaud là. Bah ouais, c'est dommage, on peut pas lui échanger qu'on te déplace pour la Coupe du Monde de ping-pong, elle est passée quoi. Ah bah non, bah là c'est trop tard. Putain, vénère. Bon, on va terminer sur le foot là avec Maëva là de Toulon. Salut Maëva. Salut Mickaël. Comment salut, tu vas? Salut. Ça va, tranquille. Tu voulais terminer sur le foot toi, c'est quoi ton avis? T'es fan, t'es pas fan? Ouais, moi je suis fan, mais c'est surtout mon père. Oui, donc du coup tu suis les matchs avec ton père? Ouais. Ben voilà, il est pour quelle équipe ton père? Il est pour l'OM. Encore? Décidément, il n'y a que des supporters de l'OM ce soir. Oh là là. Ah oui. On peut supporter cette équipe. T'es à Toulon, toi, Maëva. Ouais. Eh ouais. Attends, il y a Marion aussi. Ah non, c'est Manon. Merde, à chaque fois, je me fais avoir. Salut, Manon. Salut, Mickaël. Ça va? Ouais, salut. Oui. Bon, très bien. Alors, toi, t'as autant la patate que Jessie qu'on a tout de suite. Hein. Alors, Manon, toi, pour le foot, toi, t'es fan ou t'es pas fan? Ou t'es avec un mec qui est fan et pas toi? Dis-nous tout. Je suis pas fan. T'es pas fan? D'accord. Mais quelqu'un te force à regarder ou pas? Non, je préfère le rugby. Ah oui, après c'est différent. Oui, c'est des choix de vie ça. Ouais, c'est des choix. Moi j'aime pas trop le rugby pour le coup. Moi j'aime bien quand c'est le rugby féminin. C'est oui, pas mal. Parce qu'il se castagne sur la tronche. Mais je veux dire, sinon dans l'idée je suis pas trop fan. Maintenant après, pourquoi pas? Faut voir. Hein. Ouais, mais des meufs qui se roulent dans la boue, c'est toujours bien. En même temps ça va. Moi je demandais surtout si vous aviez votre mec qui était fan et pas vous, ou inversement. Et comment ça se passait? Bon là, si t'es toute seule et que toi t'aimes pas le foot et que tu regardes le rugby, j'ai envie de dire tant mieux. Il y a aussi Ryan qui est avec nous pour finir. Le dernier, ça va Ryan? Salut Mickaël, ça va et toi? Bah ouais, tranquille. Alors, fan ou pas fan de foot toi? Super fan, surtout du Real Madrid. Ah bah voilà, très bien. Bah Maya, si elle nous écoute, sera contente. Hein. Très bien, donc content, Ligue des Champions, tout ça. Ouais, super, on a mérité cette décima. Ouais. Mais oui, mais est-ce que tu sors avec une meuf qui, elle, n'est pas du tout fan? Je suis marié avec une meuf qui est pas du tout fan, qui aime le foot, mais je l'ai dégoûté. Ah, pourquoi? Parce que t'es tellement fan que c'est insupportable. Tellement fan du Real que... voilà. Mais c'est marrant. Attends, est-ce que... Elle s'est marié une semaine. Ah oui, carrément, ouais. Voilà, non, parce que après, moi, j'aime bien le Real, etc. Mais je veux dire, est-ce que t'es fan au point de mettre les écharpes sur la planche arrière de la voiture, les autocollants, les draps de lit et... Oh non, putain, t'as un pyjama aussi avec marqué Cristiano Ronaldo numéro 7. Ouais, c'est vrai, je dors avec le maillot. Je lui passe le maillot pour qu'elle dorme avec. C'est bon, Ryan, t'es pas sérieux là, que tu te fous de nous là quand même, un petit peu, non? Non, sincèrement, c'est venu comme ça. Alors au début, ouais. ouais, tu regardes un match ou deux, après tu commences à regarder un peu l'actualité, et puis comme par hasard, ben, t'as des joueurs que tu aimes, comme Cristiano quand il a signé. Ryan, tu peux dire à Titi l'oiseau, là, il ferme sa gueule, parce qu'on n'arrête pas de l'entendre, là. Qui ferme sa gueule. Voilà, bah, parfait, très bien. Oh, je l'entends derrière, attends, c'est bon, merde. Donc du coup, toi, t'es ultra fan. Oui, mais je comprends qu'elle soit barrée, hein. Tu dors avec le maillot. Elle est partie une semaine, quoi. Oui, enfin, c'est quand même déjà pas mal. Ryan, tu te fais la coupe de Cristiano Ronaldo ou pas? Non, c'est mon meilleur joueur pour moi, c'est Sergio Ramos. Donc, et tu te fais sa coupe pas... Non. Attends, je vais voir la tête. Tu t'es tatoué Real de Madrid ou un truc comme ça sur la tête? Pas encore, mais j'ai voulu le faire. Tu vois? Ah, c'est un truc de ouf. Mais en fait, au final, le pire pour toi n'est pas qu'elle n'aime pas trop le foot. Ça, ce qui pourrait être pire, c'est qu'elle soit fan de l'Atlético ou du Barça. Non, mais avant même de me marier, je savais bien qu'elle aimait bien quand même le Real, quoi. Ouais. Ah, sinon tu ne serais pas marié? Ah bah ouais, c'est normal. Non, ça je sais pas, mais bon, voilà. Non, parce qu'il y en a, attends, mais il y en a. Ah non, c'est normal, il l'aurait pas pu. Attends, je pose la question, mais il y en a qui effectivement doivent être comme ça, hein. Putain, waouh. Ouais. Bah, c'est vrai que ça a pris énormément sur la vie, même avec les rapports sexuels, hein, ça a pris aussi sur ça. Hein. Ah bah pas le soir de match. Non, mais par exemple, je savais que Champions League 20h45, si elle avait envie d'un câlin, ben il fallait faire vite, quoi. Pour arriver à 20h45, avoir le match. Ou alors la mi-temps s'il mène. Même pas. Non, ah non. Même pas. Non. Ouais. La mi-temps, tu regardes les réactions des mecs sur le plateau, quoi. Ouais, j'en parle avec mes potes, t'as vu cette action, t'as vu ça, t'as vu ci. On est bon. Ah bon, on est pas mal. Ben merci Ryan d'avoir appelé, hein. Avec plaisir. Et ben voilà. Et salut Maëva, salut Manon, gros bisous à vous. Hein. Salut, ciao. Bisous, salut à vous toutes et tous. Tu dis Maëva? Tu veux un petit cas, s'il te plaît? Bah vas-y, il y a une personne, hein, choisis la bonne. Ben vous alors. Bah c'est gentil Maëva, je te fais des gros bisous et on embrasse tout le monde à Toulon. Là. Salut. Ciao. Regardez l'OM. Et ben bien sûr, et avant de faire le canular là. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de canular, je voulais vous savoir, est-ce que vous voulez qu'on réécoute le moment où il y avait notre ami Anthony qui essayait de casser avec sa copine, ou est-ce que vous voulez qu'on réécoute un canular qu'on avait fait, vous l'aviez demandé aussi, avec ils ont tué les deux, ils ont buté les deux. Avec Toff, hein, l'arrivée de Toff en star. Ça a été attitude. Ma révélation, c'est mon plus beau rôle. C'est ça. Donc, c'est là que j'ai révélé tout mon talent. Voilà, donc votez maintenant avec le hashtag et Mickaël sur le Twitter et sur le Facebook. Est-ce que on réécoute le moment où Anthony casse avec sa meuf de la semaine dernière, ou l'arrivée de un ancien canular, hein, de Toff, où il gueule en disant ils ont buté les deux, ils ont buté les deux. Voilà, donc à vous de dire. Et puis en attendant, il y a Flo qui est avec nous là. T'es là, Flo? Ouais. Bon, on se refait vite péter là, la colle de ce soir là, pour repartir avec l'iPod Nano. On donne la réponse dans trois quarts d'heure, on t'écoute. Vous jetez l'extérieur et faites cuire l'intérieur, alors que vous mangez l'extérieur et jetez l'intérieur, qu'avez-vous mangé? Voilà, si vous pensez avoir la bonne réponse, sachez qu'un iPod Nano, ça vaut quand même 180€ et peut-être pour vous. On propose un escargot pour Rémi? Non, c'est pas ça. Bon bah voilà, si vous avez la bonne réponse, facebook.com, vous tapez Mickaël officiel, vous nous rejoignez sur la page. Et puis si vous avez la bonne réponse et que vous passez l'antenne, ce sera peut-être gagné pour vous. On reste tous ensemble, Flo, tu restes avec nous. On aura Sephora dans quelques minutes, on aura Damien, on aura le son de Calvin Harris qui va débarquer avec Summer sur Fun Radio. Vous restez tous là. Mickaël No Limit, on est ensemble tous les dimanches soirs de 20h à minuit. Et également, et oui, il faut le signaler, tous les soirs de la semaine de 23h à 2h du mat sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S, suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël No Limit, de 20h à minuit sur Fun Radio. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël No Limit, de 20h à minuit sur Fun Radio. Ouais, et il est 21h52, on va se faire un petit canular dans quelques minutes. Je vous avais demandé de choisir celui que vous préfériez réécouter. Soit l'appel d'Anthony, c'était mercredi. Il voulait appeler son ex-meuf pour casser avec lui. Bon, ça a été un petit peu pénible, mais ça a été, on a réussi quand même malgré tout à y arriver à plusieurs appels. Soit le moment où Toff nous a fait un beau, ils ont buté les deux, hein, la toute première, hein, une histoire de cadavre avec Fred qu'on va récupérer dans quelques minutes. Il y a Manon qui dit je déteste le mec qui a inventé FIFA. Le Tanguy du web qui dit bonsoir la team, pour la première fois je vous écoute via le site de Fun et c'est génial, aucun bug, c'est parti pour la soirée. Ah bah c'est bien le Tanguy du web, fan de Fun, qui dit ils ont tué les deux, he's the best. Ouais, ils ont buté les deux pour Céline, ils ont buté les deux de Toff pour Hugo Rayo. Fan de Fun qui dit je veux réécouter aussi, ils ont buté les deux. GTR qui dit ils ont buté les deux, la mythique scène de cinéma. Dylan aussi, dédicace à mon frère qui est puni. Ah bah c'est qu'il a fait une connerie, Dylan, hein. Grosso modo c'est un petit peu ça. On va se l'écouter

Ok. Ciao les gars. Allez, à bientôt les gars, salut. Allez, ciao, salut. Bon, et si vous voulez faire un canular vous aussi, hein, on fait ça toutes les semaines sur Fun Radio, et ben il suffit de nous appeler 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique avec grand plaisir. Il y avait des messages qui est arrivé en disant là putain, il était violent ce canular. Attends, monsieur Paulo m'a fait n'importe quoi avec ma page sur le Facebook, je vois plus rien, c'est une horreur. Alors je vais y arriver hein, je vais y arriver. Bon, vous savez quoi, je lirai vos messages dans quelques minutes puisque là c'est un bordel. Ah oui, voilà, ça y est, c'est fait. Donc Virginie qui dit ouvre la porte là où je te défonce. Il y a Damien qui dit il est violent le canular, là je suis plié en deux. C'est quoi ce délire? Attendez, parce que là Polo m'a encore fait, parce que alors, j'aime Polo, c'est qu'il fait le ménage pendant que je lis les messages, donc du coup en fait je vois plus rien, il y a tout qui part de partout. Où est-ce qu'il est? Voilà, c'est quoi ce délire? Répétez des rires, Tof qui gueule, la Céline qui dit ah, ils ont buté les deux. Il y a Nono aussi, je suis plié. Maeva, moi je crois pas aux zombies, je crois aux fantômes. Ah bah très bien, bah alors on va en parler dans quelques minutes. Vous restez bien en direct sur Fun Radio. On va revenir, on est toujours au cœur d'une heure sans pub évidemment. Et on se met le son de Calvin Harris avec Summer maintenant sur Fun Radio. When I met you in the summer. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Bon, et restez bien sur Fun Radio hein, puisque je vous cale à suivre Iggy Azalea aussi avec Fancy. Donc restez bien sur Fun Radio, la 22h12, toujours au cœur du Nord sans pub évidemment. Il y aura aussi Gilo. Gilo et First Love. Et si vous voulez écouter quelque chose en particulier, demandez, vous êtes chez vous comme tous les soirs avec le hashtag Mickaël. Il y a Candice qui dit un petit message de bienvenue s'il te plaît. Et trop bien le canular. Putain, on s'était bien marré avec le canular. J'avoue qu'ils étaient lourds. Tu veux que je te défonce le cul, espèce d'enculé? Voilà Candice, t'as eu ton petit message de bienvenue en même temps. Céline qui disait que le canular était magique, je kiffe le canular, c'était des barres pour Manon. Salma aussi, mort de rire, le mec il est à fond dedans là, faut qu'il se détende. Bah non, mais il allait pas se détendre, son pote était en train de se faire buter là. The best fan of Mickaël qui dit Mickaël, la voix stressée du mec était énorme. J'avoue que l'auditeur était quand même très très bon. Ouais. Vrai, c'est vrai. Bon, pas aussi bon que moi, mais il était bon. Tu parles. Il y a Hugo Réo qui dit juste mythique le canular. En mode killer ce soir, GTR qui dit le meilleur canular de la révélation de Tof, on est au top. Nico qui dit je pense que l'on n'est pas les seuls dans l'univers. Donc je crois aux extraterrestres. Bah justement, on va en parler des extraterrestres. Je vous en avais parlé avant le canular. J'aimerais qu'on m'explique donc. Si les extraterrestres ça n'existe pas, si les zombies c'est que dans les films, pourquoi les scientifiques font des recherches? Parce qu'il y a l'armée américaine qui a reconnu avoir un plan en cas d'attaque de zombies. Ouais, mais donc c'est quand même, ils travaillent sur le truc. Et venez nous dire si vous y croyez ou pas, si vous y croyez pas d'ailleurs justement, à quoi ça sert tout ça justement. Dylan est avec nous du Mans. Salut Dylan. Allô. Allô, salut, ça va? Ça va nickel. Bon, tant mieux, alors tu voulais parler d'extraterrestres toi, t'en as déjà vu toi? Non, je voulais parler de zombies. De zombies, ah, ouais, c'est ça. Bon, c'est pas les mêmes. Ouais, c'est pas pareil. Bon, est-ce que t'en as déjà vu? Dis-nous tout. Tof, ça compte pas. Ouais, Tof ne compte pas. Oui, dans les films. Oui, non, bah bien sûr, dans les films. Mais dans les films, j'ai déjà vu plein de trucs. Moi, j'ai déjà vu des dinosaures dans les films. Ouais, moi aussi, j'ai vu World War Z. Hein. Et bah, on a aussi vu des voitures qui se transforment en robots et qui marchent et qui parlent. Donc, et puis, j'ai vu aussi des gens allés sur Mars. Ouais. Bah oui, bah, bien sûr. Bon, et non, mais sérieux, tu les as vus dans les films, c'est vrai. Mais est-ce que tu y crois? Croire, je sais pas, c'est un grand mot, mais en Amérique, ils ont créé une cellule de zombies. Oui, mais c'est ça, zombies, ouais. En fait. Exactement, ouais. Mais justement, si ça n'existe pas, pourquoi ils ont fait? Bah, c'est pour les films, à mon avis, ou je sais pas. Ouais, je sais pas si c'est pour les films, mais... T'imagines, les mecs, ils ont créé une cellule juste pour les films? Ouais, c'est ça, ouais. C'est bizarre. Bah je sais pas. Qui croit ici zombies, extraterrestres? Non, les zombies non, mais les extraterrestres, ouais, je suis sûr que même ils sont déjà là quoi. C'est juste que on a oublié de nous le dire quoi. Non, moi je crois qu'il y a une autre vie ailleurs, mais une autre vie genre des micros, enfin tu sais, des bactéries, tout le bordel, ça doit exister. Mais il n'y a pas des gens aussi parfaits que nous. Moi j'ai vu Star Wars et sur Tatooine il y a des gens. Ah oui, n'importe quoi. Polo, t'y crois toi aux extraterrestres tout ça? Pourquoi pas? Non mais moi je... Pourquoi pas? Parfait, bah. Non, mais qu'est-ce que tu veux? Mais... Résumons la situation. Très bien, Sandro, t'y crois aux extraterrestres? Pourquoi pas? Pourquoi? Non, mais quoi? Pourquoi pas? T'aimerais bien que ça existe ou pourquoi pas? J'aimerais bien, non, je m'en fous. Enfin, non, je m'en fous pas, mais. Non, peut-être qu'il y aurait un mec là-bas qui voudrait de toi. Non, ouais! Je me suis jamais posé la question, est-ce que j'aimerais ou pas? Ou peut-être que sur une autre planète, tu pourrais bouffer comme une vache sans prendre un gramme. Non, je préfère un mec. Ouais, mais tu pourras avoir les deux. Parce que si. Ouais, bah oui. Le mec est bouffé comme une vache sans prendre un gramme. Oui, peut-être qu'il regarde pas l'état de tes fesses sur les autres planètes. Peut-être que sur d'autres planètes, quand tu fais du sport, tu grossis en fait. Donc les gens font tout pour ne pas en faire. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire de sport sur les autres planètes. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire de sport sur les autres planètes. Avec l'apesanteur et tout, tu pèses moins. Hein, bah ouais, coup, mais ça dépend quelle planète, parce que t'as des planètes où il y a plus d'apesanteur qu'ici. C'est vrai. Donc à voir. Attends, il y a aussi Lino qui est avec nous là. Salut Lino. Oui, je suis là. Oui, bah moi, je me doute. J'ai vu la Dame Blanche. T'as déjà vu la Dame Blanche, toi? Oui. Ah bah j'ai enlevé la musique, mais finalement je vais la laisser. Alors, ouais, la moi aussi sur la carte du restaurant. Oui, oui, ouais, super, c'est drôle ça. Une minute au coin. Oh là, non. Ah si, si. Pendant une minute, tu vas au coin. T'as dit cette connerie comme ça pour ce soir. Bien pollué comme ça les. Bon, alors Lino, t'as déjà vu la Dame Blanche, c'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai vu, j'étais en voiture et j'ai vu quelqu'un en robe. Une dame en blanc. Une niche et transparente quoi. Ah, transparente. Que tu voyais à peine. Attends, tu la voyais à peine ou elle était transparente? Mais je la voyais à peine quoi. C'est... Donc tu voyais une ombre blanche? En gros oui. Ouais mais est-ce que t'es sûr que c'était ce qu'on appelle la dame blanche? Bah oui je pense oui. Parce que tu l'as vu en voiture comme ça en speed, tu t'es pas arrêté pour taper la discute? Ma chienne regardait à la vitre et elle a voyé et tout, elle était... Voilà. Et tu l'as vu où? Je l'ai vu pas loin de Bordeaux. Ah donc la dame blanche est là-bas. Ah d'accord. Mais il y a plein de trucs bizarres qui se passent ce soir. Hein. Ah bon? Vers Bordeaux tout ça et peut-être la dame blanche. C'est vrai? Non mais il y a peut-être des trucs qui peuvent faire peur. Ouais, hein. Ou des zombies ou des extraterrestres. Ouais, c'est possible là-bas, aussi. Ouais, là. Ouais. C'est possible aussi. Attends, Toff peut revenir. Ça y est, c'est bon. Hop là. T'as jamais vu la Dame Blanche, Toff? Non, jamais. Hormis la carte, tout ça, on a compris. Oui, la vanne de merde. Je l'avais déjà faite, celle-là. Ouais, bah, refaire. Non, j'ai jamais vu la Dame Blanche. Mais moi, j'ai jamais rien vu de ouf. Enfin, j'ai jamais vu comme Polo. Lui, il a déjà vu des trucs bizarres dans le ciel. Moi, j'ai jamais vu quoi. Bah, moi, j'ai. Qu'est-ce que t'as vu dans le ciel? Bah, je l'ai raconté là, l'espèce de boule en métal qui coule. Hein? Ben j'étais avec Mika. Ouais, de chez Bruno. Ouais, voilà. Et en fait, un jour, on est dans une ville un peu pourrie là-bas. Et en fait, on parle. On est là, on parle. Et tout d'un coup, on regarde comme ça. Et on fait une espèce de. Puis ça fait comme du. Tu sais, du métal liquide, quoi. Comme dans Terminator. Et ça tombe comme ça. Et il a couru, il a fait c'est la fin du monde! Bon, c'était un petit morceau de la Station Spatiale Internationale qui a fondu. Non, c'était trop flag pour être une... C'était vraiment bizarre, ouais. Non, c'est bizarre. Ouais, ça fait flipper, ça. Ouais, bah je peux confirmer. Attends, il y a aussi Kendrick avec nous, là, de Longwy. Salut, Kendrick. Et allô? Ça va? Ça va, ouais. T'es un doux, toi? Ouais. Ah bah ouais, toi, t'es bien doux, toi. T'as déjà vu des extraterrestres? Non. Bon, et est-ce que t'y crois? Franchement, non. D'accord, ok, très bien. Donc toi, tu comprends pas... Enfin, est-ce que t'espères que ça existe quand même ou pas du tout? Bah franchement oui, parce que vu l'immensité de notre galaxie, ça m'étonnerait pas quoi. Oui, qu'il y ait d'autres trucs qui existent, mais comme je dis, ouais, moi j'y crois aussi dans le sens où il y a certainement des bactéries, des trucs vivants, bizarres qui doivent exister, mais de là à avoir des humains, enfin pas des humains, mais enfin bon bref, l'équivalent entre guillemets quoi, ça j'y crois pas trop, parce qu'il faut tellement de trucs pour qu'on puisse arriver à exister, pour qu'on soit arrivé, etc., etc., que tu te dis que ça peut pas arriver deux fois quoi, c'est tellement improbable. Bah, il y a tellement d'improbabilités. Non mais d'accord, mais c'est tellement ouf quand tu regardes d'où on vient et qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé tout le bordel. Enfin, c'est quand même improbable, tu vois. Tu te dis deux fois, c'est quand même violent. Bah, ça, c'est quand même improbable. Mais pourquoi pas. Après, ouais. Je suis pas fermé. Je dis juste que ça paraît difficile. Mais bon. Bah, on sait pas. Peut-être que tu vois, il y a des mecs avec des grands yeux, des têtes allongées, oui, bah, trois peut-être, doigts ouais. Et comme et dans qui ressemble à des lézards. Dans Men in Black, oui, peut-être. Oui, Nino. Et aussi, j'ai déjà vu trois fois une soucoupe volante. Ah oui, d'accord. Ouais, dans le Happy Meal. Dans le ciel. Dans le ciel. Mais comment tu sais que c'est une soucoupe volante? Bah, je pense. Ah oui, donc tu penses, donc t'es pas sûr déjà. Parce que c'était rond, c'était peut-être un drone. J'ai sorti ma chienne une fois, j'ai regardé la vue, mais j'ai vu un énorme truc tout rond et avec plein de lumière. Ça fait assez peur et... Et à chaque fois, il y a ta chienne. Bizarre. Ah. Non, mais c'est une coïncidence, voilà. Oh, ouais. Des soucoupes volantes donc. Oui, oui. À Bordeaux. Oui, encore. Toujours à Bordeaux, décidément. Mais avant ou après les vendanges? Après. Ah oui, bah, ça explique beaucoup de choses. T'emmerdes pas, on a compris pourquoi. Il y a les émanations, tout ça, etc. Oui, bon, c'est bon, on a compris. Tout s'explique. Et évidemment. Bah, appelez-nous si vous avez déjà vu des extraterrestres. Voilà, c'est ça. Appelez-nous si vous y croyez ou pas, dites-nous. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Dylan, Kendrick et Lino, merci d'avoir appelé. Vous revenez quand vous voulez. Oui, Lino. Est-ce que je peux faire une dédicace? Eh ben, vas-y, il y a une personne, choisis la bonne. À tout le collège François Mitterrand. D'accord, eh ben on embrasse tout le monde là-bas. T'as prévenu tes potes que tu passes à la radio ce soir sur Fun? Oui, une amie, oui. Ah, très bien, good job. Salut à toi. Oui, Dylan, t'inquiète pas. Je dis juste au revoir à Lino d'abord. Salut Lino, salut Kendrick. Ah ouais, Michael. Ouais, Kendrick. Est-ce que tu peux mettre un son, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux? Black M, Jessica. Black M, ah oui, c'est toi qui avais demandé tout à l'heure, non? Non, non, c'était pas moi. Non. Alors, attends, je vais vérifier si je l'ai, je devais regarder. Attends. Alors, Jessica, hop là, voilà, ça y est, c'est fait. Et je l'ai pas. Ah bah voilà, comme ça, c'est arrangé. Hop là, attends, je vais taper Jessica. Attends, je vais regarder si je tape Black M. Hop là, Black M. Alors évidemment, je vais avoir les morceaux standards. J'ai sur ma route, j'ai pas Voshko. Et non, malheureusement, je n'ai pas Jessica. Ah, désolé. Alors, je peux faire une dédicace à la... Eh ben vas-y, bien sûr, à une personne, vas-y, choisis la bonne. Dédicace à ma copine alors. Ok, oh t'as déjà une meuf et tout toi, t'es beau gosse Kendrick là, pas mal. Eh, tu te la ramènes non? T'as déjà fait des bisous? Bah oui. Pas mal, avec la langue? Bah oui. Oh là là. Oh le beau gosse. Oh il se la ramène Kendrick. Oh il se la ramène. Bon bah salut Kendrick. Salut. Allez, à ciao, à bientôt. Dylan, tu voulais dire? Je vais savoir si tu peux avoir un petit cadeau. Oui, bah tu vas gérer Alexandro et je te repasse pour un pack fun sans problème. Avec plaisir. Okay, merci. Salut à toi Dylan. À bientôt. Salut. Ciao, bye bye. Il y a Damien qui est avec nous maintenant là. Salut Damien. C'est moi, salut Michael. Salut Damien, comment ça va? Ça va et vous? Très bien. Qu'est-ce qui t'amène, dame? Mais en fait, j'ai une autre question pour un appel malveillant pour Toff. Ah. Ah, mais c'est Damien. Ouais. C'est la star des appels. Quand on avait appelé ton père. Mais ouais, je me rappelle le coup de la pomme, moi. Ah bah oui, c'est ça, le coup de la pomme, le père, etc. Bah oui, bien sûr. Ouais. Comment il va, ton père? Bah il va bien. Il s'est remis des appels de Toff? Ben non. Enfin, de tes appels, en l'occurrence, puisque au final, c'est toi qui les avais appelés. Mais je sais, sauf qu'il est pas. Ah, il s'en vient pas, d'accord, ok. Il est parti au Maroc, c'est pour ça, en fait. Ah, il est parti au Maroc, d'accord, ok. Bon, bah très bien. Alors, quelle idée, Guillaume, là, pour un appel de Toff? Eh bien, en ce moment, les mecs, à chaque fois, ils baisent plusieurs femmes chaque jour, en fait. J'ai rien compris. Et quoi? En ce moment, les mecs baisent plusieurs femmes par jour. Ouais. Quel mec? Et je vais appeler pour savoir combien de femmes ils ont baisé. Oui, mais c'est pas toi qui dois appeler, c'est les appels malveillants de Toff, c'est pas les tiens. Je sais, c'est parce qu'en fait, je suis très canulariste, c'est pour ça. Tu es canulariste? D'accord, ok. Bon, attends, bah écoute, on va les appeler, on va en appeler un dans quelques minutes, d'accord? D'accord. Bon, alors attendez. Bouge pas. Donc c'est quoi l'idée? C'est quoi le thème? C'est comment... combien de meufs ont baisé. D'accord, ok, mais c'est comme ça, c'est très clair. Parce que j'avais mal compris avant, mais là maintenant je comprends mieux. Bon, Damien, reste avec nous. Comme t'es canulariste, eh ben on va appeler donc. Ouais. Ne vous étonnez pas si ça raccroche parce que. Ah bah non. C'est parce que le téléphone, il dure que 2 heures de conversation. Bah et alors, il y en a depuis combien de temps? Ah oui, 1h30. Attends, c'est quoi ce téléphone là? C'est un téléphone spécial 2 heures. Comment ça se dit que ton téléphone a un compteur et au bout de 2 heures il raccroche? Mais c'est un vieux téléphone que j'ai. Ah, c'est un vieux téléphone. Ah. Bon, écoute, ne t'inquiète pas, on fait ça juste après le son d'Ariana Grande, d'accord? D'accord. Bon. Attendez, je vais raccrocher, mais après, parce que sinon, ça raccrochera seul après. Non, raccroche pas, ça ne raccrochera pas, on n'est pas à 2 heures. T'inquiète, Damien, reste avec nous. On aura Clément et Guillaume pour réagir par rapport aux extraterrestres. C'est Sephora, on donnera la réponse à la colle de Flo. Flo, t'es là encore? Ouais. Bon, allez, vas-y, fais péter la colle une dernière fois. Après, on appelle le gagnant ou la gagnante. Vas-y, vas-y. Vous jetez l'extérieur et faites cuire l'intérieur. Alors que vous mangez l'extérieur et jetez l'intérieur, qu'avez-vous mangé? Voilà, si vous avez la bonne réponse, envoyez Mickaël par SMS. Hein, Mickaël est la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez jouer aussi sur le Facebook de l'émission. Vous venez nous rejoindre, tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre. Et puis, bah, en gros, c'est pas très compliqué. Hein, si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort, vous passez l'antenne, vous donnez la bonne réponse et c'est gagné pour vous. Si vous ne donnez pas la réponse, ce sera gagné pour Flo. L'iPod Nano, ça vaut 180€ et je vous l'offre. Dans moins de 5 minutes, Flo, tu restes avec nous. On va appeler, dans quelques minutes, grâce à notre canulariste, quelques personnes. On fera les appels malveillants également. Il y a Virginie qui dit il est très canularisme, mort de rire. Mathias qui dit l'Amérique, la zone 51, non, je pense qu'ils font des choses extraterrestres et tout. Et ils en ont dans leur base. Antonin qui dit arrêtez de vous faire flipper. Pépé les doux. Mais non, c'est des durs les doux. DJ Roms qui dit toutes ces histoires sont inventées par l'État, je pense. Il y a Maeva qui dit ah, moi par contre aux extraterrestres j'y crois pas. J'y crois parce que l'autre fois j'ai regardé les 30 histoires les plus mystérieuses et ça fait grave flipper. Et Romain qui dit je crois aux extraterrestres, pourquoi il y aurait pas une autre planète qui ressemble à la nôtre avec de l'eau et tout ça. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Maintenant ça paraît peu probable, mais why not. Moi les zombies j'y crois, c'est Noah, il y a The Best Fan of Michael qui dit les zombies ça existe, mais non, ça existe pas, mais l'univers est tellement grand que ça semble logique qu'il y ait de la vie dans l'espace. Et alors le Tangu du web qui dit je fais partie des premiers auditeurs et je viens de me rendre compte que je n'ai jamais eu de message de bienvenue, je veux un message bien hard. Bon, le Tangu du web, c'est bien parce que c'est toi. Alors attends, je vais t'en caler un petit là, puisque t'en voulais un. Tu vas en avoir un, qu'est-ce que je peux te mettre bien hard. Alors, oh celui-là est pas mal. Tu vois le bonhomme en face de toi ce qu'il va te faire. Il va te niquer toi et ta mère et puis ta bande de connards. Voilà, et puis sinon j'avais celui-là, je te mets une doublette. Allez, nique ta mère à la pute. Voilà, allez hop, 22h27, on est toujours au cœur d'une heure sans pub. Retour avec Damien Canulariste, on appellera des gens au hasard hein, dans quelques minutes pour voir s'il arrive à canulariser tout ça. Et puis 22h27, donc hein, c'est Ariana Grande, je l'ai promis depuis tout à l'heure. C'est Problème qu'on écoute, c'est Mickaël No Limite, 20h minuit le dimanche, 23h-2h tous les soirs de la semaine sur Fun. Le son d'Ariana Grande à l'instant, c'était Problème sur Fun Radio. 20h minuit. Mickaël. No Limit. Sur Fun Radio. Exactement, j'avais dit que je vous tiendrais au courant pour les matchs de foot là. Et les Diables Rouges, la Belgique, qui a donc Zlatan, hein, puisque 2-0 face et à la Suède. Il a joué, je crois. C'est un but de Lukaku et de Eden Hazard. Et puis bah la France, là pour l'instant, toujours 0-0. C'est la 70e minute de jeu. On vous tient au jus si jamais il y a quelque chose qui bouge. Aucun problème, chose promise, chose due. Bon, 22h30, alors est-ce qu'on fait d'abord les appels malveillants ou alors on prend le canulariste? Non, d'abord les appels malveillants. Bon, d'abord les appels malveillants. Ouais, parce que si je faisons derrière, d'abord le bas du tableau, quoi. C'est ça, si je passe voilà. Derrière, après je vais avoir honte, quoi. Bah, c'est ça. Bon, allez, c'est parti, on va parler de fouet. Oui, parce que donc on s'est rendu compte que depuis qu'il y avait eu 50 nuances de gris, ouais. En fait il y avait de plus en plus de gens qui s'essayaient au sadomasochisme. Exactement. Et forcément il y a des petits soucis, c'est que tout le monde n'est pas préparé à ça et donc il y a une augmentation des MST. Tout à fait. Et donc du coup on avait appelé hein, pour voir un peu comment ça se passe là-bas chez les gens, des numéros qu'on reçoit hein, via le mail de Tof, toph@funradio.fr. Et on appelle comme tous les soirs. Allez hop, c'est parti, 22h30, le canularis juste après, vous toutes et vous tous en direct. Allô, oui. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aimiez que votre mari vous mette des petits coups de fouet pendant que vous faites l'amour. Et je vous emmerde. Ah bah non, madame. Ah, si. Bon, au moins, ça mérite d'être clair. Hein, pour ah, le coup. C'était efficace. Hop, on va rappeler, c'est parti. Enfin, on avait rappelé du coup. C'est parti. Bon. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, je m'excuse, j'étais avec votre femme, mais on a été coupé. Écoute-moi bien, fils de pute. Oui. Et je vais te niquer ta grand-mère la chauve si tu continues à appeler. Pourquoi vous me dites ça, monsieur? Si tu dis-moi où t'habites et je débarque et je vais t'enculer ta mère. Depuis quand tu demandes à ma mère si elle aime prendre des coups de fouet et enculer ta mère? Monsieur, un peu de calme, enfin. Dis-moi où t'habites, fils de pute. Moi, je suis à Paris, monsieur. T'es à Paris, très bien. Dis-moi où t'habites à Paris. Alors, je suis 20. Note 20. Rue. Bayard. Alors, ça s'écrit B-A-Y. Bayard, 20 rue Bayard. Je vais te niquer ta mère. Voilà. C'est à Paris, RTL, monsieur. Fils de pute. Pardon ? C'est RTL, fils de pute, Bayard, oui. 20 rue Bayard. Oui, c'est ça, monsieur. Bah, va niquer ta mère. Ah, pourquoi vous me dites ça, monsieur ? Là aussi, ça a le mérite d'être clair. Hein. Voilà. J'adore. Voilà, donc on rappelle. Hein. Bah oui, on a pas le choix. Bah non, là, pour le coup, on peut pas faire autrement. C'est parti. Oui, allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Eh, hey, tu vas aller te faire enculer, mon pote, parce que si jamais je débarque, je te flingue ta gueule, moi. Tu peux être sur une radio, tu peux être sur n'importe quoi, on n'emmerde pas les gens. Si t'as des couilles, tu viens. Et là, tu vas voir le bonhomme en face de toi, ce qu'il va te faire. Il va te niquer, toi et ta mère, et puis ta bande de connards. Mais enfin, pourquoi vous dites ça, monsieur? Ouais. Mais il est parti, de nouveau, c'est pas grave. Bon, on parlera d'amour. Ah Ah oui. Eh oui, dans moins de d'une tendresse. Heure. Eh oui, dans moins d'une heure, on fera les derniers appels malveillants de la soirée. Il y a Virgile qui dit, moi je pense qu'il peut y avoir des vies extraterrestres, mais pas au point d'une invasion ou d'être supérieur. Il y a Pierre qui dit, moi je crois aux extraterrestres, ils existent. Vous avez le cousin de E.T. avec vous, c'est top. Et Brian qui dit, moi je crois pas trop aux extraterrestres, hein, mais je crois à fond dans les esprits, je fais du spiritisme et je peux te dire que ça marche. Bon, en tout cas, on va en parler. Je vais vous mettre un petit post aussi sur le Twitter et le Facebook pour voir un petit peu si vous y croyez aux extraterrestres ou pas. Et en attendant, il y a Damien hein, qui nous avait fait appeler son père à coups de pomme il y a quelques temps. Pour les plus fidèles, vous allez vous en souvenir. Pour les autres, c'est pas grave. Hein. Et là, il veut se lancer dans le canularisme. Oui, c'est ça ? Parce qu'il est canulariste. Ouais. Parce que tu es canulariste. Tourisme. Et tu veux, ouais, faire comme, tu veux faire comme Toff. Donc rappelle ouais, peut-être un petit peu. Voilà, rappelle peut-être un petit peu le thème. Eh bien, en fait, en ce moment, les mecs, ils baissent plusieurs femmes par jour. C'est ça. Et donc, du coup, évidemment, c'est ça. Ouais, du coup, c'est ça. Et bah, je vais voilà, demander exactement. À des personnes si ça leur arrive parfois de baiser combien ils ont baisé exactement, de femmes. Exactement, mais c'est vie. Parfait. Eh ben, écoute, eh ben, maintenant, c'est encore plus clair que tout à l'heure. Donc, ça, c'est nickel. Donc, on va les appeler, enfin, on va appeler quelqu'un maintenant au hasard, d'accord? Ouais, ok, ça marche. Bon, eh ben, écoute, allez, bouge pas de là. C'est parti, on y va, on appelle. Attends, ça sonne pas. Ouais, une seconde. Ah, voilà. Attends. Hein. J'espère que ça a décroché. Hein. Ah. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Ouais, allô. Oui, bonsoir. En ouais, fait, t'as vu l'heure pour... En fait, je vous ouais, t'as pour... vu l'heure. Oh, je te parle. Non, mais t'as vu l'heure, mais... Non, mais allô, quoi. Non, mais t'es... Moi, je vous appelle juste pour poser une question. Et vous m'envoyez chier. Non, mais franchement, non, mais allô. Oh, je t'ai pas envoyé chier. Je t'ai demandé si t'avais vu l'heure. Mais non, mais j'ai même pas vu l'heure, mais je vous appelle juste pour poser une question. Ouais, vas-y, c'est quoi ta question, bouffon? Eh bien, ta question, c'était pour savoir combien de femmes vous avez baisé par jour. Vas-y, ta grand-mère la chauve. Vas-y, dis-moi, ouais, tapis, je vais ouais. te niquer, là. C'est normal, j'ai même baisé tout le monde, même. Ouais, d'accord, mais t'as baisé qui? Eh bien, j'ai baisé... C'est toi qui as baisé plusieurs femmes par jour, c'est pour ça, en fait. Ouais, je sais pas, moi, je comprends pas, qu'est-ce que tu veux, là? Oh, moi, je vais niquer ta mère, hein. C'est pour ça, en fait, je vous ai vu sur une vidéo pornographique. Bah attends, il a raccroché. En fait, il va falloir que tu prennes des cours de canularisme. Ah, c'est pas facile, Apollo. Non. Je le rappelle. Ah, bah tu peux le rappeler, toi, directement. T'as, ouais. pas besoin de conseils, rien, t'en fous. C'est ça, t'as pas besoin de conseils? T'as pas besoin de conseils? J'en ai pas besoin, je sais. Qui gueule derrière? Bah, c'est des potes à moi en fait pour ça. Ah, c'est des potes et ils sont fans de ce que tu fais ou pas les potes? Ben en fait ils entendent du ça en fait. Bon, hey, Damien, 2-3 conseils. Faut que tu utilises le terme baisse tes morts. Ça marche, t'inquiète, je connais, c'est tout. Non, ouvert. Écoute-moi au lieu de parler. Baisse tes morts et pas de ça entre nous. Ça marche. D'accord. Allez, merde. Tu places ouais, ça et tu restes poli, correct. Et, ouais. Vas-y, straight. Direct. Grave. Straight to the point. Ok, allez, c'est parti. Allez, on rappelle. Allez, sois bon, hein. On rappelle le même, hein. Allez. Oh, allô. Oui, je m'excuse, on a été coupé. Oh, c'est encore toi, bouffon. Mais je t'ai pas dit d'aller niquer ta grand-mère la chauve. Non, mais c'est toi qui m'a niqué, t'es mort, ta mère, je l'ai vu en train de se baiser, t'es en train de... Écoute-moi bien, tu vas aller te faire enculer, tu vas baiser tes morts et tu vas aller te faire enculer. Ah, il est parti. Bon, ça s'est pas bien passé, hein. Damien, tu ne dois pas être agressive. Mais oui, toi, tu dois rester calme. Et tu l'insultes pas, le mec. Toujours dans la correction, le respect et la politesse. D'accord? Ouais, je le rappelle une troisième fois, ça c'est sûr. Bon, et l'amour de ton prochain, c'est ça qui compte. Allez, on le rappelle et sois bon, hein. D'accord. Allez, une dernière fois, si t'es pas bon, il faudra te rentraîner tout seul chez toi, hein, ok? Ça marche. Bon, allez, c'est parti. Allez. Ouais, c'est encore toi, Baltringue? Non, pas ça, entre nous, je t'appelle juste pour poser une question. Et vous m'envoyez l'air nerf. Non mais franchement. Vas-y, c'est quoi ta question, bouffon, là? Alors, Baltringue, qu'est-ce que tu fais? Ben en fait, je la passe entre nous, je t'appelle juste pour poser une question. Et vous m'envoyez... Vas-y, pose-la ta question. Mais Baltringue, t'es mort. Non mais ta question, c'est pour savoir en fait combien de femmes vous avez baisé dans votre vie. Mais qu'est-ce que ça peut te faire, bouffon? Mais ça peut me faire parce que je vous ai vu sur le porn. Va te faire enculer, va niquer ta mère. Et toi, va acheter mort, mais va niquer ta mère. Eh ben il a raccroché là. Damien, qu'est-ce qu'on t'a dit, putain? Faut pas que tu insultes, toi. T'as pas compris. Mais vous m'avez dit ça pourtant. Non, non. Il faut le faire dans la poésie. Respect du client. Dans voilà. La correction, tu vois. Il faut faire ça dans la poésie. Parce que des potes à moi, c'est pour ça qu'ils me poursuivent. Bon, écoute, alors ils on va réessayer. Ils courent derrière ou quoi dans ton appart? Bon, attends, on va réessayer une dernière fois, mais il faut que tu le fasses avec l'air du violon. D'accord. Est-ce que tu peux dire à tes potes de couper la radio également derrière parce que ça gueule sinon, ok? Ok, ça fait dans ma chambre. Allez, c'est parti, on y va. Ah bon, on rappelle. Bah, voilà, allez, 30 ans, on s'en fout, on démarre. Oh là là, il y a un ouragan là. D'accord. Alors, je sais pas où il est, mais il y a un ouragan. Pas de ça entre nous et baisse tes morts. Allez, et d'accord. Oublie pas, et il faut que tu chantonnes un peu avec l'air de la musique en dessous. D'accord. Allez, vas-y. Oui, allô? Oui, pas de ça entre nous, je vous appelle juste pour poser une question et vous m'ont raccroché au nez. Mais pas du tout. Quelle est votre question, monsieur? Je souhaiterais y répondre avec plaisir. Mais je vous appelle en fait pour savoir si combien de temps vous avez fait l'amour. Je ne comprends rien. C'est pour savoir. Pouvez-vous être plus clair dans la question que vous souhaitez formuler, monsieur? C'est pour savoir combien de femmes vous avez fait l'amour à chaque jour. Mais ça ne vous regarde pas, monsieur, enfin. Mais si, ça me regarde. Hein, vous me semblez un petit peu cochon, un petit peu cavalier, monsieur. Je sais, ouais. J'ai vu sur YouPorn. Parfois, je m'asturbe. Je m'excuse, mais quelle est cette chose dont vous me parlez? Mais en fait, je vous ai vu sur YouPorn en train de faire l'amour. Vous m'avez vu où ça, monsieur? Je ne comprends pas. Je ne connais pas cet endroit. Mais sur YouPorn, okay. Parce qu'en fait, je vous appelle pour savoir si combien de femmes vous avez fait l'amour. Oui, par jour. Mais je ne comprends pas, monsieur. Que me voulez-vous? Eh bien, en fait, je vous avais dit pour vous poser une question, c'est tout. Oui, et quelle est cette question? Mais c'est pour savoir combien de femmes vous avez fait l'amour. Mais, si mais enfin, ça ne vous regarde pas, monsieur. Enfin, soyez un petit peu... Est-ce que vous avez essayé le cunnilingus aussi? Mais tu vas dans... Non, alors attends, c'est moi qui ai raccroché cette fois, Damien, là. Tu vas dans toutes les... Toi, t'as pas une question à laquelle tu veux une réponse, tu proposes 150 000 questions. Bon, Damien. Ouais. Tu as été mauvais. Entraîne-toi encore et tu seras peut-être canulariste plus loin, plus tard. Et plus loin ça aussi. Marche. Mais pas aujourd'hui. Allez, salut Damien. Attendez, vérifiez la chaîne de mon compte Facebook. Vérifie la chaîne de ton compte Facebook. Vas-y, Damien, oui. Bonne vérification sur toi. Bon, j'ai pas très bien compris le principe, mais c'est pas grave. Allez, on va donner la réponse. Elle n'est pas qu'une canulariste qui veut. Hein. Ah bah, c'est un métier. Il y a Alison qui vient un peu chelou, le Damien, là, complètement fada. Célia qui dit, je vous écoute en prenant ma douche. Bonne douche, Célia. Cédric aussi, Damien le canulariste veut se lancer dans le canularisme. Ah oui, c'est pas facile tous les jours, hein, comme vous pouvez le remarquer. Alors, Flo, on va donner la réponse à la colle. C'est parti pour gagner l'iPod Nano, je l'avais promis tout à l'heure. T'es là, Flo? Ouais. Allez, et cache ta joie, Flo. Hein. T'es encore réveillé ou tu dors, là? Non, c'est bon. Ah bon, d'accord, ok. Allez, c'est parti. On appelle un gagnant, une gagnante éventuelle. Si la personne qu'on appelle donne la bonne réponse, elle gagne, tu perds. Si jamais ça ne décroche pas ou que la réponse est mauvaise, c'est toi qui gagne l'iPod. Alors. Allez. Flo, ça s'annonce bien. Pour l'instant. Pourvu que ça dure. Ah. Ça s'annonce très bien pour l'instant. 06. Ah, oh là là là là là. Attends, parce que ça se trouve. Ça se trouve, elle a laissé un message, la réponse sur le répondeur. Une fois votre message enregistré, ouais, alors attends, c'est ça. Allô, salut, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Il y a Flo qui avait une collette posée. Vas-y, Flo. Vous jetez l'extérieur et faites cuire l'intérieur. Alors que vous mangez l'extérieur et jetez l'intérieur, qu'avez-vous mangé? Alors, est-ce que le répondeur a la bonne réponse? Malheureusement non, ah, le répondeur n'a pas la bonne réponse. Et du coup c'est gagné. Bravo Flo. Quant au même moment, l'équipe de France met enfin un but à la 81e. Mieux vaut tard que jamais. Ah ouais, je sais pas du coup si c'est un beau but ou si c'est un but pas de bol quoi. Je sais pas. Donc attends, on le revoit le ralenti. Oui, bon, c'est un peu chaotique, mais il est dedans, c'est le principal. Bon, eh ben voilà, bravo, tiens, du coup c'est fait. Flo, l'iPod Nano est pour toi, félicitations. Comme quoi, finalement, le poseur de colle peut aussi repartir avec les cadeaux. La preuve, Flo, hein. Eh ben voilà, cache ta joie, Flo, hein. Si tu veux pas l'iPod Nano, on le reprend, nous, hein. Non, c'est parce que à côté, il y a des gens qui dorment, donc... Ah, d'accord, ok, très bien. Ok, bon, fais péter la réponse quand même, pour ceux qui se posaient la question aussi. C'est un épi de maïs. Un épi de maïs. Ah bah voilà. C'est vrai que j'avais vu quelques fois passer la réponse. Bon bah voilà, bah tant pis. Bah Flo, bravo à toi pour l'iPod Nano. Tant pis pour celui qu'on a appelé ou celle qu'on a appelé. On sait pas si c'est un garçon ou une fille. Je te fais une bonne soirée Flo. Et bah n'oublie pas de prévenir tous tes potes, hein, que c'est sur Fun Radio que ça se passe le soir dorénavant. Hein. Ok. Bon, salut Flo, à bientôt. Salut. Ciao à toi, bye bye. Bon, il y a Guillaume qui est avec nous maintenant de Marseille. Salut Guillaume de Marseille. Salut Michel. Salut, ça va? Et toi? Bah oui, tranquille, hein, pépère. L'équipe de France a gagné, tout, enfin a gagné. Ne nous emballons pas. Bon. Il reste 7 voilà. minutes encore, hein, tout peut se passer. Alors, tu suis un peu le match ou pas toi, Guillaume? Non, pas du tout, pas du tout. D'accord. Je suis en plein boulot et je rentre d'un bon week-end, donc du coup, non, j'ai pas suivi le match. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, alors, toi, tu nous appelais par rapport aux extraterrestres. Voilà, tout à fait. Moi, alors, je suis à l'écart parce que c'est un don qui me vient de mon grand-père. Et pas pour les extraterrestres, hein, pour les esprits. Et il faut pas trop rigoler avec ça parce qu'ils existent, ils sont présents. Qui ça? Les esprits. Ah, je croyais que tu parlais des extraterrestres. D'accord. Alors, les esprits sont réellement présents. Un corps, quelqu'un qui est mort, ne part jamais totalement de l'endroit où il est et restera tout le temps. Donc, il faut pas qu'on rigole avec ça parce qu'ils existent vraiment, quoi. Mais je comprends pas. Moi, je les appelle. Mais t'as déjà appelé qui? T'as déjà appelé quelqu'un que tu connaissais ou J'ai appelé mon grand-père. J'ai appelé un frère et un ami à moi qui avait perdu. Et la mère d'un ami à moi pour lui dire au revoir justement et ils étaient bien présents. Et là, quelqu'un a répondu? Ils ont répondu par les signes. C'est dingue, ils sont où là? Bah, ils sont morts. Ah, là, non mais là, dans le dans, mais, pour... dans quelle zone? Ah mais ils peuvent être partout, tes esprits peuvent être à côté de toi, je sais pas, t'es qu'à l'esprit de ton grand-père, t'es qu'à l'esprit de ta grand-mère. On est tous entourés de nos esprits. Hein. Mais ils vont pas au paradis à un moment? Non, ils sont toujours là, ils te surveilleront toujours, ils seront toujours à tes côtés, il suffit juste de les appeler. Alors mais moi je veux pas mourir, alors moi je pensais qu'il y avait un paradis où on est tous. Mais de toute façon t'irais pas, c'est que tu crois qu'il dit con lui. Alors là, mec t'irais voir Satan là, tout est rouge, tu vas voir. Après c'est une croyance, mais moi je sais que j'ai fait appel souvent à eux et. Attends, on peut demander l'avis de Sandro éventuellement pour voir ce qu'elle en pense là par rapport aux esprits comme je vois qu'elle était justement. Mais non mais attends mais je demande Oui. Hein, les esprits. Les esprits je flippe de ça. Ah ouais parce que Guillaume apparemment a déjà parlé aux esprits. Ah oui je l'ai eu. Mais ils font pas avoir peur. Ils font pas avoir peur parce que les esprits sont nos amis. Rendre des services, hein. Non mais j'ai plus peur mais j'ai l'habitude maintenant. Bah, en même temps elle avait à force de fréquenter Toff. Mais c'est ça, elle a un esprit tous les soirs à côté d'elle et puis ça se passe plutôt pas mal. C'est un une espèce d'ectoplasme un peu pur. Voilà. Il faut savoir que Toff est décédé en 1702. Oui. C'est ça. Et depuis l'air, il est là, il squatte quoi, voilà, non, mais, mode pépère. Non mais c'est vraiment sérieux, sérieux. Hein. Je veux dire, mais j'imagine. La dame blanche, elle existe. Avec elle beaucoup de chocolat. C'est drôle ça. Bon, attends, mais les autres, appelez-nous si vous avez déjà éventuellement vu ou parlé peut-être aux esprits là, comment ça s'est passé, bien ou mal. Appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bah Guillaume, merci beaucoup d'avoir appelé en tout cas. De rien. Et est-ce tu reviens quand tu veux. Bah vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Alors je vais faire une dédicace à mon bébé, à l'homme qui me rend heureux depuis quelques temps. Oh, voilà. Le message est passé, il n'y a pas de problème. Voilà, salut voilà. Guillaume. Allez, au revoir. Allez, à bientôt, bye. Ciao à toi. Il y aura Jonathan, il y aura Kevin, il y aura Coco, il y aura Clément, il y aura Mohamed, il y aura Isabelle. Tout ça dans un instant sur Fun Radio. On fera également tout à l'heure le match d'impro. Là, restez bien sur Fun Radio. On va en parler dans quelques minutes. Et puis à suivre, le son de Gillo aussi sur Fun Radio. Ça va arriver sur Fun Radio. Restez là. Je vous mets une heure sans pub dans quelques secondes. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Oh, Mickaël. No limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. J'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël nos limites dure longtemps, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, no limit, de 20h à minuit sur Fun Radio. Eh ben, je vous avais dit que c'était pas gagné, hein, que tout pouvait se passer. Et but du Paraguay, voilà, 89e, là, il reste 2 minutes dans le temps additionnel pour que la France tape un petit but supplémentaire. Alors autant vous dire que... Attention, il a pris... À la régulière. régulière. Et autant vous dire que ça y est. Ouais, il sait pas avec ça quand il y aura avec la Coupe du Monde. Je sais pas avec ça qu'on va gagner. De toute façon, c'est de la merde. C'est équipe de merde. Les joueurs, c'est de la merde. Et l'entraîneur, c'est de la merde. Etc. Etc. Etc. Bon, donc voilà. Donc ça va arriver d'ici 2 minutes hein, sur Facebook. Là, vous allez voir Facebook et Twitter. Bon, déjà, c'est en train de tirer là. Mais tout à l'heure, là, dès que le match va terminer dans 2 minutes 30, dans 2 minutes même, je pense que ça va y aller grave. Il y a Bia qui dit salut Mickaël, je vous écoute du Portugal, vous déchirez grave. Ah, bon night Bia. Il y a Fan de Fun qui tof, ne devait pas mourir à un moment. Bah si, en fait, il est mort. Mais c'est pour ça. Il est déjà mort. Il est mort en 1702, il faut le savoir. Il y a Linette qui dit aussi là, vous me faites peur des fois. Ah bon? Et Manon qui dit un message de bienvenue, s'il vous plaît. Bah oui, je vais t'en mettre un petit message de bienvenue. T'as mis au mot, t'as récupéré sous ton front, connard. Voilà. Alors, il y a Laura aussi. Moi, je ne crois pas aux extraterrestres. C'est encore de l'argent jeté par les fenêtres. Ah, de quoi? De faire les études là-dessus, ouais. Bon, bah, ça sert à perdre du temps et de l'argent. C'est Clément et Julien qui dit les extraterrestres, ça existe. Et les zombies, il peut y avoir un virus. Bon, ouais, faut pas... peut-être pas tout mélanger, mais bon, why not. Bon, en tout cas, on en parle. Voilà, 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique, surtout, n'hésitez pas. Et puis, est-ce que vous avez déjà eu une grosse loose pendant vos vacances? Quelques-unes. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Oui, oh là là, oui. Bon, je vous demande ça parce que je viens de voir le passeport d'un Chinois qui est resté en Corée parce que son fils avait dessiné sur la page de sa photo. Voilà. Donc je vais vous la mettre sur le Facebook. Le gamin s'est fait un kiff. Hein. Bon, c'est vrai qu'on ne reconnaît pas vraiment le mec. Hein. C'est comme si sur la photo d'un pote, tu vois, tu prends son passeport, tu lui mets une petite moustache, un peu de barbe, les cheveux longs, etc., ouais. etc. Donc du coup, bah, il est resté en Corée. Alors venez nous dire si vous avez aussi vous vécu des situations incroyables pendant les vacances. T'as vécu quoi toi, Taf? Il y a une fois on est resté coincé parce que enfin il y avait une tornade machin, on a dû être dérouté, on a dû se battre avec les mecs de merde, comment ça s'appelle, la compagnie aérienne, pour qu'ils veuillent bien nous mettre sur un autre avion. Ah oui, sinon... t'étais avec Polo, alors prenons la version de Polo pour voir si c'est de l'exagération ou pas. Ouais, on s'est pas battu en fait. Arrête. Non, c'est vrai qu'on était en galère et puis on a passé 150 fois la douane parce que je sais pas, on devait partir téléphoner, repartir. Et puis voilà, mais après on est parti, on a eu un beau vol, ouais, et puis après, on a été upgradé même. Ah bah voilà, moi avec l'explication de Toff, moi je m'attends à ce que... Non, il n'y a pas eu de fight. Il y a eu de la fight là. Non, on s'est pas tapé dessus, mais aussi on s'est engueulé avec les mecs au téléphone parce qu'ils voulaient pas nous mettre sur notre avion quoi. D'accord, ok, très bien. Bon, moi j'ai jamais eu de galère vraiment en vacances. Ouais, si, je suis tombé malade, ça oui, j'ai failli mourir en Thaïlande, mais enfin, hormis ce détail. Ouais, ou la fois où il a fallu te rapatrier parce que t'avais une Minerve. Ah oui, non, mais ça, ouais, d'accord, non, mais et ça la fait fois où tu es resté coincé à New York. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais bah, c'est dû à... sinon il a jamais eu de galère. Non, mais c'est dû à la météo, c'est pas dû à moi, bah, ou tu fait... vois. Ah oui, mais c'est une galère absolue. Ouais, c'est vrai. Mais moi j'aime bien les galères en vacances. Ah oui. Enfin, en retour surtout. Que tu vois, ça me permet d'avoir un peu de rab. Et voilà, c'est toujours bien. Donc appelez-nous si vous avez déjà eu des galères de vacances. Tiens, comme on est le 1er juin, on y arrive aux vacances là. Ouais. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Match terminé pour France-Paraguay. C'est donc 1-1 et c'était 2-0 pour les Diables Rouges face à la Suède. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Je ne sais plus. Oui, on va également se faire le match d'impro dans quelques minutes là. Hein, si jamais vous avez envie de jouer avec nous, il y a des casques DJ notamment à gagner. Eh ben c'est facile, il suffit de nous appeler maintenant 01 42 48 5000 pour la Belgique, 02 851 4x0. Le principe est très simple, vous êtes deux auditeurs, enfin une auditrice et un auditeur à l'antenne, on vous donne un thème, vous devez improviser sur ce thème et si vous êtes le meilleur, les auditeurs voteront pour vous, vous repartirez avec le casque DJ. Voilà, si jamais ça vous intéresse de jouer avec nous, on joue avant minuit, même d'ici une petite demi-heure même, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Jonathan qui voulait terminer aussi avec Clément et Mohamed sur les extraterrestres. T'es là, Jonathan? Ouais, je suis là. Bonjour, Fun. Ça va ou quoi? Ça va et toi, Jonathan? Ça va, tranquille. Comment tranquille, va la planète au Mars? Ça va. Bon, tant mieux. Alors, Jonathan, tu voulais nous dire quoi, toi, par rapport aux extraterrestres? T'y crois ou pas? Moi, perso, je me pose des questions. Ouais. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est vrai que des fois il y a des photos trucages ou quoi que ce soit. Ah oui, c'est même plus que des fois, je pense. Hein. Voilà, mais il y a certaines photos qui ont été prouvées comme quoi ce sont des photos réelles, c'est un trucage. Ouais. Et j'aimerais savoir si les gens ils y croient pas, comment ils l'expliquent. Ah mais parfois ils l'expliquent pas. Ouais, parfois ils l'expliquent pas. Après t'as des trucs aussi qui sont pas explicables. Mais moi j'y crois pas trop. Hein. Pour le coup, même des photos et tout, c'est genre le mec qui a trouvé un extraterrestre chez lui quoi. Mais la grande question c'est toujours ça, c'est si ça n'existe pas, pourquoi les mecs dépensent des fortunes pour envoyer des trucs dans l'espace, pour envoyer, ils ont envoyé plein de codes, ils ont des méga, des satellites surpuissants justement pour repérer ça. C'est ça la question. Ouais. Et c'est pour la curiosité, pour voir s'ils seront aussi trouvent quelqu'un. Mais ça n'existe pas. Non mais on ne sait pas. On sait qu'on en a jamais vu, mais on ne sait pas si ça existe. On suppute. Bah oui. Bah voilà, enfin, nous. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui en ont déjà vu et qui le savent. Ah oui, ça c'est possible aussi. Ou peut-être ils sont morts. Mais juste pour revenir sur les photos, il y a. Tu sais, je sais pas si vous voyez celle qui est dans X-Files. La I want to believe avec la soucoupe qui est dans machin. En fait, les mecs qui ont pris cette photo ont avoué qu'ils ont jeté une assiette en l'air. Mais oui, mais bien sûr, mais c'est ça. Il y en a plein après qui avoue la supercherie. Attends, il y a Mohamed aussi qui est les mecs, ils ont mis 50 piges quand même. Bah, c'est vrai. Il y a de Mulhouse. Salut Mohamed. Salut Michael. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Très bien. Bon, bah je t'en prie Mohamed, bienvenue. Alors, toi tu voulais réagir aussi par rapport aux extraterrestres? C'était aux zombies, mais attends, aux extraterrestres aussi si vous voulez. Oui, bah nous on veut rien, nous, après comme tu veux. Qu'est-ce que tu voulais dire Mohamed? Bah oui, bah déjà pour les zombies, hein, bah pour les zombies, bah c'est probable qu'on puisse en avoir plus tard, pourquoi pas. Bah, par exemple, je sais pas, ça peut se propager par des maladies, par exemple la nourriture ou je ne sais quoi. Ouais. Ah oui. Mais comment te dire? C'est dans Call of Duty, ça. Ouais. Oui, ça peut être dans Call of Duty. Non, mais je... On sait pas comment ça peut arriver, mais ça n'existe pas. Oui, c'est ça. Moi, ça, pour le moment, peut-être ça n'existe pas, oui, mais pas plus tard. Peut-être qu'un jour, on sera tous bouffés par les extraterrestres. Bah, peut-être, mais en attendant, pour le coup, ça n'existe pas. Donc, oui, on peut voir. Mais en même temps, des trucs qui n'existent pas, on peut imaginer plein de trucs de la manière ça pourrait arriver. Bah oui, mais bon... Bah, il y a eu plein de maladies, par exemple, aujourd'hui. Regarde, en 1491, on savait pas que les Américains, ça existait. C'est qu'ils bouffaient des Big Mac, non. etc. Dire, en longueur de journée. Vrai. On savait pas tout ça. Je veux dire, voilà, non, mais avant. Bah, il y a eu le sida, il y a pas longtemps, quoi. Le sida, il a été créé il y a pas longtemps, admettons. Bah, admettons, oui, parce que mélanges tout, là. Ouais, t'es en train de tout mélanger, là. Pardon, non, excusez-moi, attendez. Bah, plus tard. Bah, il y aura peut-être des maladies qui vont, je sais pas, nous transformer en zombies. Oui, ou alors il y a peut-être des maladies qui vont transformer Toff en beau gosse, on sait pas. Ça, ce serait bien. Ouais, qui ferait cette maladie? Non, mais il y a plein de trucs. Bah, à ce moment-là, tu pars sur tout. On peut refaire la nuit. Hein. Ouais, t'imagines, il y aura peut-être une maladie qui transformera les humains en statues. Ouais, mais c'est, tout est possible. Hein. Voilà, et on bougera plus. Bah autant, par exemple, les Américains, ils prennent de l'avance là-dessus, quoi. Ah oui, bah ils sont en avance, les Américains. Ils en sont c'est eux qui avaient lancé le Big Mac en premier, ouais. Le Coca-Cola vient de là-bas. Ouais. Le Zéro aussi, le Pepsi, tout vient de là-bas. La Grèce. Vous dites que je mélange tout, vous mélangez tout. Mais non, mais bon, mais attends, mais on rigole, mais je veux dire, c'est parce que c'est tellement improbable. Attends, demandons l'avis de Jonathan, il est avec nous, tiens, Jonathan. Ouais. Bon, ouais. Est-ce que t'as un avis à donner là-dessus? Hein? Est-ce que tu as un avis à donner sur Mohamed? Moi perso les zombies, voilà, c'est pour le youth, quoi. Moi perso j'y crois pas, quoi. C'est de la connerie, quoi. Non mais moi non plus, hein, pour le coup. Non mais que ça puisse arriver avec un virus à part dans Colosse. Non, je pense pas, non, parce que ça serait vraiment un truc extraordinaire, mais non, moi j'y crois pas. Non. Voilà, et peut-être qu'avec un virus, l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, on sait pas. Ouais, voilà, ça serait. Non, mais, tu vois, un truc comme ça et paf, le truc il arrive, on peut pas savoir. Bah, oui. On peut pas. Après, voilà. Tu dis Mohamed? Ah oui, au niveau des extraterrestres aussi, il y a eu une planète qui a été détectée. Pas pour des extraterrestres, mais pour. Il y a eu quoi? Une perruque? Une planète. Ah, une planète? Une planète. J'ai compris une perruque. Qu'est-ce qu'ils me racontent? Ils ont détecté une perruque dans l'espace. Et qui est identique à la Terre, quoi. Identique, oui, ça c'est vrai. Il y a même de l'eau dedans. Ouais, mais alors le problème, c'est qu'on l'avait. On avait essayé de calculer le truc, mais je pense qu'il y a... Ouais, on a un moment avant d'y arriver, quoi. Ouais, on a avorté l'idée, hein. T'imagines, juste pour calculer la distance, enfin le temps qu'il faudrait, on a abandonné, parce que ça se comptait en milliards d'années, si mes souvenirs sont bons. Enfin, je sais pas, on a mis 3 jours à faire le calcul. Hein. Après, faut se dire, dans tout l'univers, l'univers, il est immense. Il est infini. Ouais. Allô? Oui, bah, c'est le concept de l'univers, il est infini. Il est infini, bah, ouais. Bah, il est infini. Bah, faut dire qu'on n'est peut-être pas les seuls, quoi. Non, mais ça, ça n'a rien à voir, ça. Moi, je dis pas le contraire. Je dis pas qu'on. Peut-être qu'on n'est pas les seuls. Moi, je pense à des vies extraterrestres, mais genre des bactéries, des trucs comme ça. Je pense pas qu'il y ait d'autres styles d'humains, par exemple, ailleurs. Non, mais on sait pas. Tu n'en sais rien. T'as jamais vu. C'est pas vu, mais il y a d'autres univers. Il y a d'autres. Voilà. Oui, mais tu n'as pas vu. Tu ne sais pas. Tu imagines, tu penses que... Bah, faut se dire aussi, est-ce que tu n'as pas vu... qu'est-ce que je veux dire Est-ce que je n'ai pas vu que je n'ai pas vu de Martien, c'est ça? Que lui-même n'avait pas vu. Voilà, oui, bah, exactement, voilà. Je n'ai pas vu que je n'ai pas vu. Mais en même temps, il est plus logique de se dire, bah, ça, je n'ai pas vu donc ça n'existe pas, que se dire, ça existe malgré que je n'ai pas vu. Tu ne peux pas savoir. Ouais. Bah, en fait, non, je vais vous dire la vérité, moi j'en ai vu, ils m'ont vu, ils sont partis. Voilà, c'est ça, en fait, c'est à cause de toi. Enfin, ils ont fui la terre. Exactement. Bah complètement, ouais. Bon, bah en tout cas, merci d'avoir avancé, d'avoir fait avancer ce débat qui n'a ni queue ni tête comme Toff. Oui. Voilà. Je pourrais avoir un petit cadeau, s'il vous plaît. Eh ben, on va te l'envoyer, mais ça viendra de Mars. On prend pas de temps, quoi. Enfin, on t'offre un aller-retour sur Mars. Exactement. Ça prend combien de temps à en avoir un? De quoi? Les cadeaux, ça prend combien de temps? Ah bah venant de Mars, là, ça va peut-être prendre un peu de temps, là, je pense. Hein. Non, mais tu vas retourner chez Sandro, on va te filer un pack fun, Mohamed, y a pas de problème. D'accord, c'est quoi un pack fun? Et enfin, y a quoi dedans? Je sais pas, ça dépend des jours, il y a des moments où il y a des casques, parfois il y a des CD, ça dépend, oui, aussi, oui, exact, ouais. Tout à fait. Bon voilà Mohamed, on va t'envoyer tout ça, ouais, tu vas gérer ça avec Sandro. Je t'en prie. Salut Mohamed, à bientôt. Merci Jonathan d'avoir appelé. Hein. Mike, y'a moyen de passer une petite dédicace, s'il te plaît? Eh ben vas-y, y'a une personne, choisis la bonne. Ouais. Ben je fais un gros bisou à ma beauté qui est sur Marseille, elle te reconnaîtra. Eh ben le message est passé, y'a pas de soucis. Salut à toi Jonathan, à bientôt. Hein. Allez, ciao, à bientôt. Ciao, à bientôt. On a Isabelle avec nous également maintenant là. Salut Isa. Salut. Comment ça va Isabelle de Paris? Comment? Je dis comment ça va Isabelle de Paris? Ça va bien, merci vous. Bon oui, très bien Isabelle, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi? Ben, en fait j'ai ma copine pose caca qui a envie de chier, on est dans les bouchons. Comment ça t'as ta copine pose caca qui a envie de chier? C'est-à-dire que quoi, elle a mal au bide? Mais quel bouchon à 23h? Ben, en fait on rentre de Vendée là. Ouais, mais où il y a des bouchons où ça à 23h? Ben, en Ile-de-France. Ah c'est bouché là? Ouais. T'es sur quelle route? La 10. La 10, elle est bouchée à 23h. Mais donc, putain, bah bonne chance, hein. Bon courage à tous ceux qui sont sur la 10, là, en train d'essayer de remonter vers Paris, là. Bah oui, mais quelle idée d'aller en Vendée aussi, là, pour le long week-end. Ouais, sinon, je voulais juste les rassurer, il y a que sur la 10 qu'il y a des bouchons. Ah bon, bah voilà, alors ça va. Vous voilà rassurés. Mais juste une question, pourquoi vous arrêtez pas sur le côté et qu'elle elle chie une petite pendule sur le bas-côté? Tranquillou. Ah, si. Sinon, voilà. Sinon un papier journal et dans la voiture et vous balancez. Elle te chie dans les mains, tu écopes. Oh. Mais non, mais si c'est la meilleure solution. Alors je mets au défi de trouver une meilleure solution. Oh super. Non mais voilà, après, pourquoi elle fait pas ça? Pourquoi tu fais pas ça Margot? Je suis pas n'importe où, elle a dit. Ah bah oui, mais bon, il y a un moment, oui, mais là elle a pas le choix là. Regarde ton caca. Hein. Est-ce qu'elle a mal au bide ou pas? Elle arrête pas de péter, elle nous laisse des caisses depuis tout à l'heure. Là. c'est tellement glamour. Parce que là t'imagines Isabelle, Margot, deux filles, machin, etc. Tu te dis bon non, allez, ça doit être sympa, ouais. Ça doit être joli. Et puis là, elle arrête pas de péter depuis tout à l'heure et tout, ça pue là. Ouais. Envie de chier. D'ailleurs, pour qu'on se mette bien en situation, Margot, combien. Enfin Isabelle, combien mesure Margot? Quelle est la taille du caca? Combien mesure Margot? Du caca, inestimable, c'est pas. D'accord, mais je demandais donc combien mesure Margot? Combien tu mesures Margot? 1m55. Combien pèse Margot? Combien elle quoi? Combien elle pèse? Combien tu pèses? La merde déduite, hein. 50 kilos. Combien? 50 kilos. D'accord, quel est son tour de poitrine? Non mais dis donc. Non mais c'est à titre médical, hein. C'est juste pour bien se rendre compte. Elle ne veut pas dire. Non mais dis-nous toi. Bah dis-nous toi, tu le vois. Donc t'es une copine, t'as jamais vu son soutien-gorge? Mais je peux te dire mon tour de poitrine si tu veux. Bon, allez, vas-y. Ce sera pour ton tour après ça. Bon, je sais pas, elle doit faire du 90, je sais pas. 90 quoi? B c'est? Oui, B. B, et la taille dans les pantalons qu'elle a acheté? Avant de chier dedans? 36. 36, ah ouais. Ah ouais, ouais. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Ben voyons l'autre. Oui, mais qu'est-ce qu'elle est bonne, mais en train de lâcher des grosses caisses. Ah oui, bah là, oui. Alors Isabelle, combien mesures-tu? 1m55. Ah oui, donc c'est deux petites tailles alors. Ouais. Mais on vous voit au-dessus du pare-brise ou pas? Alors quel est ton poids? 60. Ah oui. Quel est ton tour de poitrine? 95. 95? Oui. Et la taille des pantalons que t'as acheté? 40. Ah ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'elle est con alors. Bonne. Bon, alors du coup, là, vous êtes coincé dans les bouchons. Bon, bah écoutez, alors restez avec nous. On va se mettre le son de Iggy Azalea avec Fancy. Et puis on vous reprend juste après pour voir si ça avance un peu. Vous êtes à quelle bande kilométrique là? Vous voyez ou pas? Aucune idée là. On parle de kilomètres. Non mais c'est marqué sur le côté là. Il y a la bande kilométrique. On voit pas, on roule à allure d'escargot là. Ah, c'est oh, ça, là, elle là. Voit pas, elle arrive pas au-dessus du pare-brise alors forcément. Ah mais c'est ça. Bon bah restez là les filles, on va vous reprendre dans quelques minutes. Et puis on se fait, bah je l'ai promis, au cœur du Nord sans pub, Iggy, Azalea, Fancy. On fera le match d'impro après aussi. Appelez-nous pour jouer, on est ensemble jusqu'à minuit sur Fun. Bonne nuit tout le monde. First things first, I'm the realest. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirez. Mickaël nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 20h à minuit sur Fun Radio. Et toujours en direct au cœur du Nord sans pub, il est 23h11 sur Fun Radio, c'est Mickaël nos limites, 20h minuit le dimanche, 23h-2h tous les soirs de la semaine. Il y a Thomas qui dit ici, il y a plein de galaxies, mais il faut que Toff soit dans la nôtre. Oui, bah oui. Et la faute à pas de bol. Hein. Julien aussi qui dit Mickaël, quel chie sur la moquette. Ah oui, c'est par rapport à. c'est par rapport à Isabelle et Margot, la copine. Bah oui, tu peux essayer sur la moquette. Du coup, elles sont coincées sur l'A10 en train de revenir de week-end. Et bah, il y a Margot là qui est dans les bouchons avec Isabelle. Et donc, sauf que Margot a un petit problème de. D'intestin. Voilà, c'est vrai. C'est vrai, elle est pas un petit problème. Tout est léger, c'est léger. Mais heureusement, nous avons Olivier qui voulait réagir. Olivier qui est avec nous de Brest. Salut Olivier. Non, en fin de compte, c'est pas moi qui va parler. Ah, c'est qui? Bah, je regarde le match avec mon pote Bernard, il est routier international. Ouais, et alors? Il connaît la radio si tu veux, mais je te le passe. Attends. Bon, bah, passe-le nous alors. Mais le routier spécialise dans le caca. Oui. Le match est terminé depuis un quart d'heure maintenant, mais enfin bon. Bon, allô. Ouais, il regarde en différé. Allô, le collègue? Oui, c'est Bernard. Ouais, Bernard. Bon. Au nom de Dieu, les filles là, elles sont cons, quoi. Pourquoi? Eh putain, nom de Dieu, moi je fais de l'international depuis 22 ans. Ouais. Quand t'as envie de chier, bordel de merde. On dirait Sarkozy. Bordel, moi je m'arrête. Je vais dans un champ, je me mets en sécurité, et je fais caca. Elle a qu'à ouvrir sa porte, se cacher son cul, la porte, et elle fait caca. Bah oui, t'arrêtes sur la bande d'arrêt d'urgence, on l'a proposé sur Twitter aussi, là. Tu as toujours des herbes, tu n'as pas de papier. Et voilà, oui, des herbes. La solution, elle n'est pas dure. En plus, là, t'es tranquille, on est en printemps, presque l'été, il y a encore plein de feuilles sur les arbres, t'as qu'à les ramasser. C'est Michel, ton prénom. Non, moi, c'est Mickaël. Mickaël. Nous, t'es resté coincé dans le canular. Nom de Dieu, mais c'est pas croyable, les femmes. Les femmes, elles ont besoin des hommes. Comme les hommes ont besoin des femmes. Mais je te le dis, j'ai été à Torino. Non mais attends, c'est quand même pas ta voix naturelle, ça, quand même pas. Mais c'est ma voix, mais je suis. On dirait un mauvais imitateur d'un, tu sais, qui imite Sarkozy ou tu non, vois. Je te le dis. Bah oui, je te le dis. Mais je te le dis. Mais oui. Non de Dieu, mais je suis mauvais. Mais je fume trop. Au volant, j'ai tendance à fumer. Bon, et c'est comme ça. Oui, mais je vois pas le rapport avec les toilettes, cela dit. Eh, Bernard. Oh. Bon, dis-moi, t'as quel âge là? Moi, j'ai 47 ans. 47. Bon, bah très bien. Bon, Isabelle. Oui. Bon, tu peux peut-être dire à ta copine là que vous allez vous arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Hein, ça me paraît un bon plan. Elle met la porte devant elle et elle fait caca. Bah voilà, bon. C'est ça. Passe-moi Isabelle. Tu gères un peu. Bon, Bernard, mais en même temps, tu l'as déjà eu. C'est pas Isabelle le problème. Isabelle. Mais tu. Bon, allez Bernard, vas-y vite là parce que tu vas saouler avec ta voix. Isabelle. Isabelle. Arrête ta. Tu vas voir que neuf fois sur 10, il va dire de la merde. Oui. Tu te mets sur la bande des gens et tu fais caca. Tu mets ta portière devant toi d'abord. C'est Margot. Tu te suis avec les herbes, tu n'as pas de papier. Et toi, on l'avait déjà. Et après, tout ira bien et tu arriveras plus vite que tu le penses. Eh ben voilà le conseil, Isabelle. Hein. Bon conseil. Bon, en même temps, on l'avait déjà dit, hein, donc il a juste répété, Bernard. Là. Bon, Isabelle. Oui. Bon, il y en a pour combien de temps là encore de bouchons? La toffe là, bison futé là, comment mais ça se passe? C'est pas long, ils sont aux Ulysses, il y en a pour 10 minutes même pas. Ben 10 minutes là, Isabelle, là, courage. Enfin, oui, Margot plutôt, courage. Oui, merci. Depuis combien de temps elle est en train de se retenir là? Depuis combien de temps tu te retiens là, le cul? Est-ce que tu as fini de manger? Bon, ça va faire une heure là. Ah oui, quand même. Ah ben, bah bon courage alors. Non, mais une fois que vous avez passé les Ulysses, ça roule. Ça va bien se passer, vous allez voir, ça va être cool. Tranquille, ça va bien se passer, vous allez voir. Ayez confiance. Bon, continuez à écouter l'émission, on est jusqu'à minuit, hein, donc du coup, j'espère qu'on vous fera pas chier. Bah non, tiens donc. Bah voilà. Bon, salut Isa, salut Margot. Salut. Allez, gros bisous. Et salut à Bertrand, à Bernard également et Olivier, là, qu'on va repasser chez Sandro au standard. On va se faire le match d'impro dans quelques minutes avec Julien, avec Mélissa. Et puis, il y a également Jimmy avec nous, là, de Poitou-Charentes. Salut Jimmy. Salut. Comment tu vas? Salut. Ça va, très bien. Bon, bah tant mieux, bienvenue à toi. Bah, alors, toi, oui, tu voulais réagir par rapport aux galères en vacances. J'ai mis la photo du passeport du chinois, là, du mec chinois qui s'est fait, qui a dû rester en Corée du Sud parce que son fils a décidé de faire quelques dessins. Rien de grave, hein, on voit quasiment plus rien du passeport, mais allez voir. Et j'aime bien la main avec le fuck aussi, qui est sympa pour le douanier, il doit bien rire. Ouais, ils ont dû kiffer. Ils ont bien dû kiffer. Donc je l'ai mis sur le Facebook et le Twitter. Allez la voir, tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre. Alors Jimmy, c'est quoi les galères de vacances que t'as eu toi déjà? Bah moi en fait j'étais au Maroc avec ma famille et en fait on avait la plage pas loin. Donc je m'habille en short blanc, haut blanc aussi, enfin pas bien quoi. Ouais. Et là après bon, on arrive à mi-chemin parce qu'on y va à pied. On est arrivé à mi-chemin et là j'ai la diarrhée, je suis dans mon froc et tout est noir. Oh, t'es un bon, c'est bon quoi. Ça. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. En plus, quelle idée de mettre des trucs blancs, c'est le pire. C'est-à-dire que tu fais des tâches avec tout. Il fait chaud, hein. Oui, non mais d'accord, mais tu peux mettre un truc d'une autre couleur, t'es pas obligé de mettre du blanc, ça sera pas plus frais pour autant. Je dis ça surtout parce que dès que. Bah déjà, effectivement, si tu chies dessus, c'est un drame, mais surtout. Tu fais n'importe quelle tâche, le truc est mort. Ouais, quoi. C'est ça, c'est, on voit que ça, quoi. Ah, on voit plus que ça, donc, donc c'est difficile, là. Et ouais, du coup, comment t'as fait pour t'en sortir, là? En fait, on a fait demi-tour, et puisque j'avais un sac, je l'avais caché avec un gros sac. La tâche qui était... Ah, t'as caché... Derrière. Ah oui, d'accord, ok, t'as caché l'arrière avec un gros sac. En même temps, ouais. Ça devait être super pratique pour marcher avec la petite position à l'intérieur. Hein. Ouais. Oh la grande classe, putain, oui c'est une belle galère. L'avantage avec le short c'est que tu peux le faire tomber quoi. Oui aussi, ouais effectivement. Ouais dis-moi. Ouais mais je suis déjà passé aussi, si tu te souviens pas de moi. Non je me souviens pas Jimmy, mais il y a beaucoup de monde qui passe hein, mais c'est bien, t'avais appelé pourquoi? J'avais appelé pour, tu sais, des personnes qui dorment. Oui, on dort tous, vous savez ça. En fait, tous les soirs, des personnes qui dorment, c'est-à-dire. Non, mais les personnes qui dorment d'une façon en caleçon. Ah oui, je me souviens, on en avait parlé. C'était un jeudi, il me semble, oui. On avait parlé de ça, effectivement. Et tu dormais comment, toi, Jimmy? Moi, je dormais en caleçon, la fenêtre ouverte. Et avec un petit peu de merde dans mon fut. Oh, j'adore dormir comme ça, en confort. Non. Et je dormais par terre souvent parce que le lit était souvent trop petit. Ah oui c'est vrai, oui, parce que monsieur il a besoin de beaucoup de place hein, pour dormir, du coup il dort par terre. Au moins t'es tranquille, t'as assez de place comme ça, c'est voyons le côté positif. Bon bah merci Jimmy en tout cas d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux. Ok merci, et je peux passer une dédicace. Bien sûr, vas-y Jimmy. Bah je passe une dédicace au collège Arsène Lambert, plus à ma famille et, ben voilà. Et à vous aussi. Et tu les as prévenus au collège là que tu passes à la radio? Bah non, pas forcément, j'étais bien. Ah bah bravo. Eh bah il fallait là, Facebook, Twitter, hop, un petit SMS, t'envoyais, tu prévenais tout le monde là. Ah là là là là là là là là. Il faut les prévenir. Si c'est des vrais amis ou c'est de la vraie famille, il faut les prévenir. Il faut. Parce qu'ils sont peut-être pas censés savoir qu'il y a autre chose qui existe. Du coup, ils écoutent des émissions de merde et donc forcément ils s'abrutissent. Non mais t'inquiète, j'en ai prévenu plus d'une dizaine maintenant sur Fun Radio. Eh ben, c'est plus d'une dizaine d'auditeurs que je vais amener. C'est parfait Jimmy, tu mérites un petit message de bienvenue que je vais te mettre directement. Un violent ou pas? Comme tu veux. Comme je veux. Alors, attends... Oh, bah j'ai celui-là qui est pas mal. Eh man, j'étais mort, gros PD, je vais t'enculer, fils de putain de bâtard, t'es mort. Bah. Voilà, celui-là, il était un peu violent quand même, effectivement. Oui. Bon, je n'ai rien contre ta mère, bien entendu, Jimmy, là va de soi. Je te souhaite une bonne nuit, Jimmy. Merci en tout cas pour les nouveaux auditeurs. Et puis à bientôt, Jimmy. Ciao à toi. Merci, à bientôt. Bye. Il y a Pierre-François avec nous également, de Brive-la-Gaillarde. Salut, Pierre. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bon oui, ça va, tranquille. Alors Pierre, dis-moi, qu'est-ce que t'as eu comme galère de vacances? Alors moi, je me suis pété la main. Ah c'est bien ça aussi. Ah ouais, c'est cool, ouais. Sorti d'apéro, j'ai voulu faire le malin devant mes potes, j'ai donné un coup de poing dans le mur. Mais t'as fait le malin, pourquoi t'as voulu faire le malin en tapant le mur? Bah il a voulu montrer qu'il était fort, quoi. Voilà, c'est ça. ça c'est la technique des abrutis ça. Ouais. Les mecs veulent faire les malins, ils se la racontent, ils tapent dans le mur, et ben le mur est plus fort. Le mur est toujours plus fort, sauf si c'est du placo. Et encore. C'est le lendemain matin que je m'en suis rendu compte que ma main était cassée. Ah bon? Ouais. Ouais, parce qu'il était tellement bourré qu'il s'est rendu compte. Oui, c'est ça, c'était bourré. C'est comme les mecs qui sont vénères sur leur meuf ou j'en sais rien. Ils s'énervent et ils tapent dans le mur. Mais qu'est-ce que tu peux être con à faire ça? Donc du coup j'avais ma main. Qui casse leur téléphone? Oui, ou qui casse leur téléphone, c'est genre ça va arranger les problèmes. Mon os était plié en deux en fait. Ah oui, quand même. Ton quoi? Son os. Mon os. Mais la cinquième métacarpe. Ah ouais, et là le mur il t'a fait un gros fuck, non? Il t'a dit, ouais, espèce de bâtard, la prochaine fois que tu me touches, je te tue carrément. Là. C'est ça. Et ça, c'était l'année dernière. Ah, c'était l'année dernière. Et t'en as refait d'autres depuis, les conneries ou pas? Il y a une semaine, ouais. Et ça fait quoi? La même main. Non, mais ça, t'es pas sérieux, t'as nouveau tapé sur un mur? Non, c'est en vélo. Ah oui, bon, là c'est un accident à la limite. Ouais. Après c'est un accident. Mais en même temps, du coup, la main est plus... en vacances, quoi, ça encule, quoi. Bah oui, mais bon, t'es où en vacances, là? À Brive. D'accord, ok. Mais t'es en vacances, t'habites là et t'es en vacances ou tu... Ouais, voilà, je bosse pas là en ce moment. D'accord. Bon, écoute, profite bien de ta main dans le plâtre. Hein. Bah non, c'est une attelle, là, ça va. Ah, c'est une attelle. Oh, ça va. Alors, t'es tranquille. Première fois, c'était un plâtre. Bon, alors, tout va bien, c'est génial. Bon, bah, très bien. Eh ben, merci d'avoir appelé, Pierre, en tout cas, tu reviens quand tu veux. Ouais, merci, c'est possible d'avoir un taxon. Bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse tout de suite. Yes, ça marche, merci. Salut Pierre, à bientôt, ciao à toi. Il y a Julien et Mélissa qui sont là. Julien d'Annemas et Mélissa de Lyon. Comment ça va tous les deux? Ça va, merci. Bon, bien, on va très bien. Bon, on va se faire le match d'impro dans quelques minutes. Ouais. Très bien, match d'impro donc qui va, je l'espère, bien se passer. Le principe est très simple, on va vous donner un thème juste après le son de Iggy Azalea avec de Jennifer Lopez avec First Love, parce que Iggy Azalea on l'a déjà mis, et vous allez devoir improviser. Alors, le thème, je vous le donne déjà comme ça vous avez le temps de Gilo pour réfléchir, c'est l'apocalypse, vous êtes les deux derniers sur Terre, la survie du monde dépend de vous. Ok. Bon, ça. Tout ça, bien entendu, avec des scènes pornographiques au milieu. D'accord? Ah, ça va être bien. Ah oui. Okay. Donc, le meilleur des deux, eh bien, sera récompensé, bien entendu. Les auditeurs voteront. Réfléchissez bien, qui fait quoi? Ok? Et on vous reprend juste après. Julien, Mélissa, bougez pas de là. C'est Mickaël No Limite. On est au cœur d'une heure sans pub. Ça, c'est la bonne nouvelle. On est là jusqu'à minuit. C'est la deuxième bonne nouvelle. Et puis, bon, la mauvaise, c'est qu'il y aura Polo contre le reste du monde. Ça, malheureusement, on peut pas faire sans. Hein. Si vous voulez vous faire accrocher au nez, appelez-nous. N'hésitez pas. Ce sera juste avant minuit sur Fun Radio. C'est Gilo qu'on écoute tout de suite sur Fun. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Exact, on est sur Fun Radio, 23h26. On va se faire également les exercices de Toff et Polo là, par rapport au gainage qu'on fait depuis mercredi. Et nous allons accueillir, enfin réaccueillir Julien et Mélissa. Est-ce que vous êtes là tous les deux? Oui. Ouais. Parfait. Bon, alors, on va donc faire le match d'impro maintenant. Le casque DJ a gagné pour vous si vous êtes bon. Le thème ce soir, l'apocalypse. Vous êtes les deux derniers sur Terre. La survie du monde dépend de vous. Ce qui vous donne quand même un putain une putain d'excuse pour pratiquer la pornographie, hein. Tout à fait. Voilà, ou on peut appeler ça plutôt l'érotisme poussé, parce qu'on sait qu'il y a des doux qui nous écoutent encore à cette heure-ci. Donc méfions-nous évidemment. Bon, alors, est-ce que vous avez un petit peu décidé qui faisait quoi, etc., etc.? Bah, le dominant. D'accord. Bon, bah après, vous verrez bien, hein, on verra bien. Bon, ouais. Alors, vous êtes donc sur Terre, apocalypse, les deux derniers sur Terre, la survie du monde dépend de vous. À vous de jouer, vous avez 2 minutes pour tenter ce match d'impro. Celui qui aura été le meilleur, eh bien, sera évidemment récompensé par les auditeurs, puisque les auditeurs vont voter pour vous, pour l'un ou pour l'autre. Attention, c'est pas parce qu'on parle non-stop qu'on a plus de chances de gagner. Il faut bien parler, placer les bonnes vannes, placer les bons mots au bon moment, ok? Okay. Donc c'est pas la peine de prendre le dessus en parlant non-stop, d'accord? Et pour vous donner une info, en général, les auditeurs votent plus pour ceux qui sont plus chauds. Ok. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hop, allez. Oh, putain, Mélissa, t'es là? Ouais, je suis là. Reviens avec moi, là, je suis chaud, là. Je me suis pris un astéroïde dans l'anus. Et putain, ça brûle. C'est vrai. Je suis. Oh, tiens, j'ai envie que tu me prennes, là. Oh putain, ça mouille, fais attention, te m'en mets un petit peu sous le chaud. Prends-moi encore. Oui, vas-y, viens, je vais te prendre. Il y a un arbre, il y a une petite souche. Encore. Ah, doucement, doucement. Oh, tu as mis ton ceinture God? Tu m'as pas dit. Ouais, j'avais envie de te prendre comme ça. J'avais envie de te prendre. Attention, fais attention, j'ai une double érection, fais gaffe. T'avais toujours rêvé de faire ça, hein. Oh putain, il y a une soucoupe. Oh non, moi je peux pas faire de partout. Viens avec moi, on va dans un coin. Oh oui, j'arrive. Oh oui, prends-moi en levrette. Oh oui. Oh, c'est lui qui est pris en levrette. Oh, oui. Est-ce qu'elle a mis son ah oui, pardon, c'est vrai. Oui. Oh. Attends, je vais te prendre en... Oh, j'ai pas menti. Attends, je sors mon couteau suisse. Oh putain, il y a R2D2, viens. Faut changer de comptoir, vite. Oh putain, j'arrive, oui. R2D2, ouais, vas-y. T'as sort des gonnichés en plus, putain, on est dans la merde. Je vais pas pouvoir éjaculer, attends. Prends-moi encore, tu t'appuies, prends-moi. Attends, je vais juste casser la lampe au-dessus. Prends-moi. C'est bon. Voilà. Vas-y, explore-moi. Attends, je mets ma capote que intergalactique. Souille-moi, viens. Souille-moi. Oui. Attends, je suis bricote, attends. Oh, c'est bon. Je me suis serré une testicule, c'est bon. Vas-y, recommence. Ils sont pas mauvais ce soir. Ouais, c'est ça. T'as combien d'anus? Ah non, c'est bon. Combien d'anus? Ah bah, c'est la fin du monde, hein. Aïe, ça brûle, je vais trop vite. Tu fumes, attention. Tu fumes, putain. Attends, je vais l'éteindre. C'est bon, bouge pas. Accroche-toi, ma verte. On va faire quelques mètres. Oui, c'est bon. Oui, vas-y. Encule-moi. Le ciel devient gris. Prends-moi. Je pense qu'avec ces mots, elle va gagner. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oui, attention. Oui. Attention, ça va venir. Encore. C'est sûr. Ouais. Et ben voilà. Bravo. Top. Eh, hey, vous avez été bon ce soir, ouais. C'est bien. Hein, mais c'est vrai. Hein, ouais. Une fille qui a compris ce que c'était de faire une simulation de porno. Non, mais il est parti grave en live là. Eh oui, mais c'est bien, t'as bien suivi et tout, c'est pas mal, ouais, Lisa. J'ai tenté. C'est pas mal. Bon, alors à vous de voter maintenant. Hein. Il va falloir mettre le hashtag Mickaël et puis vous mettez soit Mélissa, soit Julien. Vous pouvez voter aussi par SMS en envoyant Mickaël suivi de Mélissa ou Julien. Vous envoyez ça au 64 900 ou alors au 3044 depuis la Belgique. Et à Serge qui dit bon match d'impro, Ryan qui dit putain on dirait du vrai porno. Il y a Manon qui dit en hachis parmentier explosé de rire, une double érection pour le fan de fun. Le mec est chaud, c'est Cédric qui avait envoyé le message. Ouais, t'as l'air un peu bouillant là quand même, Julien là. Bah il est un peu en manque. C'est un peu brûlé quand même parce que dans la merde là. Pourquoi t'es dans la merde? Bah, c'est l'apocalypse. Parce que quoi? Ah oui, l'apocalypse, oui, bien sûr, d'accord, ok. Je pensais dans la vraie vie, autant pour moi. Bon, vous restez avec nous. Dans quelques minutes, on fera le topo par rapport au message qu'on a reçu de tous les auditeurs de fans. Et puis, on verra lequel des deux va repartir avec le cadeau. D'accord? Pas de soucis. Salut. Combien... Et au fait, parce qu'on n'a pas eu de réponse, Mélissa, t'as combien d'anus? Je crois qu'on en était à 12, non? À 12, d'accord. Ah bah, très bien, c'est parfait. Comme ça, ça c'est... Hein, plus on est de fous, plus on rit. C'est le problème de la radiation. Hein, oui, bah, c'est plus pratique, ouais. C'est sûr. Bon, ça roule. Allez, à tout de suite, Mélissa et Julien. À tout de suite, à tout de suite. Ouais. Bon, eh ben c'est parfait tout ça, il y a Jenny qui est avec nous là. Salut Jenny. Salut. Ça va? Tu peux couper ta radio Jenny s'il te plaît. Salut Gaël, ça va? Ouais, je l'ai coupé. Merci. Nickel, t'as écouté le match d'impro là? Comment? T'as écouté le match d'impro avec... J'ai écouté le match d'impro, c'était pas mal. Alors, pas tu mal. Voterais pour qui toi? Pour Julien ou pour Mélissa? Plutôt pour Mélissa. Étonnant. Ouais, ça parce qu'elle a dit vas-y encule-moi. Non? Ouais, plutôt. Ah, il me semblait bien. Ouais. Bon, alors, en attendant, les autres votés, on donnerait les résultats d'ici quelques minutes. Alors, et on va se faire les appels également, les appels malveillants de Tof dans quelques minutes également. Ben oui, on va pas rater ça, c'est la dernière giclée en plus là de ce soir. Alors, Gianni, toi, tu voulais parler des vacances de merde, puisque je tiens à rappeler que c'est un Chinois qui est parti avec son fils en Corée en vacances, sauf que le petit a décidé de dessiner sur le passeport, et je vous ai mis la gueule du passeport, hein. Ça vaut quand même le détour, allez voir sur le Facebook, tapez Mickaël officiel et sur Twitter aussi, ça vaut quand même le détour, résultat, il est resté coincé en Corée du Sud. Heureusement, c'était en Sud. Oui. De toute façon, au nord, il aurait été exécuté. Hein, pour, ouais, comme ça, à Corée du Nord, mec, il lui aurait dit ah, tu fais le malin. Ouais. Hop, terminé. Et toute la famille. Hein, ah, bah tout le monde, exactement. Ah, oui. Et même la descendance de la descendance, enfin bref, tout le monde. Ah, oui. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, Johnny? Moi, il m'est arrivé que j'ai perdu mes clés en allant à la plage avec mon fils. Ah, c'est ballot, ça aussi. Ah oui, c'est con. J'ai ça, perdu oui. les clés à la plage. D'accord. Voilà, dans le sable, c'est voilà, on s'est installé, on a été à la plage, et puis j'ai paumé les clés. Et après, en remontant dans la voiture, on me merde, plus de clés. Mais et là, c'était vraiment la galère. Mais c'est les, c'est les clés de quoi que t'avais perdu? Ma voiture. Ah, de la voiture, la voiture de Locke ou la tienne? Ah non, ma voiture perso quoi, ma voiture perso, j'ai perdu les clés dans le sable. C'était vraiment la galère à rechercher quoi. Oh la galère, moi ça m'était arrivé aussi, moi en partant en vacances, on part au Portugal avec l'équipe d'ailleurs, et puis on avait dispatché l'équipe dans deux voitures, et j'avais fait un détour pour aller chercher un truc chez moi, je sais plus quoi. Et donc je garde la voiture, je mets tout, machin, valise, tout le bordel, et tu sais par automatisme, je mets les clés, c'était un break, je mets les clés sur la valise. Et fatigué, tu vois, avant même de partir, t'es déjà fatigué. Je claque la porte du, enfin le coffre en l'occurrence. Et au moment où je vois le coffre partir et se refermer, je vois la clé qui est sur la valise. Sauf que j'avais pas le double parce que c'était pas ma caisse. Et le double était 400 km plus bas. Et je vois la porte fermée et je vois cette clé qui me faisait un gros fuck, tu vois, ouais. qui me souriait, qui me disait ah pauvre con. C'est vrai. Et je la vois sur la valise, je me dis oh putain de merde. Sauf que c'était des voitures qui se fermaient toutes seules. Dès que la porte était fermée, clac, tout se fermait automatiquement. Je me suis dit oh putain la galère. Donc du coup j'ai quand même réussi malgré tout à pousser sur le bouton de la clé avec un cintre. Donc on a démonté le cintre. On est passé par le joint de la porte, si tu veux, et on a réussi à les pousser sur le bouton ouverture des portes. Et puis putain, là, on a pu partir en vacances après, ouais. quand même. Mais c'était chaud quand même. Ouais. Quel con, vérifiez bien ou même désactiver le truc qui ferme les portes. Ah bah seul, toujours. Quoi. Oh là là, putain, le nombre de fois où ça m'est arrivé cette connerie là, moi. J'aurais pu rester plusieurs fois en galère totale, hein. Mais vraiment. Vrai. Et toi, c'était la seule fois, Jenny? Non, c'est déjà pas mal. Oui, c'était la seule fois, surtout. Non, c'était la seule fois. Et j'avais mes clés qui étaient à 300 km plus bas, comme toi, à peu près. Mais voilà. Mon double a été. Bon, quel bordel. Un vrai oui, bordel. Bah, appelez-nous si vous avez déjà eu des galères hein, de vacances. On lâche qu'à minuit. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, bah, Jenny, bah, merci d'avoir appelé en tout cas. Bah, fais attention à tes clés la prochaine bien. Fois. C'était intéressant de passer sur Fun pour la première fois depuis que je vous écoute. C'est vrai. C'était vraiment intéressant. Eh ben oui, écoute. Bah, j'ai jamais osé appeler, je me suis dit, oh non, pas pour moi ça. Oh mais passé, si, quoi. Mais Gianni. C'est bon pour les jeunes, ça. Eh, tu sais que t'es plus jeune que Toff? Je sais pas, Toff il est quel âge? Eh ben 43. Ouais. 43, ouais, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas. Non, il a 33, il a 33. Bon, alors 33, évidemment que. Voilà. Alors que Polo et moi, on est beaucoup plus jeunes, mais. Bah bon, oui. Ça, c'est des petits jeunes, voilà, des petits jeunes. Ça, ouais, voilà, on est des sales gosses. On est des voilà, gamins. Mais heureusement, on a Toff qui est là, qui est un peu le grand-père de l'émission. Bah oui. C'est vrai. Oh, hein, on l'appellera Papy Toff dorénavant. Bon, bah salut Jenny, en tout cas, merci d'écouter salut, Fun bah, et puis merci d'avoir appelé. Merci. Salut Jenny, ciao, à bientôt. Allez, si on faisait les appels malveillants. Ah, mais allez, oui, eh ben c'est parti. On parle d'amour dans les appels malveillants. Oui, d'amour. Enfin, c'est surtout de nombre de rapports, puisque en fait, la plupart des femmes voudraient faire plus souvent l'amour que ce que leur mari leur donne. Exact. Et donc, du coup, bah, on est allé vérifier parce qu'elles sont quand même presque 50% à en vouloir plus. Exactement. Les filles veulent sont 50% à vouloir plus de relations sexuelles, même si c'est que pour le coup. Hein. Oui, même c'est si pas c'est la qualité qui compte. Hein, pour non, non, c'est ça. La qualité n'a pas d'importance. Voilà. C'est vraiment, allez. Elles veulent juste faire plus. Et je rappelle que si vous avez des numéros sympas à donner à Toff, n'hésitez pas, on appelle ces gens avec grand plaisir. Hein, toph@radio.fr, c'est parti, on y va, on appelle, premier appel. Oui, allô. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous trouviez que votre mari vous faisait assez l'amour, madame. Mais tu veux que je te mette à m'aller dans le cul? Pourquoi vous voulez faire ça, madame? Je vois pas le rapport. Je sais pas, parce que ta question est particulièrement indiscrète. Mais pas du tout, madame. Enfin, je comprends pas pourquoi vous dites ça. C'est un petit con qui s'amuse, sauf que s'il voyait ma gueule, il aurait un peu peur. Quoi. Ah, enfin, bon, enfin... Donc tu sais quoi, tu vas aller te coucher, hein, c'est l'heure d'aller prendre le biberon, et puis basta, allez, bisous. Mais vous voulez pas répondre à ma question avant, madame? Allô? Ah non, elle a raccroché. Attends, parce qu'elle parlait à sa quelqu'un là, oui, son mari, bah son oui. fille, je sais pas quoi. Ce serait bien qu'il nous le passe là. Bah oui, ça serait bien. On rappelle un petit coup, 23h36 sur Fun. C'est Viscaros. Oui, bonsoir monsieur. J'étais au téléphone avec votre femme mais on a été coupé. Oui, ben vous êtes à la gendarmerie de Viscaros. D'accord, et en fait, je voulais savoir si votre femme, elle trouvait que vous lui faites assez l'amour, monsieur. Je peux avoir votre nom, s'il vous plaît, monsieur? Oui, bien sûr, je m'appelle Toff. Toff comment? Toff comme Toff, monsieur. Oui, mais vous savez que votre numéro s'affiche quand même quand tu m'appelles, jeune homme. Bien sûr, il n'y a pas de problème, monsieur, ça ne me dérange pas. D'accord, bon, ben à demain matin, alors. Pourquoi demain matin, monsieur? Je verrai bien. D'accord. Je vous souhaite une bonne soirée. Mais vous savez, monsieur, la dernière fois qu'on m'a... matin. Non, mais c'est pas vrai, monsieur. Je sais qu'il va rien se passer demain matin. Donc arrêtez, ah, mais... arrêtez de rigoler et de répondre à ma question. Mais écoute-moi, garçon. Si je te tombe dessus. Oui. Oui. Eh bien, tu verras ce qui t'arrivera. Mais et je... on te dit rendez-vous demain matin. Mais je vous donne mon adresse, monsieur. Ça ira plus vite. Mais vas-y. Alors, je suis 20. Ouais. Rue Bayard. Alors, ça s'écrit B-A-Y-A-R-D. T'inquiète, je sais comment ça s'écrit, Bayard. Ah, c'est pour être sûr. Et donc, je suis dans le 8e à Paris, monsieur. Voilà. Eh bien, tu sais quoi, va faire une tournante avec tes potes les blacks, là. Fais-toi bien sodomiser. Et arrête de nous emmerder, parce que si, justement, je fais le nécessaire, tu risques de finir demain matin avec des bracelets au poignet. Oui, mais c'est alors, pas vrai, arrête. Monsieur, c'est pas vrai. Arrêtez de me promettre trucs qui sont pas vrais. D'accord, ben, à demain matin, alors, jeune homme. Mais, monsieur, c'est pas vrai, je sais que c'est pas vrai, arrêtez. Ah, mais Grange, jeune homme, hein. Oui, je suis jeune homme. On soulignera le jeune homme. Mais oui, ça me fait plaisir qu'il mais me dise oui. ça. Allez, on rappelle encore un coup, c'est parti. Là. C'est parti. Bonjour. Monsieur, c'est pas bien de promettre des trucs que vous pouvez pas assumer. Bon, écoute-moi, petit merdeux. Tu sais quoi? Tu vas aller te faire enculer. Ta mère, elle va te faire enculer. Tu vas aller te faire enculer. Et tu ne casses pas les couilles, ok? Parce que ton numéro, là, maintenant, il s'affiche. Oui. Demain matin, je dépose une plainte contre toi. Oui. Alors, et même si t'arrêtes rue Bayard ou quoi que ce soit, on va t'enculer. Et si moi je te tombe dessus, tu risques de finir dépecé. Tu vois ce que ça veut dire, dépecé? Ah non, je connais pas. Ça veut dire quoi, dépecé? Ben, regarde un dictionnaire, espèce de trou du cul. Hein. Mais monsieur, pourquoi allez, va enculer ta mère, je te dis, pédé. Mais enfin, petit monsieur. Oh, bah, enfin, monsieur, c'est pas gentil ce que vous dites. Va te foutre, connard. Mais enfin, monsieur. Va te faire enculer, va enculer ta mère, je la baise par trouler tout, hein. Elle aime la bite. Mais enfin, monsieur. Mais t'inquiète, on va aller le voir demain matin. Tu sais, je vais te dire une chose. Oui. Continue. Oui. Et je vais finir ma merde. D'accord. Mais on va voir demain matin. T'inquiète. Mais bien sûr, monsieur. Mais c'est toujours pas beau de dire des choses que vous pourrez pas assumer demain matin. Le cul, le petit emmerdeur de merde. Tu vas crever la gueule ouverte. Je vais te dire une chose. Oui. Serrer nos tranches. Je oui. pense que tu fais peur. C'est vrai. D'accord. Je vais te dire une chose. Tu viens, il n'y a pas de souci. Par contre, je vais te dire une chose. C'est bon. Je vais te dire une chose. Je peux te dire que tu peux te pisser dessus. Mais tu vas tellement te pisser dessus qu'on va t'enterrer sous terre. Alors, parce que là, tu sais pas à qui tu parles. Ok. Tu t'amuses. C'est très bien. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Bah, c'est petit pédé, quoi, c'est, mais ça sert à rien, il viendra pas, on sait même pas où il est, on s'en branle. Je suis rue Bayard, madame. En tant que cul, pédé. Mais à Bayard, mais ça t'amuse de le faire toi? De faire quoi, madame? C'est un con. En plus, il est con, quoi. C'est un blaireau, c'est un pédé. En plus, il comprend pas ce que tu lui dis. C'est un petit pédé qui se fait enculer, ça, par un gros nègre. Peu importe, j'en ai rien à foutre par qui se fait enculer. Moi, je vais te dire juste une chose, c'est, oui. c'est lâche ce que tu fais par téléphone. Mais viens, qui vient de ce petit pédé, là? Sylviane, c'est particulièrement lâche. Voilà, tu vas voir le pétard. Voilà. D'accord. Bon. Donc, viens, c'est tout. Petit. Donc je vais te dire une chose. Oui, je vais dites-moi. Te parler dans le vide. Oui. Moi je raccroche pas si ça t'amuse. Ah ben non, ça m'amuse pas parce que moi j'appelais pour vous poser une question. Si vous y répondez pas, ça sert à rien, madame. Non, ben, c'est toi qui appelles, petit enculé de merde. Bah oui, parce que j'avais une question à vous poser. Non, ben, écoute, vas-y, pose ta question dans le vent. Moi, j'enlève le haut-parleur, là, tu vois. Oui. Et puis, je continue ma soirée tranquillou, et puis basta. Ah bah non, madame, ça sert à rien, ça, madame. Oh merde! Oh, oh il était bon! Oh, ah, il était bien pourtant! Oh, là, il était magnifique! Magnifique! Bon, ben on en fera d'autres des appels malveillants dès demain 23h sur Fun Radio. Il y a Camille avec AK qui dit: j'ai une amie qui, avant de partir en voyage, elle a toujours une merde niveau maladie qui l'empêche de partir, la pauvre. Ah bah oui, putain, ça c'est galère aussi. Robot aussi, aussi des vacances en Espagne, j'étais trop saoul, je me suis endormi pendant qu'on me suçait trop d'aigle. Putain, ça devait être content de la fille. Hein. Et Manon également: j'ai perdu ma carte d'identité une semaine avant de partir en Tunisie. Galère aussi. Romain qui dit: le garçon a été vraiment bon et marrant, mais Mélissa a fait des bruits qu'il fallait, donc je vote pour elle. Quelle bande d'enfoirés. Ah bah les bruits ça compte. Hein. Ah bah continue à voter d'ailleurs, hein, pour Julien ou pour Mélissa qui ont fait le match d'impro il y a quelques minutes. GTR qui dit: très beau match d'impro, dur de choisir. Et Romain qui dit: ils sont bons ce soir, vraiment bons, je suis plié en deux. Et Élise également qui dit sur le Facebook: une emmerde de vacances, je me suis pété la cheville en faisant de la corde à sauter dans les escaliers à la suite d'un pari. Et oui, et Andreas. Quelle idée aussi. De faire la corde à sauter dans les escaliers. Bah, complètement. Et Andreas qui dit: nous sommes pas seuls, le gouvernement nous ment. Ah oui, c'était par rapport aux ovnis de tout à l'heure ça. Bon bah restez sur Fun Radio. Je vous cale dans quelques minutes le son que je vous avais promis. Ariana Grande, Problem. Ça va arriver sur Fun Radio, restez là. Il y a Polo contre le reste du monde qui va arriver, dernière ligne droite de l'émission. Et appelez-nous si vous voulez participer au Polo contre le reste du monde. C'est une grande émission d'écoute, de fraternité, de paternité, de maternité. C'est ça. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Depuis la Belgique, ne bougez pas de là, c'est Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de cons. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. Mickaël, de 20h à minuit sur Fun Radio. Exact, il est 23h47 sur Fun Radio. Allez hop là, c'est parti. Il y a Justine qui dit: moi je me suis fait une entorse au ligament latéraux le deuxième jour des vacances. Ah putain, pas cool. Ah bah si si, c'est vrai que j'avais dit que il m'était jamais rien arrivé, mais entre les problèmes d'avion, les problèmes de temps, etc. Il y a eu aussi quand on est parti au ski. Allez, première fois j'arrive. Bon, alors c'est la première fois que je fais du ski, enfin du snow pour le coup. Donc je fais pépère, j'ai mon prof, tout va bien. Quatrième jour, je me vautre. Parce que tu sais, quand tu prends la confiance au début, tu vois. Ouais, quatrième jour, je me vautre. Bah, je me suis fissuré une côte. Bon, hop, terminé pour terminé pour les semaines. C'est quoi l'année d'après, hein, je pars. Hein. L'année d'après, ou un mois après. L'année d'après, je retourne, je me suis dit, bah, mais non, moi je me souviens de ce que ma prof elle m'avait dit l'année dernière et tout. Je descends, premier jour ça se passe, deuxième jour je prends la confiance, je me prends une plaque de glace, bah, je me suis fissuré une côte, mais une autre. Oh putain, de l'autre côté. Au moins comme ça il les a bien ressoudées tout voilà, le temps. Voilà, ouais, comme ça moi elles sont pliées. Donc voilà, c'est la faute à pas de bol quoi. C'est, ah bah oui. Voilà. Mais quoi que cette année j'y suis allé, pas de problème. Oui, certes, on bon. Est resté que deux jours. Oui, et puis tu avais ta combinaison. Maintenant, je peux l'armure, vous dire que maintenant j'ai l'armure. On dirait Robocop quand j'arrive sur les pistes de ski, hein, je peux vous le dire. Il y a la photo d'ailleurs, si vous cherchez un peu dans les photos du mois de mars, quand on avait été au ski, il y avait la photo de l'armure. Mais au moins comme ça, je suis pépère. Parce qu'il y a plein de gens qui font les malins en mettant pas de casque, ce que je faisais au début, hein. Une grosse erreur je crois. Oui. Et du coup tu mets pas de casque parce que tu dis ouais mais c'est moche, alors qu'en fait t'en branles quoi, tu vois. Et en fait je faisais que des conneries avec ça parce que j'avais peur de me casser la gueule et du coup peur de me faire mal, que du coup je faisais de la merde parce que voilà. Et quand j'ai commencé à mettre mon casque, ma combinaison, tout le bordel, et ben maintenant je suis plus franc. Et je sais que si je me vautre, bah pff, c'est pas grave, tu vois, j'aurai peut-être un peu mal, mais je vais vraiment, si je me casse quelque chose, c'est que je suis vraiment mauvais. Pour l'instant ça s'est pas passé. Bon, pas de casque, bah on verra l'année prochaine, mais pour l'instant tout va bien. Bon, donc du coup on parlait des vacances, il y a Balom qui dit: demain il y a cours, mais heureusement il y a Mickaël qui nous réconforte. Alors c'est gentil Balom, bah bon courage à toi pour les cours. Et Gamoniac aussi qui dit: seulement Mélissa, mais m'a fait de l'effet, elle a fait les bons bruits, donc je vote pour elle. Bon, il y a plein des votes qui sont arrivés, on va donner les résultats dans quelques minutes avec Mélissa et avec notre ami Julien. Et là on a Coco pour terminer avant de faire Polo contre le reste du monde. T'es là Coco de Paris? Oui, bonsoir Mickaël. Ah, mais c'est Coco qui aime les coups de fouet. Oui, comme le cuir. Eh oui, tu devais effectivement, on t'avait eu la semaine dernière au téléphone, enfin pendant la semaine entre 23h et 2h, et tu nous avais dit que ce week-end était un week-end de débauche, exactement. Ah ouais. Oui, comme tous les week-ends. Bon, alors que s'est-il passé? Ah ben, tu as eu droit à ma fessée, comme d'habitude. Hein. Ah, ben nous voilà rassurés. Ah, oui. Quelle cochonne, cette Coco. Mais oui, nous voilà rassurés. On a reçu plein de jeunes de 20, 26 ans, 30 ans, qui viennent d'autres clubs, et ils m'ont baisé. Mais parce que tu fais partie d'un club échangiste, évidemment. Non. Ah. C'est 100% gay. Oui, mais enfin, c'est échangiste quand même, ou pas? Oui, oui, oui. Oui, bon, bah voilà, c'est ce que je dis, tu fais partie d'un club échangiste. Voilà, bon, après, qu'il soit gay ou pas, on s'en doute qu'il est gay, mais bon, bref. Alors, je fais plein de massages, et puis après, j'ai fini en sandwich. Ah oui, j'adore ça. Mais quand tu dis que t'as fini en sandwich, parce que une est-ce fiche, que j'ai du pain et de la salade? Une fiche, je comprends le principe du sandwich, tu vois. Voilà, parce que devant, derrière. Ah oui, toi t'as pas, oui, c'est mais ça. Mais toi t'as fait quoi en sandwich? Du coup, t'as enculé un mec et un autre était derrière. Oh, bah oui. Voilà. C'est ça, ils ont voilà fait le petit ça train. Ah, voilà. T'as fait la queue leu quoi. Oui, comme je. Bon, je suis passif et actif. Non, je suis plus actif qu'actif que passif, quoi. D'accord, ok. Bon, enfin, t'as fait le sandwich, quoi. Oui, oui, oui. T'as fait un jambon beurre ou. Jambon beurre. D'accord, ah, ok. Oui. T'as raison, hein. Enfin, après, Nutella, quoi, plutôt. Un coup de fou un petit peu. Bah, bien sûr, évidemment. On a que bien qu'on se donne. C'est toi, un lick des menottes. Oh là là. Ah, bah. Ah, tu t'es mis bien, toi. Et quand est-ce que tu prends rendez-vous à la fistinière? On en avait parlé la semaine dernière. Ah ben, je vais rester de la semaine. Ah, bah parfait. Ah. Hey, tu nous tiens au courant, hein? Oui, pas de problème, oui, oui. Tu moi, je veux... Ah, moi, je veux savoir comment va la sœur. Je sais pas si vous avez vu le reportage de la télé. Sinon, tapez sur YouTube, tapez la fistinière. Il y a un moment, il y a la sœur qui se met dans le bordel et qui veut aussi fister. Et donc, je veux voir si la sœur est toujours là. Ouais. Enfin, tu vois, s'il est toujours dans la fistinière, est-ce qu'elle a été promue? Parce qu'elle racontait quand même, oui, moi, j'aimerais bien fister tout en faisant le pain. Ouais. Oui, oui. Voilà, bah oui. Le pain qu'elle allait servir au déjeuner. Et elle a dit quand même cette phrase mythique, pour bien fister, il faut avoir été fisté. Oui, ah bah bien c'est sûr, normal, évidemment. C'est normal. Bah, d'accord. Ne fiste pas qui veut. Bah évidemment, c'est un métier, voyons. Bon, et donc bah du coup, t'as passé un bon week-end. Oui, c'est bien. Là, on prépare un film pour septembre. Ah bah voilà, Tof jouera dedans. Hein. Dis-moi, autre oui. question, pendant que t'étais en sandwich, il était quelle heure quand tu t'es fait prendre le sandwich? Oh, il était 3h30. Du matin? Oui. Hier? Oui, samedi. Ouais, donc la nuit de samedi à dimanche. Oui, oui. Non, mais c'était pour voir ce que je faisais, bon, je dormais, tant mieux. Hein, ah parfois, oui, il vaut mieux éviter, il vaut mieux pas voir, il vaut mieux éviter de croiser le fils. Mais est-ce que vous faites des pièces montées des fois? C'est-à-dire une bite, un mec. On fait des concours de bites, ouais, on fait de tout. D'accord, ok. À quatre pattes, je suis bien. Et dans les sandwichs, comme tu disais que tu avais pris un sandwich, est-ce que tu fais comme, tu sais, genre par exemple chez Quick, il y avait le triple suisse, là tu fais le triple gay, donc trois gays l'un dessus de l'autre. Voilà. Tu sais, comme le burger, quoi. C'est ça. Sauce blanche, bien sûr, toujours. Hein. Pas de ketchup, pas de mayonnaise. Ah non. Ils font le cercle aussi, hein. C'est-à-dire qu'ils arrivent à se mettre assez nombreux pour revenir dans le premier. Non, mais c'est bien, écoute, tant que vous éclatez, au final. Le youf, ouais. Ouais, c'est le principal. Et puis tant que vous sortez couvert, j'espère que tu sors couvert avec tout ce que tu prends. Oui, ah, bon. Ça m'excite quand ils sont en cuir. Hein. De quoi? Ça m'excite quand ils sont en cuir. Non, mais ils parlent pas de pas veste. Couvert, genre pour attraper la grippe. Hein. Genre, vous mettez des capotes quand même, rassurez-moi. Oui, ah, bon. Bien sûr. Oui, ah bah oh là là, vous inquiétez pas, on a une écharpe, hein. On risque rien, le rhume n'est pas notre ami. Oui, bah on s'en doute un peu, oui. Bon bah très bien, bah écoute, en tout cas, bah content que ça se passe bien. Et puis bah tu nous rappelles quand t'as des nouvelles de la fistinière, Coco, d'accord? Ok. Bon, ça roule. Salut à toi, Coco, à bientôt, merci beaucoup. Ciao. Allez, à bientôt. Et on va donner les résultats du match d'impro avant de faire polo contre le reste du monde. Mélissa qui est avec nous, et on a perdu malheureusement Julien, merde. Mélissa, t'es là? Oui, je suis là. Bon, juste avant que Mélissa s'en aille, combien Mélissa mesure, Mélissa? 1m64. Ah, combien pèses-tu, Mélissa? 53. Quel est ton tour de poitrine? 95C. Oh là là là. On aurait peut-être dû avoir ces informations-là avant. Ça, c'est pour Julien, après, moi, je dis. Et la taille de les pantalons que tu as acheté? 36. Oh là là. Ah, ouais. Et surtout avec 12 anus. Ah oui, bah oui, en plus. Alors là, on est au top du top. Bon, quels sont les résultats finaux, Tof? Eh bien, comme ça, on ne pourra pas dire que ça a influencé les votes. C'est Mélissa. Eh ben bah, non, on pourra pas dire. Cool. Eh ben bah, voilà. Bon bah du coup, de toute façon, on avait perdu l'autre, donc en moi ça nous arrange. Hein. C'est vrai. Bah c'est plus facile pour prendre les coordonnées dans un sens. Mais écoute, tu sais ce qui t'a fait gagner? D'après tous les auditeurs, quand je vois les messages, c'est quand t'as commencé à gémir. Ouais. Ah d'accord, okay. Ah bah c'est ce qui t'a fait gagner, hein. Tu sais bien les mecs, hein, faut pas non plus faire des trucs trop spécifiques, hein. Truc basique, non. Ça marche toujours avec et le enculement aussi. Ah bah oui, là c'était le petit mot qu'il fallait, où il fallait, bah voilà. Bon, d'accord, bah, Mélissa, bon. Je te fais des gros bisous. En tout cas, tu retournes chez Sandro. Standard, on prend tes... Hey, Sandro, c'est de l'eau que tu bois là. T'es ouf ou quoi là? J'ai pas avalé de travers. Mais c'est de l'eau là. J'ai commencé mon régime aujourd'hui. Ouais, c'est ça, elle est complètement jusqu'à dingue. Demain. Elle boit de l'eau, elle est complètement ouf. N'importe quoi alors là. Bon, salut Mélissa, gros bisous. Hein. Salut, merci à vous. Salut à toi, ciao. Est-ce qu'on fait le gainage aussi en speed là du coup? Est-ce qu'on est un petit peu à la bourre là maintenant? Bon, allez, bah c'est parti. Alors très bien, le gainage, je rappelle le principe, c'est qu'on a découvert un nouveau régime la semaine dernière sur Facebook, n'est-ce pas? C'est pas un régime, c'est un... Bah, c'est pas un régime, c'est une position en l'occurrence qu'il faut tenir pendant un mois. Tous les jours, il faut la faire un petit peu plus longtemps. Ils ont commencé par 20 secondes où il faut se tenir en mode pompe, voilà. Mais avec les coudes. Il faut pas mettre les mains, il faut pas monter les angles. Il faut être tendu, quoi. Il faut être tendu et rester sans bouger. Il fallait faire 20 secondes, vous l'avez fait deux fois la semaine dernière, et là on est passé à 30, c'est ça? On est censé être à 40 là. À 40? Ah bah oui, puisque hier on devait faire à 30 et là c'est le deuxième jour à 40. Il y avait pas d'émission hier. Ah bah oui, mais bon. Bah oui, mais bon, bon 40. Bah si ou alors on fait plus que 30 jours, mais. Non, bah alors faisons 40, alors très bien, on y va, c'est parti. Bon, alors on y va. 1, 2, non, je vais faire à l'envers. 3, 2, 1, go. Voilà, hop, c'est parti. On est donc il est 23h56 et 40 secondes. Il faut qu'il tienne jusqu'à 23h57 et 20 secondes pour faire les 40 secondes. Ça va bien là en 10 secondes ? Non, c'est dur là. Non, attends, t'as fait 20 secondes sans problème et là tu fais une chose. Mais j'ai pas fait 20 secondes sans problème. Bah si. C'est ce que tu nous avais dit la semaine dernière, ça s'était bien passé. Oui, ça s'était bien passé. J'ai pas dit que c'était sans problème. Et Polo ? Bah, ça va. Il va bien. Ça va. On est qu'à 25 secondes, hein, Pépère. Combien ? 25. Ah, oh, ça va. Pépère. Tout va bien. Et on a mis le micro par terre, hein, c'est pour ça qu'on les entend bien, oui. Là. Alors, attention, on y va. On a investi dans le matériel. Attention. 3, 2, 1, stop ! Oh, ça putain. Y est, voilà. Alors, comment ça se passe le gainage de 40 secondes? Je rappelle que à la fin du mois, donc aux alentours du de fin juin, hein, grosso ouais, modo, vers le 25, un truc comme ça, il va falloir tenir 270 ah, secondes. Ah, c'est pas possible. Rien de ça, j'ai envie de vomir. C'est-à-dire quasiment 10 fois ce que vous avez tenu. Voilà, 8, on va dire. Putain, c'est ouf. Ah ouais, oh c'est là ouf. Là. Mais il faut oh. s'entraîner. Hein. Ça, ah vous bah. Avez fait 20, vous êtes à 40 maintenant, c'est bien. C'est bien. Continuons, on verra demain. Oui, demain on a 50. Demain c'est 50 déjà. Ah, d'accord, ok. Peut-être que je vous rejoindrai en cours de route parce que mon dos va mieux. Ah bah donc tant mieux. Peut-être que demain je serai des vôtres. Je vais faire 20 secondes ce soir chez moi et puis on verra. Bon, allez, allez c'est parti pour Polo against the rest of the world. On y va. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. On commence tout avec l'esprit criminel. Je t'écoute. Bon allez dégage. Quentin. Hop là, réfléchis. Jordan. Oui, bonsoir, t'as une grosse bite. Oh super, c'est gentil. Lino ! Est-ce que tu savais que la plupart des poissons vivaient dans l'eau ? Hey Lino, c'est génial comme information, j'aime beaucoup. T'en as d'autres, t'es comme ça ? Oui, oui. Tu savais qu'on pouvait rester une fois dans la lave, mais pas souvent en fait. Et pas deux fois, ouais, c'est normal, t'es brûlé, ce petit idiot. Adrien ! C'est l'histoire d'un canard qui a une patte, trouve ça drôle, lève l'autre patte et tombe sur son cul. Et alors ? Bon, Adrien, fous-moi le camp, espèce d'idiot. Elliot ! Polo ? Ouais. Polo ? Ouais. Polo ? Allez, dégage. Allô, qui est là ? Oui ? Oui, je t'écoute. Moi ? Ouais. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'appelle au sujet du barbecue de samedi. Je prends quoi comme saucisse ? Parce rien que du tout, je mange pas de saucisse, casse-toi d'ici. Damien ! Polo ? Ouais. Ouais, voilà, en fait, je voudrais être canulariste. D'accord, et... super, esprit criminel. Esprit criminel ! Oui. Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes ou ce soir ? Quentin ! Ouais, pourquoi Polo, pourquoi toi, Félix ? Parce que, je sais pas, demande à sa mère. Hein. Jordan ! Oui, pourquoi les koalas vivent dans les arbres ? Mais arrêtez de me poser des questions, ça m'intéresse pas. Lino, le retour ! Mais je sais plus quoi te dire, hein. Bah alors dégage d'ici, c'est mieux comme ça, Adrien ! Quelle est la différence entre un lapin et un pneu ? Un lapin, je sais pas. Ils sont tous les deux en caoutchouc. Bon, allez, on va conclure là parce que je pense qu'on est tombé sur une espèce de tripotée d'abruti là et ça va me saouler. Damien, conclusion, vite ! Ouais, bah non, en fait, je me disais, je pourrais appeler et je dis aux attends gens, deux secondes, voilà, il m'a saoulé lui. Quentin ! Ouais, conclusion. Question. D'accord, dégage. Jordan, demain, Jordan ! Oui. Allez, conclusion. Pourquoi les dauphins vivent dans l'eau ? Qui ? Pourquoi les dauphins vivent dans l'eau ? Je sais pas. Je pose la question. Bon, d'accord. Oh là là, c'est pas possible. Maintenant, c'est plus les blagues, c'est les questions. Ah ouais, c'est Adrien. Conclusion, s'il te plaît. Les girafes, ça n'existe pas. Normal, c'est un coup monté. Ça, c'est drôle, ça. Adrien, casse-toi. Esprit criminel, conclusion. Oui, on vient récupérer ce fils de pute de teuf, là, dans les esprits du monde, le paradis, l'enfer. On va lui montrer que sa mère la pute, là, on va le mettre dans les enfers. Et Dieu a dit, teuf est un enculé. Il a eu faire enculer sa mère pour une grosse bite noire. Oh. Et je t'aime. Allez, nique ta mère la pute. Allez, dégage. Et pour conclure, Damien. Damien ? Ouais, ou non. Un, deux. Parce que je l'appelle et puis je demande, tu vois. D'accord, Damien revient demain, on va faire ça demain, ok ? Ah ouais, mais pas. Allez, dégage, j'insiste, termine ce Polo contre le reste du monde. Merci à ceux qui m'ont écouté et merci surtout à ceux qui m'écoutent. Bah voilà, c'est rien. Ouais, c'est à ceux-là quoi. Allez, ouais, je me calme. Bon, voilà, bah très bien. Bon, allez, on va se faire le top tweetos maintenant avant de partir, hein, évidemment. On va se faire le top tweetos, on va vérifier quel est l'auditeur qui a été le ou la plus active ce soir avec le hashtag Mickaël. On va remercier également Élise déjà qui était connectée ce soir. Il y avait Fan de Fun qui a bien tweeté là, Dylan également, il y avait Pablo, Kevin, Virginie 66, la friterie Alba également qui était bien connectée, et puis tous les autres. Hein. Vous pouvez le faire évidemment demain, prévenez vos potes également qu'on est là sur Fun Radio 20h minuit le dimanche et 23h 2h tous les soirs de la semaine. Alors, je sais qu'il y a Hugo Réo qui voulait taper haut là en termes de score là, où a-t-il terminé, on ne sait pas. Numéro 5. Numéro 5 c'est Julien. Numéro 4. Numéro 4 c'est Noah. Numéro 3 Virginie 66. Numéro 2 Fan de Fun. Et numéro 1 Franck. Et ah donc pas de Hugo Réo alors. Non, malheureusement il est 6ème, il échoue. Ouh, il échoue en bas. Ah là là là là là là. Parce qu'il voulait gagner, il avait gagné qu'une seule fois et ouais. Il voulait gagner une deuxième fois. Mais bon, malheureusement. Il a lamentablement échoué. Oui là c'est une défaite totale. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Alors du coup, quel est le nom numéro 1 Franck. Franck qui est à nouveau, a priori. Oui, c'est un nouveau. Je pense, eh ben bravo oui, toi, Franck. Eh ben tu repars avec un magnifique sextoy offert par passagedudésir.fr. Pour te faire plaisir ou faire plaisir à ta copine, c'est selon. Bah c'est ça, il fait comme il veut. Exactement. Dans son cul, ça ira mieux. Bah ça reste à voir. Ça reste à voir. Oh là là. Bon, générique de fin. Ouais. Allez. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, taf te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton nom toute la journée. Ouais, écoute-moi, petit merdeux. Tu sais quoi? Tu vas aller te faire enculer. Ta mère, elle va te faire enculer. Tu vas aller te faire enculer. Et tu nous casses pas les couilles, ok? De trou du cul. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Quel cochonnerie! Que veux-tu? Ils sont canadiens. On va t'enculer. Et si moi je te tombe dessus, tu risques de finir dépecé. Tu vois ce que ça veut dire, dépecé? Enculé, toi, l'enculé. Ferme ta gueule! Toi l'enculé, tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Et ben voilà, allez hop là, une de moins donc du coup hein. Bah voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée en tout cas à notre compagnie. Nous on s'est bien marré grâce à vous également et avec vous. J'espère que vous serez là demain, que vous aurez évidemment prévenu vos potes d'être là à partir de 23h sur Fun Radio. Et ce tous les soirs de la semaine. Demain encore, le chéri je peux faire cocu lundi évidemment, ouais. On aura les appels malveillants qui seront de retour. On t'entend pas toi parce que si t'allumes pas ton micro, ça marche jamais. Plus le bouton en fait. Mais ça marche plus, il met pas son casque, après il s'entend pas, il entend dur. Non mais non, ça fait depuis tout à l'heure que j'arrête pas d'appuyer, en fait il s'allume pas. Donc ça fait 20 ans là maintenant que ça s'allume. Non, pas. Là c'est pire que d'habitude. Bon allez, bonne nuit tout le monde, là on se retrouve demain en pleine forme à partir de 23h sur Fun Radio. Salut. 20h minuit. Mickaël. No limit sur Fun Radio. Et c'est parti Fun qui démarre maintenant sur Fun Radio en mode Swedish House Mafia, c'est jusqu'à 2h du mat sur Fun. Ciao tout le monde, à demain juste après Love in Fun. Now. Let's go.